écoutez Fun Radio, bonne fin de week-end depuis 18h, je vous mixe le Rotten 25. Et le numéro 1 de ce soir, bah, ça ne bouge pas par rapport à dimanche dernier. Toujours David Guetta et Chotek avec Bad. Rotten 25 sur Fun Radio. Les deux entrées à noter de, bah, pour cette semaine, c'est Pitbull et Keisha pour le Timber et Stadium X. Également avec Shakira pour le Der La La La. Voilà les entrées, toutes les infos à récupérer sur funradio.fr. Rubrique Eurodance 25, prochain classement dimanche prochain. Donc on sera là tout l'été pendant les vacances, 18h-20h tous les dimanches, histoire de savoir un petit peu ce qui se passe à l'étranger si vous partez en vacances. Et lui aussi on va le retrouver une partie de l'été. Il faut bien qu'il se repose parce qu'il a bossé toute l'année. C'est Mickaël. Oui. Tout à fait, tout à fait. Comment bon, ça va? Bah bien, bien Mickaël qui passe en heure d'été aussi. Et oui, on a changé l'heure. 20h minuit toute exactement, la semaine. Exactement, oui. Tu vas pouvoir te coucher plus tôt, c'est bien. Oui, on peut voir ça comme ça aussi, effectivement. Ouais. Bon, et bah, très bien, bah, le retour de l'Eurodance, ce sera la semaine prochaine. Exactement. Dimanche prochain, même horaire. Même horaire, je suis très triste qu'on ait perdu Pitbull et Keisha avec Timber. Ouais, bon, ils vont revenir. Ils vont partir en camping. Bah, ils vont revenir avec autre chose. Ça mais va oui. Se passer. Moi, j'y crois, y a pas de problème. Peut-être. Bon, bref. Allez, bonne fin de week-end. À toi aussi. Salut à toi. Salut, et nous, on est parti en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio, je veux dire jusqu'à 2h. Jusqu'à minuit. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme bon, ça. Bon, arrête de téléphoner, hein. Ta gueule est connard et oh. Fils de pute. Oh non, monsieur, enfin. Toi, tu voulais donner un conseil à Aude aussi, puisque toi aussi, tu vis dans un décalage, quoi. Ouais. Ta meuf, à quel âge? Ben, en fait, on n'est pas ensemble, parce que j'ai cassé, mais elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Mais vous pouvez pas vous laisser pas tranquille à 11 ans, là, aux choses à faire, non? Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram. Et maintenant, en live, sur Fun Radio. Et oui, on est en direct. Bonsoir tout le monde. Ah bah voilà, on vous tient au jeu, hein. 2-1 pour les Pays-Bas face au Mexique. Alors que bah, les Mexicains tenaient leur quart de finale. Et malheureusement, sur les 4 dernières minutes, les 6 dernières minutes, hop, terminé. Donc voilà, bravo aux Pays-Bas donc, qui rejoignent le Brésil et la Colombie. Voilà, donc on vous tient au jus, bien sûr. On aura des maillots à vous offrir tout à l'heure, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de vous retrouver pour deux semaines entre 20h et minuit. On va bien se marrer, en tout cas, on fera tout pour. J'espère que vous êtes bien là également là pour bah, qu'on se marre bien tous ensemble. Et pour bien commencer les vacances jusqu'à la fin du mondial, ce sera donc 20h minuit, comme je le disais, du dimanche au jeudi. Voilà, il y a également... comment il s'appelle? Com? C'est Com que tu t'appelles comme ça? Oui, c'est ça. C'est une adresse mail. Tu t'appelles Com ou Com ou Comé ou comment on dit? Com. Com, d'accord, ok. T'es hindou, toi? Oui, je suis hindou. Ah bah alors ça, j'ai une histoire à propos des doux. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais restez bien sur Fun Radio. Je suis tombé là-dessus ce week-end et je me suis dit, putain, faut que j'en parle ce soir. C'est fait, j'en parlerai tout à l'heure, donc restez bien là. Bon, alors Com, tu veux devenir... non, alors j'ai oublié. On dit Com, c'est ça, hein? Oui, Com. Ah, voilà, c'est ça. Bon, t'as eu tes résultats, là, tes notes? Oui, bon, non, c'est bon, là, tout est bon, tout ça passe partout, là, ça passe. Ouais, parfait, c'est pas bon, allez, c'est bon, ça c'est les bons doux, ça, ouais. C'est parfait. Bon, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui ont pas encore mué, bien entendu, ou qui ont moins de 15 ans. En l'occurrence, là, il rentre dans les deux cases, hein, puisqu'il a 12 ans, il n'a pas encore mué. Bon, Com, tu veux devenir un doux officiel, toi? Oui, c'est exactement ça. Eh ben, c'est parfait, bah, alors je te passe Polo, hein. Attends, c'est parti. Voilà. Allô, Com? Oui. Oui, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir un doux. Oui, c'est ça. Bon, je peux accéder à ta demande. Moi, Polo, grand maître, incontesté de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, je vais faire quelque chose pour toi, Com. Com, mets-toi à genoux. C'est bon. C'est bon? Com, oui. Insulte-toi, mais correctement. Truc, je veux rien dire. Non, mais choisis tes mots. Je suis une péripatétique prostitute et je ne mérite pas de vivre. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est violent, là, ouais. Com, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Oui. Et tape-toi sur la tête alors. C'est bon, non. Merci. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo Com, tu es doux officiel, bravo. Ouais. On va t'appeler le doux mail. Le doux mail, ouais, oui, mais com, quoi, c'est com, etc. Ouais, ouais. Le doux.com. Voilà, le doux.com. Ah, c'est bien ça, le doux.com. Ouais. Eh, bravo à tous ceux qui changent leur pseudo, hein, tous les doux, là, sur Facebook, Twitter, j'en ai vu plein, là, la doufada notamment, qui arrête pas de tweeter, qui a changé son pseudo. Bah, toi aussi, du coup, hein, le doux.com, là, il va falloir que tu changes ton pseudo sur Facebook, Twitter, oui, Instagram, partout ce que tu as, évidemment, et bah, tu mets ton nouveau pseudo, bien entendu. Et puis, Polo qui prend note maintenant, hein, depuis, avec tous les noms, bien entendu, hein, le doux.com en l'occurrence. Et n'oublie pas que tu as cette lourde charge sur tes tes épaules de prévenir tous les auditeurs, enfin tous tes potes en l'occurrence, qui n'écoutent pas encore Fun Radio, car oui, il y en a encore qui sont ignorants. Voilà. Oh, les pauvres. J'avais déjà prévenu pas mal. Ah bah c'est parfait. Bah n'oublie pas de continuer alors. Hein. Continue. Préviens-les. Il se passe enfin un truc le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe, tout simplement. Donc je compte sur toi, évidemment. D'accord ? Ouais. Parfait. Et bon, t'as droit à deux dédicaces, le doux.com, hein, si tu veux, puisque t'es doux officiel. D'accord, alors dédicace à Joseph qui m'écoute en ce moment même. Ouais. Et à tout le collège des Toulouses dans le 95. Très bien, eh ben on les embrasse tous, y a pas de problème. Tu veux écouter un son particulier, le doux.com ? Je dirais Happy par Pharrell Williams. Tu veux quoi, lequel ? La pute. Happy, Pharrell Williams. Ah, Happy de Pharrell Williams. Alors attends, est-ce que je l'ai celui-là ? Où est-ce qu'il est ? Écoute, je vais le noter, je te le mets tout à l'heure. Je l'ai pas en extrait, mais je te le mets tout à l'heure. D'accord ? Et je te mettrai aussi le son d'Avicii, qui est plutôt pas mal aussi, avec les Me Down. Ok, parfait. Eh ben voilà, très bien. Il y aura aussi Gillo avec Bully. Ça y est, avec Chandelier. Et je vous cale aussi un de mes sons préférés, Coldplay, avec Sky Full of Stars. Que du bon. Et ben, bah, comme d'habitude. Et puis, quand même, Jason Derulo, t'aimes bien, toi ? Wiggle, wiggle, wiggle. Le doux.com ? Oui. T'aimes bien le son de Wiggle ? Ouais, j'adore. Ah, bah, très bien, parfait. Bon, bah, ça roule. Bah, salut le doux.com. Ciao. Allez, bonne soirée à toi. Hein. Et puis, on aura aussi les appels. Salut, .com. Ciao. Et puis, on aura aussi les appels malveillants de Tof, bien entendu. Hein. Ce sera tout à l'heure le retour de tous ses amis. Oh là là. Bah, maintenant, ta gueule aussi, tu vas l'avoir, non ? Bah, il va l'avoir, oui. Bah, arrêtez de prendre pour une conne, non, mais attends. Et bah, non, mais attends, bah, justement, tiens, il va attendre un petit peu. Ce sera d'ici un gros quart d'heure. Donc, restez bien sur Fun Radio. Polo qui est là également. Son qui a passé un bon week-end. Beuvry ou pas ? Hein ? Beuvry ou pas ? Beuvry, non. T'as picolé ? Rien ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Elle était sage. Bon, très bien, parfait. Bon, et si vous avez vous aussi envie d'écouter un morceau en particulier, bah surtout n'hésitez pas à demander, bien entendu. Et attention, je vous le rappelle, je vous l'annonce. Pour ceux qui étaient sur le Facebook, je vous le rappelle. Pour ceux qui n'étaient pas sur Facebook, je vous l'annonce. On offrira tous les soirs jusqu'à la fin du mondial. Enfin, en gros, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, en l'occurrence. Eh bien, je vous offre des tablettes Asus MemoPad 10. C'est des tablettes 10 pouces. Et je vous en offre une par soir. Ah oui, sympa. C'est sympa. Pour ça, il y a une question hyper compliquée. Ouh. Donc attention, méfiez-vous parce que parce que c'est compliqué quoi. Donc à mon avis, on n'aura pas beaucoup de réponses. Donc résultat, vous allez avoir beaucoup de chances de gagner. Ça vaut 200€ la tablette, hein, donc pour partir en vacances. Et en plus de ça, dès si vous la gagnez ce soir, elle partira à la fin du jeu. Donc c'est-à-dire que le 13 juillet, alors on va dire le 15 juillet, tout part. Donc vous avez tout dans la semaine du 15 juillet. Eh ben, c'est ça beau. Ça va. Livraison express. Donc si vous avez la bonne réponse à cette grande question, attention, s'il faut que je la retrouve déjà aussi. Hop là, voilà. Karim Benzema est le nouveau mec de Rihanna. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai, vous envoyez ça au 64 900. Pas plus compliqué que ça. Avant 22h, j'en tirerai un au sort. Et si s'il a la bonne réponse, eh ben, il repart avec la tablette. C'est pas plus compliqué que ça. La tablette, donc, on vous offre tous les soirs sur Fun Radio. Donc, Karim Benzema et Rihanna sont ensemble. Donc, Benzema est le nouveau mec de Rihanna. Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. Bonne chance, tout le monde. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Mr. Steven qui dit j'aime bien ce nom, le doux.com. Oui, c'est sympa, hein, bonne idée, Mickaël. Bah, merci, Mr. Steven. Et Christopher qui dit Mickaël, bon courage pour le taf. Oh, il en faut pas, nous on se marre hein, tous les soirs. Hein. Moi je suis en mode grosse loc après une soirée très orgie. Tu me fais un message de bienvenue, c'est Christopher Decan. Avec plaisir, Christopher Decan. J'ai niqué ta mère, hein, mon gros bâtard que tu es. Voilà, et Kevin qui dit bonsoir à tous, Mickaël. Tu as quel maillot aujourd'hui ? Ah bah aujourd'hui j'en ai pas, mais demain. Ah, je sais pas. Demain t'as un autre jour. Bah demain t'as un autre. Bah demain je mets celui de la France. Ah bah oui. Et après demain celui de la Belgique. Puisqu'il joue en mardi, donc évidemment. Et la friterie là-bas qui nous salue, salut à toi, salut à vous toutes et vous tous également. Hein. En tout cas, je suis content d'être avec vous. On l'est tous, hein, jusqu'à minuit, on est en direct sur Fun Radio avec tous les rendez-vous habituels du dimanche soir. Avec le chéri, je peux te faire cocu, le canular, les appels malveillants. On fera également tout à l'heure le match d'impro, ce sera vers la fin de l'émission pour ceux qui connaissent. Et puis bah ceux qui connaissent pas, demain il n'y a pas cours. Profitez-en et restez avec nous jusqu'à minuit. Vous allez pouvoir peut-être découvrir l'émission si vous venez de débarquer pour la première fois. Merci d'être là, merci de passer le message à tout le monde d'ailleurs. Et puis je voulais parler de vos phobies également. Qui a une phobie ici là? Il y en a qui ont une phobie ou pas? Moi j'ai la peur du vide. Ouais, ouais, Toff a la peur du vide. Polo, t'as la peur de quelque chose? De Toff. À part de la gueule de Toff? Non, non, sinon rien. Non, non, pas de phobie particulière. Ah non, non, non, je suis ranks. D'accord. Non, va, moi j'avais le vertige, mais je l'ai plus. Enfin, je l'ai encore un peu. Si je suis, j'en sais rien moi, sur une échelle à 50 mètres, si tu veux, je vais avoir le vertige. Mais avant, au deuxième échelon, si tu veux, j'étais en panique quoi. Ah, c'est ridicule ça. Ouais. Mais maintenant ça va. Maintenant je monte sans problème. Y a pas de souci. Et toi, Sandro, t'as une phobie ou pas? Hormis la gueule de Toff. J'en ai plein. Bah une au hasard. Les serpents. Ouais, il y a les serpents, enfin les insectes en règle générale, ouais, quoi. Ouais. Les gros, les petits, les moyens. Insectes et reptiles. Exactement. D'accord, tout ce ok, qui très rampe. Bien. Bon, eh ben de quoi vous avez peur non, pas tout, non. De quoi vous avez peur? Vous venez nous en parler des phobies, surtout si elles ont un nom étrange, hein, comme par exemple l'ombrophobie. C'est la peur d'avoir, non pas de l'ombre. Hein, ah oui, j'aurais cru. Ouais. Non, non, c'est la peur de la pluie. La géniophobie également, c'est la peur des mentons. Ah oui, c'est moi, j'en suis atteint. Je suis de cette maladie parce que peur d'un menton. Peur d'un mot, je sais pas. Et la nanopabulophobie, c'est la peur des naines jardins brouettes. Voilà, parce qu'ils ont pas de brouette, ça va, mais s'ils ont une brouette, ça va pas, là, oui, ils oui. sont en panique. Non, mais c'est dingue. Donc appelez-nous, Eddy, on va en parler là. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous envoyez également, si vous voulez réagir à l'émission, vous envoyez M-I-K-L et votre message au 64 900. Et Dylan est avec nous maintenant là. Salut Dylan. Salut. Ça va bien? Ça va? Ouais. Bon, est-ce que t'as une... Eh ben nous aussi on est content de t'avoir, Dylan. T'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas? Bah ça fait que deux semaines, ouais. Ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Oh bah très bien. Et qui t'a fait découvrir? C'est un pote à toi ou? Bah non, j'ai découvert ça tout seul et puis bah j'ai bien kiffé franchement. Eh ben écoute, bah c'est gentil. Eh ben voilà, bah du coup t'es avec nous Dylan et c'est une bonne chose. N'oublie pas qu'on fait 20h minuit hein, toute la semaine prochaine également. Hein. Et pas, ouais, je dis ça pour ceux qui vont débarquer à 23h et qui arriveront pour la dernière heure d'émission. Ce serait dommage. Donc 20h minuit dès ce soir et toute la semaine également. Bon alors Dylan, est-ce que t'as des phobies toi? Ouais, le vide. Le vide? Ah bah comme Toff tiens. Putain, ouais, t'as un point commun avec Toff. Ah, ne te merde. Suicide pas, c'est pas grave. Le pauvre. Dylan, t'inquiète pas. Non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a pire comme problème. Je sais que là tu viens de l'apprendre et que... Bah ça fait un choc mais ça va aller. Ça va aller, on est avec toi. Ouais, on est avec toi, ça va bien se passer, on te soutiendra, y a pas de problème. Tiens, y a Mister Steven qui dit quand j'étais petit j'avais peur du noir mais là j'ai peur de rien. Bon c'est bien. Y a quoi aussi Marie qui dit bonsoir les Mongoliens, sauf Toff, la chiasse, Mickaël, tu peux mettre Kiesa avec Hideaway, t'as intérêt à la mettre. Ou Marie, tu sais bien que je n'aime pas les menaces, Marie, excuse-toi Marie et je la mettrai peut-être. Fan de Fun qui dit arachnophobie pour moi, ça c'est les araignées. Et Benjamin, moi j'ai peur des poissons et des araignées. Des poissons? Des araignées, je comprends, mais des poissons. Bah oui. À la limite, quand t'es dans la mer et que tu nages avec eux, t'as un peu peur, éventuellement, mais sinon, c'est quand même bizarre. Bon, on parle de quoi avec toi, Dylan? Bah, en fait, ma copine m'a trompé avec mon meilleur ami. Soirée d'anniversaire. Oh, sympa! Soirée d'anniversaire, elle te trompe, c'est cool. C'est cool. Ouais, quoi, tu veux qu'on l'appelle ou tu veux faire quoi? Non, je préfère pas parce que franchement. Non, mais tu veux vraiment leur parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi du coup alors? Tu veux juste en parler comme ça pour depuis, voir? Depuis en fait, ouais, voilà, ça, parce que depuis, j'ai plus confiance en moi du tout. Oui, ça te pèse sur le cœur, je comprends. Ouais, j'imagine. Voilà. Bon, alors bouge pas, tu veux nous expliquer dans quelques minutes comment ça s'est passé exactement, d'accord? D'accord. Bon, très bien. Jason Derulo, t'aimes bien? Tu kiffes ou pas? Ouais, j'adore. Très bien. Ah bon, on va se le mettre dans un instant. Jason Derulo avec Wiggle. Dylan, tu restes avec nous. Et appelez-nous d'ailleurs aussi, hein, si vous êtes déjà fait tromper par votre copain ou votre copine là, et surtout si vous êtes fait tromper mais avec un ami. Ah, oui, c'est le pire. Voilà, c'est encore pire. Ouais. Donc appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Eric qui dit et juste comme ça pour savoir c'est quoi la peur des nains de jardin. Bah des nains de jardin, c'est avec la brouette là, c'est la nanopabulophobie. C'est la peur des nains de jardin à brouette. Voilà. Après c'est précis. Les nains de jardin tout court, je sais pas, je vais essayer de me renseigner là, bouge pas de là. On revient dans quelques minutes sur Fun. Jason Derulo arrive, ce sera Wiggle. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun. Y'a Thio qui envoie un message là. Salut, vous pouvez arranger des coups par téléphone. Ça dépend des coups de quoi. Bah ça dépend des coups. Si c'est en l'occurrence tu veux qu'on appelle une meuf pour essayer de la pécho, ouais, on peut essayer. On garantit pas mais on peut essayer. Benjamin qui dit 4 heures de bonheur avec vous ce soir. Eh ouais, on va bien se marrer, ce sera comme ça tous les soirs également là. 20h minuit, on est en direct sur Fun Radio. Et je vous rappelle qu'il y a toujours cette magnifique tablette que je vous offrirai ce soir sur Fun Radio ainsi que tous les soirs entre 20h et minuit. La tablette, c'est la Asus MemoPad 10. Elle vaut 200€. Je vous l'offre si vous avez la réponse. Question hyper compliquée, donc attention, méfiez-vous quand même. Réfléchissez bien, n'envoyez pas directement la réponse. Réfléchissez. Karim Benzema serait le nouveau mec de Rihanna. Voilà, vrai ou faux? Vous envoyez un, juste un. Mais mettez pas Mickaël devant pour le jeu. Hein. Vous mettez juste un pour faux, deux pour vrai. Voilà, vous envoyez un ou deux. Et vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Tirage au sort avant 22h. Voilà, on s'est pas chier. La tablette Asus MemoPad 10 sera peut-être pour vous avant 22h. Apparemment, Karim Benzema et Rihanna seraient donc ensemble. Un pour faux, deux pour vrai. Et puis on tire au sort avant 22h. Et je vous souhaite bonne chance. Il est 20h17. On continue à parler des phobies dans quelques minutes avec Julia qui est avec nous. T'es là, Julia? Julia? Ah oui, je suis là. Ah, Julia est avec nous. C'est parfait. Tu restes avec nous, Julia. On va parler des phobies. T'as peur d'un truc commun ou pas, toi? J'ai peur du bruit. T'as peur du bruit. Bon, on en parle dans un instant. Ne bouge pas de là. Reste d'accord. Avec nous, Julien. On aura Julien aussi. Et Dylan, qui est avec sa copine, là, qui sort avec son meilleur pote. Donc, il est un peu en galère. On en parle après le son de Jason Derulo maintenant. Wiggle. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Damn, baby, you got a bright future behind you. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct. Eh oui, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Bienvenue si vous venez de débarquer. Hein. C'est 01 42 48 5000, numéro pour nous joindre. D'où que vous soyez en France et pour la Belgique, c'est au 02 851 4x0. Nadia qui dit la Nabilaphobie. Certains doivent avoir cette peur, je pense. Ah ouais, peur de Nabila. Oui, c'est possible aussi. Ouais. Yenaïve qui dit perso, je suis hémétophobe. C'est la phobie du vomi. Ah ouais, du vomi, pardon. Ah ouais, ça j'aime pas non plus. C'est l'odeur qui est perturbante. Ah oui, c'est l'odeur. Ah, l'odeur du vomi. Ah, mais moi, c'est très très dur. Et moi, il y a un mec qui vomit à côté de moi, je vomis avec lui. Ouais, c'est ouais. Si je vais te vomir dessus, comme ça on aura la boucle. Comme ça, tout le monde se fera vomi. C'est ça. Un message qui dit aussi, qui est arrivé par SMS, vas-tu faire le concours pour gagner des maillots de foot? Si oui, on peut y participer quand? Ouais, on fait ça à 22h. Dès qu'on a filé la tablette Asus MemoPad 10 qu'on file là tous les soirs, à partir de 22h, on fait les maillots de foot dès que le match commence ce soir entre le Costa Rica et la Grèce. Grosse affiche. Ah bah, 8ème de finale quand même. Ah bah ouais, mais quand même. Virginie aussi, sérieux, des peurs des poissons, ouais, c'est les araignées. Et Gan ou Jan, je sais pas comment on dit sur le Twitter, j'ai la phobie des clowns. Un petit message de bienvenue pour fêter mon bac pro également. Eh ben bravo à toi. Non, ben arrêtez de prendre pour une conne, non mais attends. Eh ben voilà. Et puis on est presque 450 000 également hein, sur le Facebook de l'émission. Continuez à faire passer le message autour de vous. Facebook.com, tapez Mickaël officiel. Bon, en gros, il vous reste deux semaines hein, pour qu'on soit 500 000. Ce serait bien de terminer au demi-million. Ah bah année. Oui. Ah hein, bah oui. Ce serait pas mal. Voilà, donc je compte sur vous. Faites passer le message à vos amis. Vous tapez et ils tapent Mickaël officiel sur le Facebook, ils font un petit like et puis comme ça on fait grossir la communauté. Allez la France sur le Twitter, moi j'ai la phobie, la peur de tof. Ouais, mais comment on appelle ça, la totophobie? C'est ça. Je faudrait trouver un nom plus scientifique, tu vois. La tête de conphobie. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça. Je pense que on est plutôt là-dessus, la tête de conphobie, ça la me paraît. La christophobie. La christophobie, ouais, c'est une idée aussi, ouais. Bon, restez sur Fun Radio, je vous calcule play dans quelques minutes avec A Sky Full of Stars. Il y aura les appels malveillants également qui arrivent dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et puis, on va récupérer Dylan. Dylan, t'es toujours là? Ouais. Bon, Dylan qui est nouveau, hein, qui écoute depuis deux semaines seulement, qui est débarqué par hasard. Bah, sois le re-bienvenu du coup, Dylan. Et toi, tu nous appelles Dylan parce que ta meuf s'est barrée avec ton meilleur pote. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la soirée de mon anniversaire. Ouais. Et là, c'était quand? C'était au mois d'avril, mi-avril. D'accord, ouais, ok. Et en fait, en fin de soirée, quoi, moi j'étais avec mes potes et tout. Puis ma copine, j'ai pas vu, elle s'est barrée avec mon pote. Ça va. Et en fait, elle m'a trompé, quoi. Mais genre dans la soirée, elle s'est fait baiser dans la soirée. Ouais, dans la soirée, ouais, voilà. Dans la soirée. Ils sont allés dans une tente, en fait. Ah, quand même, ah, ça quand va, même, ils ont pas fait ça là, ils ont pas fait ça, ça derrière, quoi. C'est pas pour nous, quoi, voilà. Non, mais c'est bien, mais ils auraient pu aller dans la chambre, ou tu vois, dans les chiottes. T'imagines dans ton propre lit, les deux bâtards, là. T'imagines dans ton propre lit, c'est quand même violent. Et comment tu l'as su? Tu les as grillés, ou ils t'ont dit, ou on te l'a rapporté? En fait, le lendemain matin, en fait, elle a dormi avec lui après, quoi. Et le lendemain matin, du coup, flagrant délit, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, t'as dit quoi? Je lui ai dit, maintenant, c'est fini, quoi. Bah, oui. Du coup, t'as la phobie des amis, toi. T'as la phobie des amis maintenant, non? Ah, bah, depuis, il en a plus. Hein. Il les a tous virés. Ouais. Non, encore, ça va, les amis, mais je fais moins confiance maintenant aux gens. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, évidemment. Ne ouais. jamais faire confiance à personne. Non, c'est, bah, ça dépend à quel sujet. Mais oui, parfois, vaut mieux pas, effectivement, surtout là-dedans. Il fut un temps, j'ai fait confiance à Toff. Je me suis retrouvé dans la... Mais l'avantage avec Toff, c'est que tu peux sortir avec une meuf, tu sais très bien qu'il y a, il y a aucune chance qu'il te lâche au rave. Ah non, je sais pas. Parce que ça, non, mais c'est surtout qu'il a aucune chance. Tu vois ouais, non, bah... tu te prends une meuf un peu mignonne, bah tu sais très bien que la meuf n'ira jamais vers Toff. Oh, ouais, tu sais, avec les filles d'aujourd'hui, elles sont capables de. Non, de vivre une expérience hors norme, tu vois. C'est ça, tu sais, tient un monstre. Le mystère intrigue la femme, hein. C'est... Ouais, sociétés secrètes n'ont jamais aussi bien marché que maintenant, hein. C'est ça, tu parles, ouais. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu lui as dit à ton pote et à ta meuf, là? Bon, ta meuf, c'est fini, mais tu l'as vu, t'as gueulé ou t'es parti et tu lui as dit après que c'était une salope? Bah, je lui ai fait, viens, on va parler et tout, et puis, j'ai gueulé, quoi. Et puis je lui ai dit que c'était fini et que c'est plus la peine qu'elle me revoie et qu'elle me parle et tout. D'accord. Et mes potes, j'ai du mal à lui parler maintenant. Mais il lui parle pas. Non mais voilà, t'as qu'à plus lui parler, t'attends qu'il vienne donner des nouvelles pour voir ce qui s'est passé. Non mais attends qu'il vienne donner des nouvelles, le mec donnera probablement des nouvelles à un moment ou à un autre. Maintenant, voilà, après t'as encore envie d'être pote avec lui ou t'étais pote avec lui depuis combien de temps? 4 ans. Ah ouais, quand même, putain, quel connard, quand même, il aurait pu faire un effort. Hein. Mais ouais. Non, mais il y a plein de meufs, pourquoi t'es obligé de taper la tienne, quoi? Je n'ai jamais compris ça. Il y a des meufs, il y a que ça. Il n'y a pas que ça, mais enfin, il y en a beaucoup, ouais. Non, mais si, il y en a tellement, tu peux même en payer si t'as envie. Oui, oui, oui. Et là, il a fallu qu'il tape sur la tienne. Et je me suis rendu compte, en faisant le calcul, que ça coûtait beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça. et t'étais avec elle depuis combien de temps, toi? Ça fait 5 mois, ouais. 5 mois? Ah ouais, quand même. Bon, attends, on a aussi Vincent qui voulait réagir. Salut Vincent. Salut Mickaël, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, tranquille, tant mieux. Tranquille. Ah bah, bienvenue à toi, du coup, Vincent. Tu voulais réagir à Dylan, toi? Ouais, ça fait plaisir d'être sur Fun. Ouais, bon, écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir également, figure-toi, Vincent. Parce qu'on se demandait où t'étais passé. Bah ouais, c'est ça, voilà. J'ai une question, Vincent, tu es clown dans tes heures perdues ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de... J'aimerais bien, je te jure, j'aimerais bien. T'aimerais bien être clown? C'est le plus beau des métiers, de faire rire les gens. Il y a pas de rire pour la gueule. Bon, après, tu peux faire rire les gens sans le nez rouge, mais bon, c'est une question de goût, évidemment. Ouais, bon, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Bah, c'est ça. Bon, alors, Vincent, alors vas-y, tu veux donner ton avis par rapport à Dylan. Est-ce que c'est une expérience ou juste un avis comme ça? Non, c'est une expérience parce que moi, ça faisait. Sauf que moi, j'ai 21 ans, ma copine, ça faisait 2 ans que j'étais avec. Mon meilleur pote, j'avais, quand je dis meilleur pote, c'est même un frère parce que ça faisait 12 ans qu'on se connaissait depuis tout petit. Ouais. Et voilà, moi, quand ça s'est passé, j'ai eu vraiment plus confiance en moi, plus confiance en personne. J'avais que mes parents et puis j'ai dit putain, je peux pas rester comme ça. Je suis resté au moins pendant 2-3 mois. 2-3 mois en réfléchissant et tout, à parler. Et je me suis taillé, j'habitais à Nîmes, je me suis taillé à Istres et voilà. D'accord. Bon, et donc du coup, Dylan. Et donc du coup. Ouais. Vas-y, continue. Bon. Ouais. Et ouais, donc du coup, Dylan, laisse tomber. Moi, c'est comme s'il était mort, mon meilleur pote. Hein. J'ai dit ciao à ses parents, je lui ai dit ciao à lui. Ma copine pareil. De toute façon, ça peut pas être ton meilleur pote. Non. À partir du moment où tu peux même pas lui faire confiance sur ça, c'est-à-dire que même ta propre meuf, il est pas capable. Encore, vous êtes à deux au même moment sur la même meuf. Bon bah que le meilleur gagne, tu vois. Mais là, ça se fait pas. Non. C'était chaud. Parce que... En fait, au bout de 2 semaines qu'on s'était séparés, ils étaient ensemble en fait. Mais mon meilleur pote, il avait du mal à me le dire et tout. Mais là, lui, c'est différent. Le cas de Dylan, c'est un peu différent. Mais en tout cas. Le ressenti c'est le même. C'est clair. Bah voilà Dylan, hein, comme ça au moins tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis oublie-le. Et puis voilà, de toute façon si ça a terminé comme ça, c'est que de toute façon le mec était un con et que la meuf elle te méritait pas des masses. Donc au final t'as tout gagné quoi. Et le pire c'est même pas la fille, parce que c'est le mec qui se dit ton pote. Et c'est ça le pire. Bah c'est la fille aussi parce qu'elle aurait pu faire un effort, hein, parce que du coup là elle a cassé une amitié. Donc ça, ouais, mais le pote il aurait pu dire non mais attends, c'est mon meilleur pote, je peux pas faire ça quoi. C'est scandaleux ça. Bah merci Vincent en tout cas d'avoir appelé. Bah de rien, ça fait plaisir de passer sur Fun en tout cas. Eh ben quand tu veux, tu connais le numéro, t'es le bienvenu tous les soirs. Ok, ça va. Ça roule. Salut Vincent. Ça fait plaisir. Allez, ciao à toi, merci Vincent, bye. Et puis Dylan, tiens-nous au courant. Hein. Ouais. Bon, allez, courage à toi, c'est rien, t'inquiète, une de perdue. Ouais. Comme dirait Toff. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a pas de problème. Tant que tu ne deviens pas comme Toff, ça va. Ouais. Je compte sur toi, sois bon, tu vas y arriver. Mais oui, tu vas y arriver, t'inquiète. Salut Dylan. Salut. Allez, ciao à toi, Dylan. Bon, restez sur Fun Radio, on va parler avec, dans un instant, Julia, comme promis, des phobies. On aura Julien également qui est là pour parler des phobies, pareil. Vous êtes là tous les deux. Oula, là, il y a Julien qui a sa radio à fond de balle. T'es là, Julien aussi? Oui, c'est bon, nickel. Bon, très bien. En un mot, toi, Julien, t'as peur de quoi? J'ai peur des pieds depuis longtemps, c'est vraiment la phobie des pieds. Parfait, on en parle. Et Steven, toi, t'as peur de quoi? Ben moi, je suis obligé d'enlever tout le temps mes chaussures. Bah très bien, bah comme ça au moins ça fait ça fera la paire. Bon allez, restez sur Fun Radio, on va se faire les appels malveillants dans quelques minutes. Ah bah oui, appels malveillants du lourd comme d'habitude, comme bien tous les dimanches, comme tous les soirs d'ailleurs, puisque là ça parlera de films. Oui, de sextape, hein, grâce à notre grande amie Cameron Diaz qui participe énormément aux appels malveillants. Oui totalement, elle a pris les actions, c'est super cool, c'est vraiment bien. Non, je l'aime bien. Eh ben restez là, on va en parler dans quelques minutes, on parle encore évidemment des peurs, et puis je vous rappelle qu'il y a toujours la tablette Asus à gagner, la Memopad 10. On vous l'offre ce soir avec une question hyper compliquée. Karim Benzema serait le nouveau mec de Rihanna. Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. N'envoyez pas Mickaël ou envoyez pas vrai ou faux. Vous envoyez juste un pour faux ou deux pour vrai. Voilà, c'est juste le chiffre qu'il faut envoyer, c'est tout ce qu'il faut envoyer. Vous envoyez ça au 64-900. La tablette vaut 200€. Vous serez livré aux alentours de mi-juillet, donc c'est dans pas longtemps. Si vous voulez la gagner, cette tablette qui vaut 200€, Asus Memo Pad 10, bah vous envoyez un ou deux par SMS au 64-900. Karim Benzema serait le nouveau mec de Rihanna. Un pour faux, deux pour vrai. On tire au sort avant 22h et je vous souhaite évidemment bonne chance. Les appels malveillants arrivent dans quelques minutes sur Fun Radio. Et un message qui dit aussi: je voudrais savoir si je t'appelle, c'est payant, merci, j'ai pas entendu si tu l'as dit, c'est Marina. C'est un appel non surtaxé, donc t'inquiète pas, tu nous rappelles, tu nous appelles, on te rappelle juste derrière. No stress, il est 20h31, c'est Coldplay qu'on écoute maintenant sur Fun. Le son de Coldplay sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et il y aura le son de Pitbull à suivre dans un instant. Avec Gilo sera We Are One. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah vous demandez, hein, comme d'hab, avec le hashtag Mickaël sur Fun, sur le Twitter, par SMS également. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et puis on va se faire les appels malveillants maintenant. Allez, c'est l'heure des appels malveillants, comme tous les soirs aux alentours de 20h30. Le principe de l'appel malveillant: on tombe sur un sondage et on appelle des gens que vous connaissez mais dont vous nous donnez le numéro de téléphone, des amis ou des ennemis, bref, en l'occurrence des gens qui ont tendance à s'énerver un petit peu vite, comme là par exemple. Tu veux face de sodomite. Voilà, des gens très sympathiques. Parce que des imbéciles comme ça sur Terre, mais croyez-moi, on devrait tous les éliminer. Voilà, il parle à Tof, bien sûr, évidemment. Des gens adorables. Voilà, bon bref, tous ces gens très sympathiques. Bah, si vous connaissez des gens à peu près pareils, bah, vous nous envoyez le numéro sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis bah, nous, on les appelle et là, on va parler de filmer. Oui, on va parler Cameron Diaz va sortir un nouveau film, là, je pense, c'est courant de l'été, qui s'appelle Sextape, en fait, parce qu'elle fait une sextape avec un mec. Et elle passe sur internet, voilà, elle est piratée, machin. Elle est téléchargée sur le cloud et donc tous ses amis reçoivent le nuage. Voilà. Elles reçoivent la vidéo, donc du coup, c'est un peu le bordel. Voilà, et donc du coup, bah, tu vas demander aux gens si le sextape, ils sont pour. Ouais, s'ils aiment se filmer, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, hop, c'est parti, 20h36, on y va. On appelle et il y aura Sander Van Doorn, comme vous avez pu le reconnaître, qui arrivera dans quelques minutes. Ah oui. Ah oui. Allez, avec. Oula. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez vous filmer quand vous faites l'amour. Attendez, j'ai pas bien compris, je suis en train de regarder un match alors. Je comprends. Ça va pas le faire alors. Bien sûr. Oui, allez-y alors. Maintenant. Oui, non, je voulais savoir si vous aimiez vous filmer quand vous faites l'amour, monsieur. Non, mais t'es à la masse, mon con là. Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Non, mais ça t'arrive souvent, tes conneries à la con là. Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Bon, ben, moi tes questions, tu te les mets dans ton cul, là. Hein, et moi, je t'emmerde. Salut, mon pote. Oh non, monsieur. Ouais, ben, salut, mon pote, là. Ben non, allô. Ben, tu peux me donner un peu ton truc, un peu, là, parce que là, moi, je vais rigoler demain, là. Donne-moi un peu de qui t'appelle, là, maintenant. Ben, de chez moi, monsieur. Ouais, mais de où, chez toi? De Paris, monsieur. Oui, Paris, c'est vaste, mon grand con, là. Donne-moi ton entreprise, de où tu m'appelles, là? Ah, mais j'appelle de chez moi, monsieur. Oui, non, mais c'est bien, mon con, là. Bah oui. C'est bien. T'es vraiment le trou du cul, toi. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? C'est pas gentil. Non, mais attends, tu t'en bats où, toi?

Ah voilà, très bien. Donc je disais la pogonophobie, à ton avis ça veut dire quoi, Julia? La pogonophobie? Ouais, la peur de quoi? Pas du tout. Tu sais pas, bah la peur des barbes. Ah, donc ceux qui ont de la barbe peuvent faire peur et les autres sont donc pogonophobes. C'est un truc de ouf quand même. Comme quoi vous vous coucherez moins con en nous écoutant et nous aussi d'ailleurs. Bon Julia, donc toi t'as peur de quoi, rappelle-le-moi? Des bruits. Ah oui, du bruit, ouais, mais genre quel bruit? Genre les grincements de porte en pleine nuit? Genre quel bruit? Non, par exemple, dès qu'il y a un peu trop de bruit, ben ça me fait peur parce que j'entends pas ce qu'il y a autour, en fait. Ah. Donc je sais pas ce qui peut arriver autour, je sais pas ce qui peut... Donc voilà, donc j'ai peur... Genre une bruit de foule? Voilà, à peu près ça. Où voilà, là t'as peur, là. Non, mais là j'entends pas grand chose, je suis au téléphone, mais... Ah non, on sait jamais. Genre musique trop forte, genre quand Toff parle trop fort, par exemple, t'as peur? Ouais. Non mais je sais pas. C'est comme ça. Non, mais du coup tu fais quoi? Qu'est-ce que cet handicap t'empêche de faire, par exemple? Quand je passe à côté d'un train, ouais. Bah j'ai toujours quelqu'un qui vient pour me boucher les oreilles. Bon ça c'est au moins je me bouche pas les oreilles toute seule, mais j'ai toujours quelqu'un qui sait en fait. Ah ouais. À ce moment-là. Il faut te sauver. Ils viennent tous me boucher les oreilles, ils viennent. Et quand t'es toute seule tu fais quoi? Bah elle a des boutons, elle court sous le train. Ah oui, non mais je sais pas, peut-être que tu sais, il y en a qui sont tellement terrifiés qu'ils restent bloqués et ils font rien, tu vois ce que je veux dire. Bah je bouge pas quoi, enfin je marche pas, je reste sur le côté et je me bouche les oreilles. Et tu te bouches les oreilles? Ah ouais, c'est marrant ça quand même, hein. Et tu t'en fous? C'est marrant. Non mais enfin façon de parler, c'est l'expression. Julia, je me doute bien que c'est pas drôle. Mais et du coup t'as déjà été voir un psy pour essayer de voir d'où ça venait? Je m'en fous, j'ai pas envie d'aller voir des psy ou quoi que ce soit en fait. Non mais c'est pas grave après, hein. C'est pas parce que tu vas voir un psy que t'es une côté folle, hein. C'est non, juste non. Ça peut filer un coup de main. Mais par exemple tu vois c'est quand même handicapant, donc tu vas jamais dans un concert, ni dans une boîte, ni nulle part quoi. Bah si, mais je veux dire je fais attention, je regarde bien autour de moi, je me bouche les oreilles à certains moments ou quoi que ce soit. Sinon tu mets des boules qui est-ce? Oui, c'est pas mal aussi. Bah ouais. Comme ça. Non mais je parle pour les boîtes, hein, je veux dire les boîtes ou les concerts. Moi j'en mets, hein, personnellement. Sinon dès que je sors de là ça en deux jours. Tu peux te faire des prothèses. Ouais mais c'est des trucs spécifiques. Putain de bras, ouais, mais si elle en a pour toute sa vie à avoir peur, moi je le ferai. C'est vrai, mais après ça coûte un putain de bras aussi. T'en as d'autres des phobies ou pas toi? Moi ouais. Ah non mais moi j'ai tellement de phobies en fait. Lesquelles? Tellement galère. Ah si mais j'en ai trop. Par exemple les insectes. Ouais. Les insectes c'est un truc de fou. D'accord. Même les tout petits, hein. Et j'ai peur du noir. D'accord. Parce que je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Forcément, ouais. Et donc du coup, tu dois certainement avoir la phobie de devenir aveugle. Je pense pas, mais... Bah tu viens de rajouter une phobie, hop là. Bah voilà, ouais, ouais. Parce que beaucoup, si t'as peur du noir, forcément le jour... Enfin, je te le souhaite pas, mais si un jour tu deviens aveugle, évidemment, tu seras dedans. Oui, bah oui, je suis plein de mal. Oui. Bon, en tout cas, je te le souhaite pas, évidemment. Bon, bah très bien. Attends, on va prendre l'avis de Julien aussi dans quelques minutes là. Bon, bah je te fais des gros bisous, Julien. Merci d'avoir appelé, hein. Bisous. Et tu rappelles quand tu veux. Gros bisous, bonnes vacances. Je peux faire une dédicace? Bah bien sûr, vas-y. Il y a une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à Alicia. Très bien, parfait. Tu m'écoutes? Eh ben, écoute, on l'embrasse. Gros bisous à elle et gros bisous à toi. Bonnes vacances, salut Julia. Ciao, allez bye bye. On va reprendre dans quelques instants Steven et Julien pour parler des phobies. On aura également le chéri, je peux te faire cocu, là, le célèbre. Et puis le son de Pitbull arrive dans un instant avec Gilo, sera We Are One. Et je vous repose aussi la question pour repartir avec la tablette qu'on vous offre comme tous les soirs sur Fun Radio. La Asus MemoPad 10, je vous pose la question dans quelques secondes sur Fun Radio. On se met de la pub en speed et on revient juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. En direct sur Fun, il est 20h52 et bienvenue si vous venez de débarquer pour la première fois peut-être. Eh ben on est là tous les soirs de 20h à minuit depuis ce soir, hein, 20h minuit le dimanche et cette semaine et la semaine prochaine exceptionnellement de 20h à minuit également. Il y a le pâtissier de Fun qui dit moi j'ai la phobie des autres radios car la meilleure c'est Fun. Oh bah c'est gentil le pâtissier de Fun. Lucas aussi, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît, ça fait 5 mois que je vous écoute. Eh ben oui, on va t'en mettre un petit message de bienvenue. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es, hein. Voilà, et donc un message très sympathique comme tu peux le remarquer. Et attention, je rappelle toujours qu'il y a la tablette Asus MemoPad 10. On vous l'offre toute la semaine. Et pour la gagner ce soir, question hyper, méga, over. Compliqué. Attention, réfléchissez bien avant de donner la réponse parce que c'est quand même hyper trash. Karim Benzema et Rihanna seraient ensemble. Karim Benzema serait le nouveau mec de Rihanna. Vrai ou faux? Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. Vous n'envoyez que ça. Il y en a beaucoup qui envoient vrai, ça marche pas. Vous envoyez pas Mickaël avant, vous envoyez rien. Juste un ou deux. Un pour faux, deux pour vrai. Benzema et Rihanna seraient ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et on tire au sort dans une petite heure maintenant pour savoir lequel d'entre vous repartira avec la tablette Asus Memo Pad 10. Ça vaut 200 €. Et elle partira dès qu'on termine l'émission. C'est-à-dire pas aujourd'hui, mais dans 15 jours en l'occurrence. Donc vous serez livré aux alentours de mi-juillet. Vous aurez votre tablette chez vous à la maison. Vous allez pouvoir l'utiliser et tout le bordel pendant les vacances. Si vous êtes, si vous faites chier chez vous, ce sera l'occasion de passer le temps. Et si vous partez en vacances, ce sera l'occasion de vous marrer également. Vous pouvez évidemment, comme sur n'importe quelle tablette, aller sur internet, écouter de la musique, regarder la télé, faire ce que vous voulez, aller sur Facebook, Twitter et tout ce que vous voulez évidemment. Allez, bonne chance tout le monde. On tire au sort avant 22h. Benzema et Rihanna seraient ensemble. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. Vous envoyez ça au 64 900. On reparle des phobies dans quelques minutes. Mais avant cela, 20h54, c'est l'heure maintenant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Chéri, je peux te faire cocu, c'est avec Jordan qui est avec nous là. Salut Jordan. Oui, salut à tout le monde. Comment salut, ça va? Salut. Ça va bien, merci, et vous? Bon, oui, ça va bien, oui, tranquillement. Bon, chéri, je peux te faire cocu ce soir, que nous allons faire avec grand plaisir. Et tu vas, on va appeler Seb, c'est ton mec alors? Ouais, c'est ça. Parfait. Oh, un chéri, je peux te faire cocu homosexuel. Oh, c'est fou. Qui fait la c'est femme? Non, on fait pas de femme, il y a plus de femme. Mais si, il y en a bien qui préfèrent être bourrés. Mais non, on est plus dans les années 80. Ça n'a rien à voir avec les années 80. Mais si, avant, il y avait quand dans la caricature des non, gays, t'as toujours la folle et t'as le mec. Non, monsieur. Non, non, monsieur, c'est parce que, je vous explique, dans un couple, il y a une femme et un homme, et là, ouais. Pourquoi il n'y en a pas un qui préfère bourrer, se faire bourrer, je veux dire. Bah non, toi, t'es plutôt passif ou actif? Qui, moi? Ouais. Actif. Voilà. Ah, voilà. Et lui? Lui, les deux. Ah, lui, les voilà, deux, c'est lui la femme. Mais non, il n'y a pas de femme. Oh, qu'il est relou, enfin bon. Allez, non, chérie, je peux te faire cocu. Ouais, c'est rien. Bon, quel âge il a ton mec, du coup? 32 ans. Il a 32 ans. Ouais. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Waouh! Wow. Oh, c'est mignon. C'est bon. Attends, 7 ans que vous êtes ensemble et quoi? Et 4 mois qu'on est mariés. Oh, le mariage pour tous. C'est mignon. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Allez, vous avez dégainé direct quasiment. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal, vous n'avez pas perdu de temps. Bah, c'est bien. Bon, ok, très bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui l'énervent? Est-ce qu'il a des, je sais pas moi, des complexes physiques? Je sais pas moi, les cheveux qui tombent, les cheveux gros. Gris, il a pris du ventre, j'en sais rien, moi, il est devenu gros, je sais pas. Tof veut poser une question? Non, rien du tout, il est parfait. Il est parfait. Oh, c'est mignon. Après 7 ans, c'est encore beau, c'est magnifique. Et bon. Qui est la plus grosse? Mais on s'en fout. Ah non, c'est important. En plus, on a bien entendu que c'était la question de Polo, qu'il a finalement pas osé poser, du coup, tu la récupères. Ouais, moi, j'ai pas peur. L'autre ramasse merde, qui ramasse les vannes des autres. Nous sommes une équipe. Ouais, tu parles, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors, chérie, je peux te faire cocu. Donc, où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer, du coup, récemment, alors, Jordan? Ben en fait, avant-hier, j'étais chez une amie. Ouais. Et, tu aurais pu me dire, t'étais en fait le collègue de mon ami. D'accord. Et l'ami s'appelle comment? Ah, Isabelle. Isabelle, d'accord, ok, très bien. Ok, et donc moi, évidemment, c'est Michel. Est-ce que Isabelle était un homme avant? Oui, c'est ça. Ah, attends, Isabelle était un homme? Comment? Non, non. Tof qui demandait si Isabelle était un homme avant, non? Non, c'est ah, une bon, femme. D'accord, ok, très bien. Ça fait peur, non, mais je pensais, je me dis, ah bon, bah d'accord. Ouais, ok, parfait. Hein. Bon, alors toi, t'es où? Toi, t'es orange, d'accord, ok. Bah écoute, on va l'appeler, c'est parti, on y va. Plus il te rend fou, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, évidemment. Hein. Donc, je te souhaite évidemment bonne chance. T'es prêt? Il n'y a pas de souci, je suis tout. Allez, prêt. On y va, on l'appelle. Il est où là actuellement là? Ben là en fait il est au fond du terrain en train de s'occuper des animaux, mais il va prendre le téléphone. Nickel, bon ben c'est parfait. Alors, on y va, on l'appelle, c'est parti, d'accord? Ok, pas de souci. N'oubliez pas de dire qu'on est chez moi à la maison, certes on n'est pas loin de chez vous, mais dis pas l'adresse évidemment, parce qu'il n'y en a pas. Oui. Et puis voilà, donc je t'ai appelé pour venir tout de suite, et après je te parlerai certainement mal, on s'en fout, hein, mon avis je dirais aussi tu ça le PD, vu que je suis PD, donc je m'en fous, je peux le dire. Tu t'es fait fourrer dans un champ. Voilà, enfin bon bref, on improvisera au fur et à mesure, plus il s'énerve, mieux c'est, d'accord? Dans un champ de bite. Et n'oublie pas, c'est le il faut que tu lui dises, voilà, le mec, ça n'a rien à voir avec du long terme, hein, c'est juste un one shot et tu lui demandes si en gros tu peux le faire cocu ce soir. D'accord, ok. Allez. Il y a un peu bossé ce soir, donc c'est nickel. Eh ben parfait, en plus juste un soir. On y va, c'est parti. Allez, okay. bonne chance Jordan. Merci. Ça va bien se passer, enfin, j'espère. Oui, Sébastien. Oui. Oui, c'est Jordan. Oui. Je t'appelle en fait. Parce que, oui. Bon, là, oui. Je suis parti de la maison, comme tu as dit peut-être voir. Voilà, pourquoi? Je en fait, parce que tu vois, avant-hier, on a été chez Isabelle manger. Et alors? Et, il avait un retrait carré. Je suis parti et tu m'as laissé. Isabelle m'a raconté la soirée. Hein? Ben, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel. Et voilà, donc je t'ai appelé pour te dire que voilà, je ne veux pas lui servir avec lui, juste une nuit de sexe, quoi. Oui, ben tu verras ta vie de sexe avec quelqu'un d'autre, parce que moi j'ai bien été clair avec toi. Ça fait plusieurs fois que je te préviens. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as fait plusieurs fois cocu. Toi, ferme ta gueule d'abord, je te parle pas. Oh, merde. Et t'as voulu se marier, c'est toi qui as voulu se marier, maintenant tu as chanté. Ok, qu'est-ce rares, qu'il dit? Jordan, ben, ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il dit? Dis à ton pote là qui ferme sa gueule. Il est d'accord ou pas? D'accord ou pas, va vivre avec lui si tu veux, mais moi... Oh, bah qu'est-ce qu'il dit? Je suis désolé, c'est juste du sexe, rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais pas sexe, va chercher avec d'autres, mais pas avec moi. Voilà, maintenant tu veux du sexe avec d'autres, tu restes avec eux. Jordan! Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit que je vais chercher ailleurs et tout ça. Oh bah non, mais c'est que pour un soir. Eh oui, c'est un soir ou pas un soir, je veux pas savoir. Bon, passe-le-moi. Bon, je te le passe, hein. Allô? Oui. Salut, je m'appelle Michel. Ouais, salut. Salut, dis-moi, apparemment il t'a demandé là, mais quoi, je comprends pas pourquoi tu dis non. Non, mais moi je dis pas non, je dis pas oui. Ah, bah il est d'accord. Il a dit qu'il était d'accord, il a dit qu'il disait pas non. Ferme-la, je te dis juste qu'il est capable de gérer sa vie seule. S'il choisit d'aller ailleurs, il va vivre sa vie seule. Moi, je vis pas ma vie à deux, j'ai voulu me marier avec lui. Il a voulu, il a accepté, maintenant... Tant pis pour lui, quoi. Sinon, non, c'est que pour un soir. Et moi, ouais, je vais pas te le récupérer pendant 6 ans, hein. Eh ben, ma foi, s'il a envie d'attraper des sales maladies ou n'importe quoi... Ah bah non, mais on sort couvert. Qu'est-ce que tu vas entendre, oui, là? Ben, peu importe, couvert ou pas couvert, moi, les gens qui niquent ailleurs tous les 5 minutes, pour moi, c'est des putes. Toutes les 5 minutes, on fait juste un soir. Eh ben, tant mieux. Oh, dis donc, t'es un peu coincé de la bite, hein. En tout cas, dès aujourd'hui... puisqu'il a couché ailleurs, et bien... Mais on n'a encore rien fait, on voulait savoir... Alors je t'explique un peu, on s'est rencontré chez Isabelle, donc moi je savais pas qu'il était pris évidemment, donc moi je discute avec lui, et puis après il me dit qu'il est pris, je lui propose de coucher avec... Avant qu'il me dise qu'il est pris, je lui propose de coucher un soir avec lui, et il me dit écoute, je suis marié et tout, je dis oh là là là là, quelle merde cette loi, le mariage pour tous, là, maintenant il est marié, voilà autre chose. Et donc du coup, voilà, maintenant moi je lui proposais, il m'a dit non, écoute, je peux pas, je lui dis bah t'as qu'à demander à ton mec, et donc il dit bon, écoute, ouais, je lui demande s'il est d'accord, ok. Écoute. Il m'a fait cocu au mois de juin l'année dernière, il a découché pendant 15 jours de chez moi. J'ai accepté ses erreurs parce que j'estime que l'erreur est humaine. Maintenant, je lui ai donné une chance, une seconde. Eh ben, l'erreur est humaine, L'erreur est humaine une fois, on fait des erreurs une fois dans sa vie, Non mais juste un soir, écoute, tu sais quoi, on fait un deal, je le fais un soir avec lui, demain je fais avec toi. Non, mais moi je couche avec personne et toi tu couches avec lui, c'est ton problème et c'est le vôtre. Mais moi il revient pas chez moi. Quoi. Oh dis donc, t'es grognon, hein. Non, je suis pas grognon, je suis réaliste. Bah si, t'es grognon. Dans la vie, il faut être réaliste. Mais je suis réaliste, moi. Oui, mais justement, quand t'as la tête sur les épaules, on va pas détruire des couples à coucher à droite à gauche, quoi. Bon, attends, je te le repasse. Attends. Jordan ! Oui. Bon, tiens, écoute, je te le repasse. Il a pas l'air très, très fermé dans l'idée, hein. Il a dit, je dis pas non, donc je pense que ça a l'air plutôt bien. Je suis tellement pas fermé que je vais raccrocher parce que franchement, vous me galez. Bah non, attends, une seconde. Allô ? Oh merde, putain, ils ont raccroché tous les deux, donc qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on va rappeler Jordan en direct. Parce que là, on a perdu tout le monde d'un coup, des habitudes en général. Oh merde, oh là là, qu'est-ce qui se passe là, ce bordel là? Attends, je crois qu'il a plus de batterie, c'est parti avec le scooter. Ah, c'est ballot. Oh, c'est pas le bordel, c'est plus que le bordel là. Bonjour, du rituel. Oh là là là là là là là là. C'est la catastrophe. Oh là là là là. Oh, c'est la catastrophe. Oh là là. Alors, attends. Oh là là là là là là là là. Ah, ça décroche plus là. Enfin, ça ne se met pas. Oh là là. La gueule. Oh là là. Ouais, ça ne téléphone plus. Oh là là. La gueule. Oh là là. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On appelle l'autre et on lui dit que c'était canular. Ouais, bah on n'a pas trop le choix là. Bon, tant pis, on va rappeler le mec alors, c'est parti. Là, ça va être le répondeur aussi et là, champagne. On aura niqué un couple gratos. Ah non, ça décroche. Enfin, ça sonne en tout cas. Oui. Ouais, allô Sébastien. Bon, tu m'as gavé, c'est quoi? Bah non, mais t'énerve pas comme ça, écoute, y'a pas mort d'homme. Non, je m'énerve pas, je suis tout à fait, mais tu m'as gavé. Bah donc, si, tu t'énerves un peu. Allez tremper votre cigare à droite à gauche, monsieur. Oh, disons, je n'ai pas cette prétention là, c'est plutôt une belle allumette. Oui, non. C'est vrai que tu as l'air tout à fait fidèle, hein. Fidèle ou pas fidèle, ou en couple ou pas en couple, ça. Ah, moi je suis pas en couple. Non, moi je suis pas en couple. Si tu as décidé de vivre ta vie tranquille comme ça, je respecte ton choix. Ah bah c'est gentil. si mon mec il couche, si mon mec il couche avec toi, elle sera enculée. Voilà. Ah, oui, oui, par la force des choses. Oui, oui, ben, qu'il se fasse bien enculer, mais moi ça me dérange pas, quoi. Mais du moment où il se fait enculer, il revient plus, quoi. Voilà, c'est clair. Bon, donc la seule solution pour qu'il revienne chez toi, c'est qu'il se passe rien. Ouais, voilà, c'est clair. Moi, dans ma tête, où il est fidèle, où il est pas. S'il est pas, ben, déjà, il m'avait trompé une fois, je lui ai refait entièrement confiance. Et s'il repart et qu'il refait des conneries, ma confiance, je lui donne qu'une fois, je lui donne pas 50 fois. Bon, et est-ce que celui-ci s'est trompé? Ah, tout à fait, oui. Même embrasser pour moi, c'est trompé. Oh, et un petit doigt, c'est trompé aussi. Ah oui, carrément, embrasser, c'est trompé aussi. Tout à fait, oui. Pour moi, dis donc, t'es vieux jeu, hein. Même toucher, c'est trompé. Ben, ouais, oh non, pas quand même. Pas. Une petite branlette. Ouais, ouais. Juste pour enlever la pression. Viens la faire avec moi, je vais te couper les coutures. Tu vas vite la faire, la branlette. Oh, dis donc, pas de promesse, hein. Ah oui, bien, tu vois. Bon, écoute, je te le repasse, Jordan, tiens. Oui, bah tiens. Tu sais quoi? Va te faire enculer. Ah ouais, bah, pour voir. Parce que va te faire enculer. Ah bon, tu parles comme ça, tu pourrais me laisser, c'est juste ce soir. Eh, sinon, t'as qu'à lui proposer qu'il vienne aussi, on fera un truc à trois. Voilà. Sinon, viens avec nous, tu participes. Bon, dis à ton espèce de mec, je sais pas quoi, là, qui est jamais satisfait apparemment, ou nymphomane, je sais pas. Je m'appelle Michel. Oui, ben Michel va te faire enculer, voilà, aussi. Ah non, moi, je suis plutôt actif, hein. Tant mieux, mon mec aussi, comme ça fera du bien. Oh merde, putain, ben ça va pas rentrer, alors. C'est droit, hein, vous avez pas l'air compatible. Ah non, là, on est dans la merde. Eh ouais, c'est clair. Bah tant pis. Eh Jordan, tu vas te mettre à quatre pattes, hein, c'est pas grave. On se débrouillera. Ah bah voilà. Bien sûr. Mais crois-moi, ton cul est fermé, tu vois, c'est rien. Vas-y, va essayer. Bon chérie, tu me donnes l'autorisation ou pas alors? Bah va te faire enculer, je peux pas être bloqué. Allez, c'est juste pour lui, quoi. Ouais, ouais, va te faire enculer. Et tes affaires sont déjà prêtes, hein. T'inquiète pas qu'en même temps que je téléphone, je laisse le sac. Bon ça va, comme ça fera les nettoyages, comme ça c'est bien. Voilà, bon, Sébastien. Sébastien. Ouais. Bon allez, excuse-toi et je t'annonce une bonne nouvelle. Ouais. Non parce que comme non mais comme t'as dit, elle va te faire enculer et tout, c'est quand même pas gentil, donc elle dit Michel je m'excuse et puis on passe l'éponge. Non tu sais pourquoi je dirais pas Michel m'excuse, parce que j'ai l'impression que je reconnais ta voix et apparemment t'es un mec de son radio, donc je... Mais oui voilà justement. Voilà. Si tu crois que j'allais être bien, j'écoute sur la radio tous les jours, alors ta voix je la connais bien quand même. Ouais, bon, enfin pourquoi tu l'as pas dit depuis le début alors? Parce que je joue le jeu, il faut bien jouer. Ouais, c'est ça. Ah, tu joues le jeu. Ah bah pas de cadeau. Si tu veux maintenant, vu que t'es sur la radio et que t'as l'air assez célèbre, je vais t'enculer. Ou tu serais une petite pipe, par contre moi je suis pas si tu veux, y'a pas de soucis. Non, ça ira, non, c'est gentil. Bah écoute, je laisse ça à Tov si tu veux, moi je ne m'intéresse pas, j'aime trop les femmes pour ça, moi je sais. Mais bon. Je m'en doute. Ah bah oui, non mais après chacun fait ce qu'il veut de son cul, moi j'ai aucun problème avec ça, hein. Oh là là, y'a pas de problème. Eh, c'est qui a la plus grosse? Oui, c'est lequel des deux qui a la plus grosse? Moi j'ai une Nakibol. Une quoi? Une Nakibol. D'accord, ok, très bien. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, très bien. Bah, si jamais tu changes d'avis, Toff est toujours disponible. Hein. Bien sûr, moi, y'a pas de problème. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, par en gauche, en bas, pas de problème, tout est possible, y a aucun problème. Oh, moi, tant que ça rentre, ça passe. Bon, maintenant, qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que j'ai gagné? Eh ben, du coup, on va te filer. Bah oui, mais comme t'as dit que t'écoutais l'émission d'habitude, là, dis donc, hein. Ouais, ouais, mais bon, je préfère poser la question des fois. Bien sûr. Non, il y a des haut-parleurs Bluetooth pour la plage. Vous allez pouvoir comme ça l'écouter pendant que vous ferez enculer. Oh, c'est dommage. Écoutez de la musique. Voyage de noces, il me fallait un peu des sous. Hein. Ah oui, mais là, ouais, non, bah là, ouais, bah un autre jour peut-être, hein, mais là, on n'a pas de sous malheureusement. Mais bon voyage de noces quand même, cela dit. Hein. Puis bravo pour le mariage. Merci. Salut à vous en tout cas, à bientôt. Allez, salut, allez. À bientôt, ciao. Bon, et si je vous rappelle que si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, vous êtes les bienvenus. On fait ça demain, bien sûr, on remet le couvert. Et puis pour jouer avec nous, vous envoyez MIKL et votre message au 64 900 par SMS ou alors bah, vous appelez directement le standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Il y a Théo qui dit au pire, fallait faire un plan à 3. Bah oui, pourquoi pas. Mister Steven, Michel en mec gay, il est vraiment bon comme toujours. Bah c'est gentil, hein, je transmettrai Mister Steven. Virginie qui dit t'es coincé de la bite, mort de rire. Et Inès qui dit et en plus il l'a déjà trompé. Ouais mais c'est ça en fait, le mec il nous faisait un scandale alors qu'au final c'était pas nécessaire. Et Dorian qui dit arrivé avec une heure de retard mais gonflé à bloc jusqu'à minuit, grosse soirée qui s'annonce. Oui, surtout qu'il y a le canular qui arrivera dans une heure, il y a les appels malveillants dans 20 minutes. Et puis je vous rappelle la question pour repartir avec la tablette qu'on vous offre toute la semaine. Et ce soir évidemment il reste 50 minutes pour vous inscrire, la Asus Memo Pad 10, ça vaut 200€. Je vous l'offre dans quelques minutes, le temps d'écouter Pitbull avec We Are One sur Fun Radio. Puis on aura aussi Julien, Steven et Arthur. Vous êtes à tous les trois? Ouais. Aïe, très bien, c'est le doux qui a répondu, ouais, c'est Arthur. Ah, Steven, Julien et Raphaël également. Vous êtes là? T'es là Raphaël? Ouais. Très bien, on va parler des phobies dans quelques minutes avec vous. Ouais. Parfait, ouais. Bon bah vous bougez pas, Pitbull et Gilo, ça vous branche? Ouais, t'inquiète. Okay. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, on se met ça dans quelques instants et on vous retrouve tous ensemble juste après ça. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est là de 20h à minuit tous les soirs de la semaine. Et Lid le dimanche, y compris d'ailleurs. Prévenez vos potes, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux! Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël No Limit, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et il est 21h10 sur Fun Radio. Allez hop, je vous avais promis juste avant la pub de vous balancer la question encore pour repartir avec l'Asus mais bon, pas de 10. Eh ben on va faire ça maintenant. C'est parti. Alors attention également, on a bien reçu le message de Céline, Mathilde qui a joué, David également. Il y a même le où est-ce qu'il était le Doux là. Il avait envoyé un message. Le Doumou qui a joué aussi là. Donc voilà, c'est bon, on a bien reçu ta réponse, le Doumou. Continuez à balancer vos messages. Donc combien, rien à voir. Benzema et Rihanna seraient ensemble. Voilà, Benzema serait le nouveau mec de Rihanna. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez simplement un ou deux, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et dans moins de 45 minutes maintenant, j'en appelle un au hasard. Et s'il donne la bonne réponse, il repart avec la tablette. Ça vaut 200€, la tablette Asus Memo Pad 10. Écran Full HD, processeur 4 coeurs, 1,6 GHz. Ça, la folie totale, hein. Polo, c'est de quoi je parle. Ouais, en c'est ça, avec un bras cam à ta rentrée. Voilà, c'est ça, et autonomie de 9h30, enfin la folie totale. Voilà, donc si vous voulez repartir avec cette magnifique tablette, il y a plein de couleurs en plus, noir, rose, blanc, et ben vous envoyez la bonne réponse, c'est mieux hein, pour jouer. Donc Benzema et Rihanna seraient ensemble, hein, nouveau couple de l'année. Est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Vous envoyez un, simplement un pour faux, deux pour vrai, vous envoyez ça au 64-900 et vous repartirez peut-être avec la tablette Asus Memo Pad 10 qui vaut 200 boules et on vous offre ça dans moins de 45 minutes. Je vous souhaite évidemment bonne chance. On va récupérer ceux qui ont des phobies là, Julien, Raphaël, Steven et Arthur dans quelques minutes sur Fun Radio. Et je vous avais promis le son de la Coupe du Monde, tiens, c'est Pitbull et Gino qu'on écoute maintenant. We are one sur Fun Radio. Le son de Pitbull sur Fun. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 21h15, il y a Douce et Nolala qui dit « Je suis tellement heureuse d'être douce ». Oh. Et ben voilà, tu vois. Pierre qui dit « En retard, je mérite un coup, un message de bienvenue bien gras ». Oui, je peux te le faire. Attends, bouge pas. Bah t'es enculé, mais t'es mort. Bah voilà, il était sympa. Il est là, mais t'es mort. Voilà, mais je suis là. Et le boss disponible, on m'appelle. Et le boss Lakoff, puisqu'on va parler des phobies, qui dit « Moi j'ai la phobie des buissons. Dès que je vois un buisson, j'ai l'impression que c'est un monstre ». Qu'est-ce que c'est que cette phobie quoi? Coucou, vous allez bien pour Yann? Ouais, on va bien Yann, j'espère que toi aussi. Et alors je sais c'est bizarre mais moi j'ai une véritable phobie pour des escargots. Oui. Effectivement, oui. Parce que l'escargot ne sait absolument pas que t'es là. Hein. C'est-à-dire que lui il s'en bat les couilles, encore que t'aies peur des araignées parce que ça peut mordre ou piquer n'importe quoi, pourquoi pas. Ou des chiens. Mais l'escargot, il s'en bat les couilles de toi. Et puis, au contraire, hein, c'est-à-dire que s'il pouvait courir, il courrait l'escargot. Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un se faire mordre par un escargot? Bah non. Alors que bien cuit, il y en a plein qui se sont fait bouffer. C'est vrai aussi. Bon, il y a un doux qui est passé nous voir. Il n'a pas encore de nom de doux, du coup, là. Il s'appelle. Robinson. Ouais. Ça, c'est bon, ça, Robinson. Robinson. Crusoe. On t'appelle Robin quand même. Non, on m'appelle Robinson. On t'appelle Robinson. Ouais. Alors, ça, c'est quand même exceptionnel. Bon, et Robinson. Ton pote, c'est vendredi ou pas? C'est drôle, ça. Ouais, faut connaître. Bon, Robinson. Et ton pote, il s'appelle quand Maël. C'est Maël, d'accord. Et donc, Robinson, c'est l'anniversaire de Robinson. C'est aujourd'hui ou c'était quand? C'était le 27. Ah bah casse-toi alors, c'est passé déjà, c'était il y a deux jours et que tu nous emmerdes. Plus la peine de venir là. Plus la peine. Bon, tu veux venir d'où officiel? Moi je veux bien, ouais. Ouais bah attends, je te passe Polo alors. Attends, il est là. Robinson, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir d'où? En plus, il est venu avec un 4-4, hein, il faudrait qu'il se tape sur la tête. Et je rappelle que pour être d'où officiel, il faut avoir moins de 15 ans ou ne pas avoir mué. Robinson, tu as 13 ans. 13 ans, depuis deux jours seulement. Ouais, parle bien près du micro sinon t'as mal. C'est du doux frais ça. Ouais, c'est du tout frais, ouais. Robinson, moi Polo, grand maître de la confrérie. Il est perturbé par le prénom. J'ai décidé d'accéder à ta demande. Tu as décidé en ton âme, tu vas fermer ta gueule toi là. Tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux. Exact. Bien. Robinson, mets-toi à genoux. Bah mets-toi à genoux. Devant. Bah mets-toi à genoux là. Écris parce que sinon on va mal t'entendre. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y, mets-toi à genoux, très bien. Il est à genoux, hein. C'est bon. Vas-y. Parle fort, hein. Ouais. Attends, attends, attends, faut que j'immortalise ce moment. Il est à genoux, là, c'est bon, ça, quand même. Attendez, voilà, j'immortalise, j'immortalise. Il est là, hop là, ça y est, c'est fait. Robinson. Je la pose tout de suite. Tu m'entends? Ouais. Insulte-toi. Ouais. Vas-y. Je trouve pas trop d'insultes envers moi. Sois correct avec tes insultes. C'est vas-y. Ça. Bah c'est pas si, grave. Avant, on s'en branle. Ouais, je suis un bouffon. Tout ce que tu veux. Non, non, non, il faut que t'insultes pas tout ce t'insultes. Que tu veux. Ok, bah je suis con, je suis très très con. Voilà. Bravo Robinson, t'es un peu mou mais ça ira. Robinson, est-ce que tu as ton téléphone sur toi? J'ai pas de téléphone. Genre. Bah, c'est pas grave, prends le micro. Prends le micro et tape-le toi sur la tête. Voilà. Et là on peut au moins le temps, il pourra pas tricher là. Vas-y. Allez, vas-y. Ah, ça faisait du bruit quand même. Ah bah ouais, mais, hein. Encore Tu vas tout le crâne. Tu sais combien ça coûte ça? Robinson, tu es doux officiel, bravo. Voilà. Et est devenu doux officiel. Et on va l'appeler comment? Bah pas le doux mou, c'est déjà pris. Mais non, mais Robinson, c'est déjà un surnom. Hein. Le mou, le doux Crusoé. Le Robin con. Le doux Crusoé. Le doux Crusoé, voilà. Voilà. Super. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Préférez Robin con. Ouais, mais non, il faut mettre le doux Robin con alors. Moi ça me va. Le doux Robin con. Alors on change plus d'avis, c'est comme ça, c'est plié. Bon bah très bien. Bah voilà, tu vois, tu seras pas venu pour rien comme ça. Hein, c'est bien. Ouais. Bah voilà, hop là, un nouveau doux. Je vous mets la photo dans quelques minutes là du doux Robin con qui s'est fait baptiser en direct live dans les studios de Fun Radio. Et Maël donc qui est venu avec un 4/4 qu'il a fait lui-même alors. Ouais ouais. De ses petites mains. Il a fait. Mais t'es sûr qu'il y a pas de poison dedans là? Bon, c'est pour ça qu'on a laissé Toff goûter d'abord. On va d'abord attendre une heure pour voir s'il change pas en prince charmant. Parce que comme là c'est Jane Citrouille, on va attendre. Hein. Ouais, ouais. Bon, on vaut mieux attendre. Voilà. Le mange pas tout de suite, c'est juste un conseil. Non, bah c'est ça. Bah c'est pour ça. Je préfère attendre un petit peu. On sait jamais. Bon, allez, 21h20. Il y a Romain qui dit j'ai la phobie de Toff. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est pas anormal. C'est pas le seul. C'est pas anormal. Pierre qui dit moi j'ai la phobie des poissons et des télécommandes. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse, la télécommande? Yo tout le monde, désolé pour le retard, c'est Romain. Bah tu mérites ta coup de pelle, Romain. Hein. Voilà pour le retard. Et Pierre qui dit moi j'ai la phobie. Ah bah poissons, télécommandes, je l'avais déjà lu. Romain qui dit écoutez, Toff, se faire insulter, c'est un pur plaisir. Et bah il va remettre le couvert dans 10 minutes avec les appels malveillants. Et Léa qui dit vous m'avez manqué, l'équipe. Oh, bah merci Léa, gros bisous à toi et merci d'être là aussi. Et on va enfin récupérer notre ami Julien là de Redon en Ille-et-Vilaine. T'es là, Julien? Julien? Ouais, ça va. Ah, parfait. Bienvenue à toi, Julien. Bon alors, toi, dis-moi, quelle est ta phobie? Comment tu le vis? Dis-le tout. Bah moi, ça fait plusieurs années que j'ai la phobie des pieds, en fait. Ah ouais, mais je déteste ça. Mais moi, je déteste ça parce que c'est moche. Mais après, j'en ai pas peur, tu vois. C'est juste laid. Je trouve ça hyper laid. J'aime pas quoi. Moi, c'est marrant. Moi, je trouve ça beau. Ouais, moi, j'aime pas trop. Mais bon, après. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi j'adore les pieds. D'ailleurs, si je peux me faire masturber par des pieds, j'adore. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur. Enfin bon, bref. Bon, et toi, pourquoi t'as la phobie des pieds? Tu trouves ça... J'ai des très très très grands pieds, je fais du 48 en fait. Ah ouais? Non mec, c'est pas possible. Bah si, 48 ouais. On a un pote qui fait du 48 aussi. Ouais, bah l'avantage c'est que... Attendez, chacun votre tour là, vas-y, c'est rouge pour toi, t'as comme d'habitude, c'est vert pour Julien, vas-y. Et j'arrive pas à les regarder, je prends ma douche, j'ai oublié de mettre des chaussons pour les regarder. Parce que l'amour à ma copine, c'est obligé de mettre. Je peux pas regarder ses pieds ni les miens. En même temps, quand tu couches avec ta meuf, t'as autre chose à faire que de regarder les pieds. Ouais, heureusement. Oui, c'est clair. Mais quand même, c'est. T'as toujours eu ça? Non, c'est quand mes pieds ont grandi en même temps que moi, j'ai vraiment. Ils sont du 48, quoi, j'ai vraiment pas pu. Nous avons la solution. Ouais, couper les pieds. Oui, parce que on ça peut raboter. Ouais. On peut raboter également, hein, si tu veux. Moi, tu viens à la radio et puis nous, on s'arrange. Hein. J'ai la scie circulaire qui est là. Vas-y, là. T'inquiète pas, ça fait pas mal. Hein. Ouais, je doute un peu, là. Non, mais t'inquiète. Non, mais sur le moment même, ça fait un peu mal et après, t'es tranquille. Ouais. Au moins, c'est vachement plus pratique pour les chaussures. Hein. Note l'avantage du grand pied. C'est que pendant les soldes, il reste toujours ta pointure. Tu peux aller là vers la fin quand il y a moins 80%. T'y vas, t'es pépère, tu sais qu'il va rester ta pointure, normalement en tout cas. T'as pas besoin d'acheter de planches de snowboard ou de ski. Voilà. Parce que tu vas pépère comme ça. Moi j'ai un pied d'une taille normale, tu vois, j'ai 42-43, donc c'est une taille standard pour les mecs. Ah ouais, on a rien. Et bah si tu vas au deuxième jour des soldes, tu vas dans le cul. Hein. Tous les 42-43 sont partis. Hein. Ou alors sans figurer, tu l'as dans le cul. Ouais, bien sûr. Ou quelqu'un qui s'imaginerait qu'on met la chaussure dans le fion. Non, c'est pas ça. Donc tu vois, il faut voir le côté positif et pas que négatif. Tu mesures combien? Je mesure 1m85. Ah ouais, ça putain, va. C'est un grand pied quand même pour 1m85. Ah ouais, ouais, vraiment. Nous, on a un pote, ouais. Nous, on a un pote, il fait 1m98 et il a du 48. Mais tu vois, bon, là, il est proportionnel. Mais 1m85, c'est quand même petit pour 48 de pointure. Il est surtout proportionnel à son gros bide. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est pour ça, c'est l'avantage, c'est qu'il peut encore voir ses pieds. Ouais. Parce que tu vois, au final, t'es pas beaucoup plus grand que moi, t'as 7 cm de plus que moi, mais t'as quand même un putain de pied différent. Ah ouais, c'est 48, c'est violent. Ah, 48, c'est violent, hein. Ouais. J'ai essayé de voir un podologue pour essayer de climber mieux, mais j'arrive pas. Mais viens, on va les couper, nous, on s'en branle. T'inquiète, on est là. De toute façon, les orteils, ça sert à rien. Mais voilà, c'est ça, déjà, on peut gagner un peu à ce niveau-là, et puis on est tranquille. Ouais, on va faire chier. Et puis on va les coller sur la tête à Toff, les orteils. Voilà, ouais, voilà. Et c'est donc ta seule phobie ? Oui, je pense qu'elle est pas mal déjà. Donc bon, bah, elle est déjà bien, effectivement. Attends, on va prendre également Steven avec nous de Marseille. Salut Steven. Salut. Attends une seconde, je fais ça juste après, Julien, bouge pas là. Steven de Marseille, on y était une semaine tout pile à Marseille. Oui, ben j'y étais. Ah bah bien, bah, justement Steven, on était bien, tranquille, on était sur le fun de Marseille, face au vieux port, ouais. Avec les Algériens qui jouaient en ce moment même. Ah, c'était bien. Et une petite pensée d'ailleurs à tous les Algériens, puisqu'ils affronteront l'Allemagne demain. Et courage. Oui, ça va être dur, hein. C'est le rouleau compresseur allemand risque de faire mal, oui. Exactement. Enfin, on verra bien demain. Bon, alors bienvenue à toi Steven. Toi aussi t'as une phobie, c'est laquelle? Bah, en fait, je suis tout le temps obligé d'enlever mes chaussures. Pourquoi? Ben je sais pas, tout le temps. Mais quand je suis dans la voiture, en cours ou quoi. Mais donc partout, quand t'es en classe, quand t'es dans la voiture, voilà. quand tu vas au supermarché, tu dois aussi enlever tes... En fait, il marche pieds nus tout le temps, il s'est dit c'est plus facile. T'es un peu comme Robinson et Vendredi. Mais d'abord. Non mais quand je marche j'ai les chaussures, mais quand je suis dans la voiture. Attends, parce que il y a Julien qui raconte sa vie sur le côté, du coup on l'entend tout en même temps là. Julien ? Ouais. On te dérange pas là ? Non, c'est bon, désolé. Ah bon, parce que le tira. Ouais, je passe une bonne journée. Ouais, oui, que je t'ai fait aujourd'hui. Bah rien, ça va, j'ai vu la gueule de toi, j'ai eu peur. Normal quoi, normal. Bon vas-y Steven. C'est rien Julien. Pas de problème. Alors, moi je disais que quand je suis posé, en fait, quand je suis par exemple dans la voiture ou quoi, ou quand je suis en cours ou quoi, je suis tout le temps obligé d'enlever mes chaussures. Mais tes profs ils disent rien ? Non. Donc c'est-à-dire que t'arrives, t'enlèves tes pompes et ils s'en foutent ? Ben ils le voient pas. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord, ok. Et pourquoi si tu les enlèves pas, t'as quoi ? T'as des spasmes ? T'as peur ? Je sais pas, je me sens mieux sans les chaussures, tout le temps. Ah ouais, d'accord, ok. Mais je sais que Polo, il enlève souvent ses pompes aussi, cet abruti. Ouais. Dans le studio, après, ça pue, on voit de la fumée monter comme ça, c'est énorme. Mais non, parce que j'ai une espèce de botte, et en fait, des fois, ça me gêne de porter ça. Ouais, non, sérieux. Alors du coup, il met ses tongs dans le studio. C'est ça. Mais il a raison, hein, pourquoi pas. Écoute, c'est une idée comme une autre. Bon, eh ben attends, on va prendre aussi Arthur qui est avec nous de Paris. Salut Arthur. Salut. Encore un doux, on est envahi de doux. Oui. C'est dingue, t'es déjà devenu doux officiel ou pas ? Non, jamais. Ah bah très bien, tu te le sauras pas ce soir. Comment ? Ouais, c'est trop tard, on a fait le quota. Bah on a fait le quota de doux. Non, ah bah peut-être oui. Tout à l'heure. Bah dommage, pas grave. Oh, c'est rien. Bon Arthur, c'est quoi ta phobie toi ? J'avais. Ouais. La lumérophobie. C'est-à-dire ? J'avais peur de la lumière. Peur de la lumière ? Putain, t'es emmerdé toi. Ouais. C'est pas facile à vivre. Ça s'est arrêté à 4 ans, mais il paraît que dès que je voyais de la lumière, je me cachais dans le placard. C'est marrant parce que d'habitude quand t'es petit c'est plutôt l'inverse. Moi peut-être. Bah oui, d'habitude quand t'es petit t'as plutôt tendance à avoir peur du noir, etc. Pas l'inverse. Ah bah non, moi je me sentais mieux dans le noir que dans le jour. Ah ouais. Ses parents l'avaient baptisé Gollum. Oui. Non mais peut-être, bah c'est bizarre. Ta gueule, hein. T'étais peut-être Dracula Arthur, hein. Ouais, bah, on sait pas. Attends, il y a Colline aussi qui est avec nous de Moulins. Salut Colline. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va. Dis-moi, bon, à Moulins vous faites de la farine ou pas? Non. Ben voilà, c'est tout. Non, c'est pour savoir. C'est une Pourquoi question. Non, je vais un moulin. Moulin. Un moulin. D'accord. Un moulin. Ouais. C'est fait. Le moulin. Ouais. Ok, bon. Super. Bon, alors vas-y, Colline, t'as la phobie de quoi, toi? Ouais, café. La gueule. Moi, j'ai la phobie des vers de terre. La phobie. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Quand est-ce que tu croises des vers de terre, toi? Non, mais c'est parce qu'en fait, quand j'étais petite, tous les potes que j'avais en garçon, mes frères, ils s'amusaient à me les jeter dessus, à me les coller dans les cheveux. Et depuis, elle est tombée amoureuse d'un ver de terre. Et depuis, t'as peur. Et ben depuis, je supporte pas. En fait. Mais Toff s'est battu avec un ver de terre il y a quelques années. Et il a perdu. Ouais, ouais. Il s'est battu. il y a eu un combat. Oui, c'est ça. Et il a perdu. Dans la merde. Il a perdu contre le ver de terre. C'est quand même un truc de fou, non, ou pas? Il lui a fait un espèce de coup là, à la nuque et il l'a étranglé. l'anglais avec son avec sa petite pointe là, étoffe, il est resté par terre. Exactement. Je pouvais plus rien faire là. J'étais... Ah bah il est resté comme une merde, hein. C'était terminé pour lui là, il a une défaite d'ailleurs, une la plus grosse défaite de sa vie. Hein. Oh non, j'en ai eu des pires. Ouais, mais enfin dans l'idée, c'était quand même déjà pas mal hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ah, comme ça. Bah c'est clair, c'est clair. Bon, et attends, on va prendre le dernier aussi, Raphaël avec nous. Salut Raphaël. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Bon, bah bienvenue, attends, on t'entend super mal, Raphaël, pour le coup. Vous m'entendez là? Voilà, ça va un peu mieux, on dirait, ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Alors, du coup, j'ai mis la photo du doux Robin Con sur le Facebook, Twitter et Instagram. Ah, si vous voulez aller le voir en direct, il est devenu doux à l'instant dans l'émission. Bon, alors, bienvenue à toi, Raphaël. Donc, toi, tu. C'est quoi ta phobie? Moi, j'ai la phobie des chevaux. Ah ouais, t'as peur de quoi qui te marche dessus? Non, je sais pas, quand j'étais petit, moi, j'ai reçu un coup de sabot des chevaux, j'ai toujours peur. Ah ouais, donc là t'as peur? Moi, c'est tout mon côté. Ouais, mais est-ce que t'as peur aussi quand il est ni? Non, quand je peux pas monter sur un chevaux, je peux pas le voir, je peux Ah, pas. Tu peux pas l'entendre, pas le voir, pas le toucher, que dalle? Je peux pas, je peux même pas, non. Et le manger? C'est bon un cheval? Mais oui, bah oui, c'est équipé et tout. Mais arrête, mais non, mais pas découpé. Mais non, mais c'est vrai. Bien grillé au feu de bois. Cela dit, tu manges du cheval ou pas, toi? Non, moi je mange pas du tout. Non, plus, hein. Moi personnellement, bouffer du cheval, bof moyen, quoi, pour le coup. Bah dites-nous encore vous si vous avez des phobies, parce qu'on était tombé sur une liste assez improbable. Il y avait quoi aussi? La génuphobie, c'est la peur des genoux. Mais qu'est-ce que tu peux avoir peur des genoux? C'est quand même un truc de dingue. La galmatorémaphobie, c'est la peur étrange que les statues ne prennent vie. Il y a quand même des gens qui ont des phobies bizarres, hein, faut quand même le dire. Oui, quand même. Il y a l'ergophobie aussi, donc ça c'est la maladie de Toff, hein, la peur du travail. Ah oui, oui, oh là là, ça, c'est une phobie, tous les matins il en a peur. Oh bah. Ah bah voilà, tiens, on a trouvé, tiens, Polo, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Ah. Ou la peur de. Ouais, de la peur de vomir. Ouais, il y a l'arachibutyrophobie, c'est la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Mais ça veut rien dire. La nomophobie, la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. C'est dingue ça. Alors il y a la xanthophobie. Vous savez ce que ça veut dire la xanthophobie? Vous avez une idée ou pas? Peur de Xantia? Non, non, non. Colin, Arthur, Julien, Raphaël, une idée ou pas? Non, je sais pas, j'ai peur. Non, je sais même pas. C'est la peur de la couleur jaune. C'est dingue. Non mais attends, c'est malade. Ah moi c'est ça moi. La tyrophobie, moi je suis tyrophobe. Bah moi j'ai pas peur mais je déteste les fromages qui puent. Ah voilà, donc ah bah voilà, bah, tu vois, finalement on est pareil. Alors qu'il y a rien de meilleur qu'un bon fromage qui pue. Ouais, c'est ça, c'est dégueulasse là. Bien tartiné sur une biscotte comme la ça. La panthéraphobie, à votre avis, c'est quoi? La peur des panthères. Non, bah ça je le savais que t'allais dire ça. Non, c'est la peur. Non, c'est la peur des belles-mères. Ah, si vous avez peur des belles-mères, vous êtes panthéraphobe. Ah voilà. Bah je vais y penser. Vous pensez aux panthères et puis voilà. On va trouver une belle-mère. Exactement. Oui, oui, c'est mieux aussi. Bon, bah, Colin, Arthur, Julien et Raphaël, merci d'avoir appelé en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Alors, une petite dédicace ou pas? Ouais, vas-y. D'abord, Julien. D'abord, ouais, Julien, vas-y. Une dédicace à Madec, à tout le P3, au Collet d'Odez. Et à Maëlys, c'est moi qui l'en remets. Eh ben voilà, le message est passé. Salut, Julien. Salut à vous tous. Vas-y, Arthur. Ouais, alors moi je fais une dédicace au 6ème 3, voilà. D'accord, eh ben les messages sont passés, il n'y a pas de problème. Et un message bienvenue pour Toff, un bien gras. Un bien gras? Alors attends. Moi j'étais en 6ème 2. Attends, voilà. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Voilà, et bien gras celui-là. Salut Arthur. Salut. Tu voulais ajouter un truc, Arthur? Moi? Ouais. Ouais. Dis-moi. T'as une gueule de merde. Merci. Qui ça? Toff? Il a quoi de merde? Une gueule. Ah, une gueule, oui, bien sûr. Comme quoi, la vérité sort de la bouche des... Des doux. Toujours. Exactement. Salut Arthur, vas-y Colline, à ton tour. Je voudrais faire une dédicace à Julie, Cindy, Camille. Non, et une Léa. Seule personne, Colline, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est la règle de tout le monde. Bah, hein. C'est pas grave. Hein. Ah bah, voilà. Le rire qu'elle a. Les messages sont passés. Je t'ai bien niqué. Voilà. Salut Colline. Salut. Allez, ciao à toi. Et merci Raph d'être passé également. Hein. Tu reviens quand tu veux. Ouais, nickel, tranquille. Salut. Tu peux quoi? Partir? Oui, bien sûr. Je peux participer pour gagner la tablette ou pas? Oui, bien sûr, ouais, bah, évidemment, tu dois simplement envoyer la bonne réponse. Tu peux le faire par téléphone? Tu vois avec Sandro là. Non, parce que sinon tous les autres, parce qu'en fait apparemment tu dois répondre à un truc et puis comme c'est sur un serveur, c'est un tirage au sort, comme ça nous on touche pas et on pourra pas dire ah mais vous avez triché. Oui, bah, oui. Non, c'est un tirage au sort de la machine, donc pour le coup faut le faire par là aussi, ouais. D'accord? Ok, bah sinon je suis une grosse. Bon, bah ça roule. Bah peut-être à tout. Ah bah vas-y, Raph, tu dis. Je suis Jean-Baptiste Corot à Beauvais. Ok, on embrasse tout le monde à Beauvais, pas de problème. Salut Raphaël, justement en parlant de la tablette, on va vous la filer dans quelques minutes. Vous restez bien sur Fun Radio, on va s'écouter le son d'Avicii, Lay Me Down maintenant. Et puis juste après, on va également se faire les appels malveillants. Et oui, oh oui. Appels malveillants juste après ça. Avicii sur Fun Radio, c'était Lemmy Down. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct sur Fun Radio 21h36 avec Pietri qui dit je vous kiffe. Mais merci beaucoup pour toi Pietri Brunette là. Toff est le plus mignon de vous trois, mais merci, tu as le droit merci. D'avoir mauvais goût, c'est pas grave. Je ne sais pas qui tu es mais merci. Ouais, c'est lui Mickaël, moi j'ai la phobie des serpents, c'est Logan de Froid-Chapelle et Louis aussi, moi j'ai peur du noir et Léa pardon qui dit moi j'ai la phobie, c'est que j'ai peur de faire fuir les gens car j'ai pas les mêmes avis qu'eux. Bon bah c'est pas très grave en même temps, s'ils sont pas capable de t'écouter, c'est un autre, c'est pas grave. Nadia qui dit, alors moi j'ai la phobie du manque d'argent, oui, comme tout le monde, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Bon, bah 21h36 sur Fun Radio, on va parler avec Georges dans quelques minutes. Et puis, je vais vous répéter encore une fois la petite question là, avant 22h, on vous l'offrira la tablette Asus MemoPad 10. Pour ça, il faut répondre correctement à cette question hyper compliquée. Et comme c'est déjà les vacances, il y en a beaucoup qui sont déjà partis en vacances, hein, donc profitez-en si vous voulez jouer et tenter votre chance. Il y a moins de monde que d'habitude, c'est ça que je veux dire. Karim Benzema et Rihanna seraient ensemble. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, à gauche à droite. Hein. Karim Benzema et Rihanna seraient ensemble. Voilà, vrai ou faux, vous envoyez un ou deux, donc un pour faux, deux pour vrai. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre tablette Asus Memo Pad 10. Ça vaut 200€. On vous l'offre maintenant et vous êtes livré pour le milieu du mois de juillet. Oh, c'est cool. Bah, c'est plutôt sympa. Si vous partez en vacances genre fin juillet ou début août, bah, vous aurez la tablette pour partir. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc Benzema et Rihanna seraient ensemble. Un pour faux, deux pour vrai. Vous envoyez juste le chiffre par SMS au 64 900 au tir au sort dans moins de 20 minutes. Et l'Asus Memo Pad 10 sera peut-être pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On va se faire les appels malveillants maintenant. Allons-y. Appels malveillants, on appelle plein de gens, des amis ou des ennemis à vous, puisque c'est vous qui nous envoyez les numéros de téléphone qu'on doit appeler. Numéro que vous envoyez sur le mail de toph@funradio.fr. Et là on va parler de pornographie. Oui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus de couples regardaient du porno à la maison ensemble. Oui, pour un petit peu se réchauffer. Ouais, voilà, c'est ça. Pour se rebooster. Tout à fait. Et donc du coup, je suis allé demander aux gens si eux ils l'avaient déjà fait. Oui, on y va, c'est parti. On y va, on appelle le premier maintenant 21h38 sur Fun Radio. Merde, décidément à chaque fois je me gourre. C'est Gilo qui arrivera aussi tout à l'heure et donc on appelle le premier maintenant. Allez, c'est parti, 21h38 sur Fun. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si ça vous arrivait de regarder des films porno avec votre femme, monsieur. T'es né comme ça, toi, on t'a marché dessus à la naissance. Hein. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Non, mais c'est pour savoir, quoi. C'est... Parce que si on t'a marché dessus, je sais pas, t'as le gaz chez toi, non? Oui, j'ai le gaz, oui. Bah vas-y, mets la tête dans le four, allez, ciao. Très sympa, hein, le monsieur quand même, super gentil, met la tête dans le four avec le gaz allumé. Et la musique derrière. Et la musique allumée en français. Bon, rappel. En plus, j'étais gentil, ce serait gâché de ne pas rappeler. Eh, c'est bon. Bah oui, vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Non, mais t'as que ça à faire, quoi, je sais pas, t'as pas de la couture, je sais pas, t'as pas de la pelouse à tombe. Putain, tu vas pas me casser les couilles toute la soirée, là. Non, monsieur, mais c'est parce que vous avez pas... Bah écoute, si tu rappelles, par contre, je te promets que... Tu vas avoir de gros soucis, d'accord? Je fais repérer ton appel et après tu... à toi de te démerder, hein. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question plutôt? Bon, écoute, je t'ai dit d'arrêter de me casser les burnes, là. Donc tu te casses, tu rappelles pas, t'oublies mon numéro parce que si moi je te trouve, par contre, je t'explose la gueule, je te détruis, c'est clair? Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? D'accord. Est-ce que c'est bien clair? J'ai bien été clair? Bah, pas tellement, monsieur. Fais attention parce que si là je fais repérer ton téléphone, oui. Je saurai d'où tu appelles, qui tu es, j'aurai tout. D'accord? Mais après, j'appelle de Paris, monsieur. Allô? Ah, mais si nous promets mon Zénervel, on oui, rappelle, toujours. Évidemment. Bah oui, allez, c'est reparti là. En plus, il peut tracer le numéro, c'est bien. Oui, non, parce que vous avez pas pris l'adresse pour venir, monsieur. Non, mais hey, fils de pute, là, tu vas te calmer parce que je vais te la détruire, ta sale gueule. Bah oui, mais vous voulez pas que je vous donne l'adresse pour venir, monsieur? Donne-moi l'adresse. Alors, je suis 20. Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Et c'est ouais. À Paris, monsieur. C'est à côté des Champs-Élysées. Bien sûr. Hein? Bien sûr. elle est belle l'histoire. Bon, écoute, oublie mon numéro et puis tu vas jouer, oublie, je sais pas. Tu vas jouer avec les gosses de ton âge, là, je sais pas. T'as autre chose à foutre, là, non, que de jouer avec le téléphone? Mais oui, mais vous avez pas répondu à ma question, monsieur, alors du coup, je suis bien obligé de vous rappeler. Je te réponds, connard. Mais pourquoi, monsieur, c'est pas gentil? Mais je t'emmerde, moi, je te chie à la gueule. Ah bah non, bon, monsieur, écoute, non. Oublie mon numéro, là. Mais non, monsieur, allô. Oh, bon, rappel encore une fois, du coup, hein. Oh là là. Il est dur, là, quand même. Ah, violent. Oui. Ah ouais. Oui. Bon, arrête d'appeler en numéro privé, déjà, tu vois. Bah, franchement, aie le courage de tes actes. Bah, je peux vous donner mon numéro, si vous voulez, monsieur. Non, vas-y, rappelle, mais avec numéro non masqué. Parce que moi, je vous ai donné mon adresse, monsieur. Allô. Oh, putain, quel relou. Bon, bah, c'est pas grave, on en fera d'autres tout à l'heure, dans moins d'une heure. Donc, restez bien sur Fun. Et restez bien, si vous avez des numéros de téléphone, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Numéro de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là, ce sera avec grand plaisir. Et bravo également à la question, Benzema et Rihanna seraient ensemble. Il fallait répondre un ou deux. Enfin, vous pouvez encore le faire en envoyant un ou deux par SMS au 64-900 pour gagner l'Asus MemoPad 10 et une tablette qui vaut 200€. Et quand même, quelqu'un qui a répondu, on sait pas. Mais ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est, parce que je me souviens pas qu'il y avait un point 3. Je savais pas que c'était 1 pour faux, 2 pour vrai ou 3 pour on sait pas. Oui, mais il y a des gens qui envoient 3 quand même. Oui, il y en a qui envoient 3, mais ça ne sert à rien. Donc c'est 1 pour faux, 2 pour vrai. Benzema et Rihanna seraient ensemble. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah, vous nous dites ça maintenant. Et puis si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec l'Asus MemoPad 10 qu'on vous offre aux alentours de 10h. Et c'est pas A ou B non plus. Oui, c'est donc 1 c'est 1 ou 2. Voilà, juste le chiffre. Hein. Mettez pas avec toutes lettres. Hein. 1 ou 2 en chiffre, tout simplement. Georges est avec nous également en Seine-Saint-Denis. Salut Georges. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est bien, pour avoir des conseils corrects. Tu vas avoir des conseils. Ta gueule, Tof! Oh là là! Bah, qu'il soit puni sur le champ! Mais qu'est-ce qu'il est rebord? C'est quoi? Une minute au coin, ça laissera les pieds. Si, si, voilà, une minute au coin et on sera tranquille comme ça là. Bon, alors Georges, tu veux avoir des conseils pour draguer? Oui. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas? C'est que je suis timide en fait. T'es timide? Ah bah oui, mais bon. Bon, comme par exemple, quand tu vois une meuf, tu fais quoi? Une meuf qui te plaît, ouais, non, oui, ça je me doute, mais une meuf qui plaît, bon, qui te plaît, tu la regardes, ok, et. Ouais. Et j'ose pas aller lui parler en fait. Ah, ouais. Et t'as déjà essayé? Oui, il y a longtemps. Genre? J'avais 15 ans. Et là, t'en as 18, oui, bon, ça fait 3 ans, effectivement, ouais. Et comment ça s'est passé? Mal, j'imagine, sinon t'aurais pas peur? Mal. Ouais, bah, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? En fait, la fille, elle m'a recalé. Elle t'a recalé carrément? Ouais. Ouais. Bon, elle t'a dit quoi pour te recaler? Déjà, qu'est-ce que t'as été lui dire? Elle m'a dit. Attends, qu'est-ce que t'as été lui dire? Je lui ai dit bonjour, comment tu t'appelles? D'accord. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, Tof peut revenir, la minute est passée. Ouais. Cool, parce que je sentais que c'était mon moment là. Ouais, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit là après? Et après, elle m'a dit non, désolé, tu m'intéresses pas, c'est trop moche. Ah oui, mais bon, c'est après, c'est ouais, un peu violent. Non, mais alors, si moi je peux, la beauté ne fait pas tout, puisque la prof, Tof est déjà sorti avec des meufs. Ouais, voilà, parce qu'il fait de la radio. Ouais, la radio m'a beaucoup aidé, mais en soi, ne te le laisse pas abattre par un échec, tu en auras d'autres. Nickel. Ouais. Y a-t-il moyen que vous appeliez des meufs pour me parler en direct? Mais bien sûr, évidemment, bah bouge pas, on va en appeler là, reste avec nous, on va faire ça dans quelques minutes, d'accord? Ok. Bon bah bouge pas, il y a Devers45 qui dit: moi j'ai la grosse phobie des petites et grosses araignées et aussi des insectes qui ressemblent aux mille pattes. J'ai la phobie de Polo. Ah bah comme quoi hein. Ça t'as raison, moi et aussi j'ai peur de moi. Et Nathan qui dit: moi j'ai peur des grenouilles. Bah très bien, dis donc, c'est bien ça, vous en avez des phobies là. Et je voulais aussi savoir, tiens, est-ce que, parce que je vous avais dit au début d'émission pour ceux qui étaient là, que j'avais un truc par rapport au doux que j'avais vu ce week-end et je voulais en parler ce soir. Est-ce que vous avez déjà inventé des trucs incroyables pour ne pas aller à un rendez-vous? Ou pour pas aller à l'école, ou pour pas aller au travail? Enfin bon, bref, pour éviter un truc que vous aviez pas forcément envie de faire. Genre, quelle est l'excuse toi? Il y a les transports qui marchent super bien. Ouais, genre les bouchons, etc. Et c'est ça, dès qu'il y a un centimètre de neige, oh là là, c'était bouché, quand il pleut, c'était bouché, donc de toute façon, tu peux arriver en retard. Non, sinon, t'es coincé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a retenu pour une connerie. T'es coincé dans une meuf. Ça aussi, mais ça, je le dis pas généralement. Ah, d'accord, ok, très bien. Et toi, t'en as eu des excuses, toi, Georges, pour pas aller à un rendez-vous, pas aller au bahut, pas aller chez le médecin, ou je sais pas? Oui. Comme quoi? Quelle excuse t'as lâché? Je dis que je suis malade. Que t'es malade? Oui. Ça, c'est un peu vrai ça. Parce que... Bah, ça dépend, après ça dépend, faut voir. C'est vrai que c'est une excuse, Tof, tu peux dire je suis malade, en même temps c'est vrai à 100% à chaque fois. Hein. Ah, c'est vrai. Je vais plus utiliser que celle-là. Je dis que je suis occupé. que t'es occupé. Moi, je ne suis pas convaincu. C'est pas une excuse, ça. Je ne suis pas convaincu du côté très intéressant, enfin très pertinent. Voilà, très pertinent du truc. Non, je disais ça parce que dans le Gard, il y a un doux, donc c'est un qui n'a pas encore mué ou qui a moins de 15 ans, qui a inventé son propre enlèvement pour ne pas aller où? Au travail. C'est un doux. Je sais pas, au bahut. Non, pour ne pas aller chez le dentiste. Mais non. Il est parti pour aller donc chez le dentiste, mais est revenu que dans la soirée en expliquant qu'il avait été enlevé, mais qu'il avait pu s'échapper après un mois d'enquête. Parce que forcément les flics ont enquêté. Hein. Après un mois d'enquête, il a avoué qu'il avait en fait inventé son propre enlèvement pour éviter d'aller chez le dentiste. Donc si vous aussi vous avez monté des gros mythos pour éviter un rendez-vous, venez nous les raconter maintenant. Appelez-nous au 01 42 48 5000, au 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va se faire le canular dans quelques minutes. Tu restes avec nous, Georges. Si vous êtes une fille, vous avez envie de parler à Georges, éventuellement, n'hésitez pas. Et puis on va aussi prendre Thibaut pour faire le canular. Ce sera dans quelques secondes sur Fun Radio. Et côté son, je vous l'avais promis, on va se le faire. Le son de Sander Van Doorn avec Martin Garrix, ça sera Gold Skies. Allez, si vous écoutez Fun pour la première fois ou si vous écoutez l'émission pour la première fois, soyez les bienvenus. On est avec vous ensemble jusqu'à minuit tous les soirs de la semaine. Bienvenue sur Fun, c'est Mickaël No Limit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est évidemment en direct, 21h51 sur Fun. Il y a Lucas qui dit, moi pour pas aller en cours, je dis que Toff est mort. C'est une idée, ouais, pas sûr que ça marche, mais essaye. Samir qui dit, pour éviter le bahut, je dis qu'il n'y a pas cours et qu'on n'a pas marqué, marqué de mots, sauf que ça a marché une fois sur, mais pas deux. Ah, c'est déjà ça de prix, hein. Lucas aussi, moi j'ai fait croire que je me suis trop branlé, que je ne pouvais plus bouger. À essayer. À tester, voilà. Léa aussi, moi comme il ne me reste que 3 jours de cours, j'ai dit que j'avais pas cours et que le collège était fermé. C'est une bonne idée aussi. Rien qu'à entendre la voix du mec, on n'a pas envie de lui parler. Oh, c'est pas gentil ça. Romain qui dit, excuse de merde, il y avait un vieux qui roulait devant moi. C'est genre le truc, il avançait pas. Alexandre, j'ai inventé à mes parents que le lycée était fermé car il y avait trop de vent et ça a marché. Putain, c'est bien aussi parfois d'avoir des parents qui croient à tout n'importe quoi. Oui, c'est pratique. Ah, c'est moi, ça pratique. Marchait jamais. Hein. Ah, jamais avec la mère de Toff, jamais. Autant son père, c'était peut-être négociable. Parfois, mais avec la mère, là, autant vous dire que c'est mort. Ah ouais, dès qu'il y a un truc, de toute façon, elle vérifie. Ah bah, c'est clair. Et Anaïs My Love qui dit, je serais Toff. Ma phobie, ce serait les miroirs. Ça, c'est drôle. Mais je n'en ai pas. Ouais, c'est vrai. Bon, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun. Bienvenue si vous arrivez. On va parler des excuses avec Youssef, avec Anthony dans quelques minutes. Et je vous répète pour la toute dernière fois la question pour repartir avec l'Asus. Ce soir, l'Asus Memo Pad 10, c'est la tablette qu'on vous offre comme tous les soirs de la semaine et de la semaine prochaine d'ailleurs aussi. Tablette qui déchire tout. Hein. Attention, ça tient jusqu'à 9h30, 10 pouces, etc. C'est une Asus. Et pour ça, il faut répondre à la question. Benzema et Rihanna seraient en ensemble. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous envoyez simplement un ou deux, un pour faux, deux pour vrai. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 6322 pour la Belgique et vous repartirez peut-être avec cette tablette Asus Memo Pad 10 et vous serez livré milieu du mois de juillet pour les gagnants. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau pour partir en vacances. Voilà, pour partir en vacances vous serez mis bien là. Donc voilà, Benzema et Rihanna seraient ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour faux, deux pour vrai. C'est tout ce qu'on vous demande d'écrire. Et si vous êtes tiré au sort dans quelques minutes, juste après le canular avec Thibaut, vous repartirez avec la tablette Asus Memo Pad 10. Je vous souhaite bonne chance sur Fun Radio. Vous restez bien là puisqu'on va prendre on va s'écouter le son de Gino dans quelques minutes. Bully Gino avec Pitbull. Et puis on va accueillir maintenant l'ami Thibaut qui est avec nous. Maintenant là, Thibaut qui est avec nous pour faire le canular. Salut Thibaut. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va super depuis dimanche. Ah oui, c'est vrai qu'il est passé nous voir dimanche dernier à Marseille. Eh oui. Bon Thibaut, donc du coup, nouvel auditeur, Polo m'a dit là, tout à l'heure là. Comment ça fait que t'écoutais pas avant? Parce que j'y avais pas pensé, mon frère il m'a fait découvrir l'émission dimanche dans le studio. Ah bah voilà, donc t'avais jamais écouté? Non. Très bien. Juste un détail, si lui t'a fait venir dans le studio, il écoute l'émission lui? Ouais, de temps en temps. Ah mais là il va griller direct le coup de Michel. Non, je pense pas.

Non. Eh ben voilà, bah écoute, t'auras la tablette comme ça pour passer le temps, pour regarder la télé, pour aller sur internet, Facebook, Twitter, etc., etc. Oh, génial. Avec grand plaisir. Je te fais plein de bisous, Coralie. Ok, moi aussi. Salut. Merci de la radio. Bisous. Avec plaisir. Ciao à toi. Reste au standard, on prend Salut. Tes coordonnées. Hein. Ciao. On va parler des excuses bidons dans quelques minutes, puisque je rappelle qu'il y a un doux dans le Gard, là, qui a inventé son propre enlèvement pour pas aller chez le dentiste, ce con. C'est donc, énorme. Je vous demandais, je vous ai posé la question sur le Facebook aussi, si vous aviez déjà inventé des conneries pour pas aller au bahut, pour pas aller au travail, pour pas aller chez le dentiste, chez le médecin en règle générale. Donc appelez-nous et dites-nous. Et dans quelques instants, on va vous offrir aussi vos maillots de foot, comme tous les soirs. Lucas qui envoie un message qui dit: oh putain, je vais le tuer. Lol, le mec du canular. Alexane aussi: salut, je vous écoute, je suis mort de rire. L'autre, il est en train d'insulter son frère et pète un câble avec son accent pourri. Il y a le Doumou aussi qui dit: violent le canular, le mec il va faire une crise cardiaque. Il y a qu'à qu'on veut qui dit: pété de rire, oh putain, trop bon le canular, je suis mort. Samir aussi: mort de rire. Michel des planchettes, Mister Steven, grave, il devient fou, c'est trop kiffant. Et puis Ness qui dit: pété de rire, trop bien le canular. Et Romain aussi: la violence du gars. Ouais, il était chaud quand même, hein. Ouais, non, il était même plus que chaud, j'ai envie de dire. Bon allez, restez sur Fun Radio, on est au cœur d'une heure sans pub, on est tranquille. Costa Rica-Grèce, 0-0 pour ceux qui n'ont pas l'occasion de suivre à la télé. Bah, je vous donne les résultats, c'est la 8ème minute de jeu. Et en parlant foot, bah, je vous offre vos maillots de l'équipe de votre choix. Juste après Sander Van Doorn maintenant, Gold Skies. Sander Van Doorn à l'instant avec Martin Garrix, c'était Gold Sky sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, vous restez là puisque je vous cale dans un instant le son de Gillo. Avec Pitbull évidemment. Bully, bully, bully, bully. Et puis je vous calerai aussi Saya, on l'avait demandé tout à l'heure là. Avec le chandelier. Chandelier. Voilà, et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah venez demander, hein, y a pas de problème, il est 22h15, là on est tranquille. On va vous poser la question dans quelques minutes pour le foot, là vous allez pouvoir repartir avec le maillot de foot de votre choix, que maillot de foot d'une des équipes nationales qui a participé au mondial, bien entendu. Hein, donc faudra pas choisir une équipe qui n'a pas été au mondial. Si vous voulez l'équipe du Luxembourg, bah vous allez l'acheter quoi. Voilà, j'en ai pas. Oh, c'est dommage ça. C'est une des équipes qui a participé au mondial. Point final, ce qui est déjà pas mal. Non, c'est vrai. Ouais, donc si vous voulez l'équipe de France, si vous voulez Costa Rica ou Grèce, hein, ils jouent ce soir là maintenant, ils jouent en ce moment d'ailleurs. Hein, 0-0, c'est la 13ème minute. Si vous voulez Portugal, Italie, l'Espagne, Pays-Bas, etc., tout est possible. États-Unis aussi, ça marche bien sûr. Brésil, bref. Tous les pays qui ont participé à la Coupe du Monde ou qui participent encore à la Coupe du Monde, je vous l'offre dans 5 minutes. Restez bien là. Bon, alors je vous avais demandé aussi votre avis là, par rapport aux excuses bidonnes que vous avez pu inventer pour ne pas aller chez le dentiste, pour ne pas aller au travail, à l'école, etc. Puisque dans le Gard, il y a un doux qui a inventé son propre enlèvement pour ne pas aller chez le dentiste. C'est et il y a un message qui dit... Ouais, c'est un ouf ce doux. Bah oui, le doux qui a simulé un enlèvement, je le connais, c'est un de mes potes. Ce qu'il faut pas faire pour... attends, c'est quoi? Ce qu'il faut pas faire pour pas aller au dentiste. Il s'est fait déchirer, quelle merde. Alors on dit pas au dentiste, on dit au pute ou chez le dentiste et au pute. C'est ça. Voilà, c'est pour te comme ça c'est un moyen mémotechnique. Mémotechnique, voilà, donc c'est au pute et chez le dentiste. Donc retiens-le. Nicolas qui dit: ça fait 4 mois que je vous écoute, j'ai toujours pas demandé mon message de bienvenue. Honte à moi, est-ce que je peux en avoir un? Mais bien sûr. T'as envie de te faire enculer? Hein? Bah viens, mais que... putain, laisse-moi enculer, allez, merde. Bah voilà, c'est ça, en toute simplicité. On fera d'autres appels malveillants dans un quart d'heure. Et puis on va prendre Anthony avec nous maintenant dans la Loire. Salut Anthony. Salut Mika, salut tout le monde. Ça va bien? Oh, depuis mercredi, ça peut aller un petit peu mieux. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein, si ça va mieux. En même temps, c'est bientôt le mois de juillet. Tu pars en vacances ou pas? T'as prévu quelque chose? Non, pas du tout, j'étais censé bosser normalement. Et tu sais, vu que je me suis fait mal mercredi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que on t'avait eu mercredi, là. Tu t'étais quoi? Qu'est-ce que t'avais eu encore comme truc? Luxation de la rotule. Oui, exactement, ouais, je me souviens. Bon, bah oui, effectivement, depuis mercredi, ça peut pas aller beaucoup, beaucoup mieux, effectivement. Bon, non. C'est pas grave, on parlait pas de vacances à la base, hein, on parlait simplement d'excuses bidonnes pour pas aller en cours, pour pas aller à un rendez-vous, pour pas aller au bahut, etc., etc. Donc, quelle est ta meilleure excuse, toi? Pour pas aller au boulot, que la voiture, l'embrayage avait explosé. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, si le coup du pneu crevé, ça marche bien aussi. Ah ouais. Ouais, tu ouais. Te passes les mains sur la roue et hop, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Toi, il aime bien utiliser les bouchons. Oui. Alors, il est tout le temps dans les bouchons. Tout le temps. Où il est là? Tof, t'es où? Ça fait 10 minutes que je suis là. Mais je suis là. Mais non, t'es pas là, Michi. Voilà, donc du coup, tu raccroches, tu dis bon, bah il arrive. Et puis une demi-heure après, il y a toujours rien. Tu rappelles, ouais, mais je galère à trouver de la place. C'est ça. Et après, il dit, mais je suis sur place, je suis là. Et puis, tu dis, mais t'es pas là, donc t'attends. Et puis, il regarde un gars, mais j'étais là. Bah voilà, c'est ça. Il est derrière, genre. Je t'ai pas vu, je suis parti. Du coup on l'a jamais vu, voilà. Tof, bon. C'est le roi de l'enfume. Et donc du coup toi c'est le pneu crevé alors, c'est ça Anthony? Non, l'embrayage explosé. L'embrayage, ouais, c'est Tof qui avait parlé de pneu crevé. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais sorti moi comme excuse de merde? J'en ai sorti, hein. Mais, ah bah oui, j'en ai tellement sorti que j'ai un trou de mémoire, dis donc. Ah bah c'est dommage ça. T'as déjà sorti quoi toi, Tof? Bah il y a le pneu crevé, les embouteillages. Enfin vous venez d'en faire un bon paquet là déjà. Ouais. Donc ouais, le pneu crevé, les embouteillages. Non si mon réveil a pas sonné, ça marche. Le réveil, ouais, c'est vrai. Moi il y en a une que j'aimais pas à l'école, c'est les mecs qui disaient que leur grand-mère était morte. Ouais. Et ça revenait souvent. Je connaissais un mec, je crois au bout de la 3-4ème fois le prof il lui a dit quand même, ça fait quand même, votre grand-mère elle est morte de 5-4 fois. Elle peut mourir deux fois parce qu'on a deux grand-mères normalement, mais au-delà ça commence à faire bizarre. Et ça je trouvais ça malsain parce que ça se fait pas. Moi j'avais des potes, c'était les animaux de compagnie, ouais mon chien est mort, vous comprenez, ça m'a touché. Et genre la semaine d'après, mon chien est mort. Encore? Oui mais j'en avais deux, voilà, après, c'est les chats, et la tortue. Coup sur coup, vous comprenez, ça me fait un gros coup au moral. C'est ça, la grenouille est décédée, enfin bref, une histoire. Il y a Youssef aussi avec nous, salut Youssef. Ouh putain de Corse, attention les mecs. Oh putain. Je suis pas là. Oh Youssef. Youssef. Allô? Oh Youssef, ça va? Ah ouais, ça va nickel. Ça va, c'est bon, ouais. Tof est tué, on est tranquille. Bon, t'appelles d'où en Corse toi Youssef? Moi j'appelle de Corse. Oui, ça j'ai compris, mais où en Corse? Non, coupe la radio Youssef. En Balagne. Ah voilà. C'est vers l'île Rousse. Quoi? Non, je dis coupe la radio Youssef derrière toi, sinon tu vas répondre avec du retard à chaque fois. Ouais d'accord, mais je vous entends mal, je sais pas ce qui se passe, mais je vous entends un peu double. Oh, on a fait c'est normal, t'as la radio qui va à fond de balle, donc c'est normal qu'ils nous entendent double. C'est logique, ouais. Quand t'auras coupé ta radio, tu vas nous entendre bien, en normal. Non, c'est dans le téléphone. Hein. Ah, c'est dans le téléphone que t'en doubles? Bah alors mets pas la radio parce que ça va être triple du coup. Bon, t'appelles de Corse, donc tout près de l'île Rousse, c'est ça? Non, Lumio. Lumio, d'accord, ok, ouais. Très bien. Bon bah écoute, parfait. Youssef, c'est quoi ton excuse, la meilleure excuse que t'es sorti pour pas aller à un rendez-vous, pas aller au bahut, pas aller quelque part? Les nationalistes ont fait sauter ma maison. Ouais. C'est une idée. C'était cet été, j'avais une copine et donc en fait la veille je lui avais promis de. Parce qu'elle a pas vraiment beaucoup d'amis, j'avais promis d'aller avec elle faire les magasins. Ouais. Et après, le matin, je m'étais réveillée et le premier train pour aller à Île Rousse, il est à 9h20 et moi, je préfère dormir, comme tout le monde. Bah oui, normal, évidemment, ouais. Ouais, donc après, je l'ai inventé par message qu'en fait, la veille, quand je suis rentrée, je me suis tordu la cheville, là, je me suis cassé la jambe. Et donc après, elle me dit, ah, c'est grave, sinon après, je pourrais venir te voir, tout ça. Je fais non. Oh, la meuf, elle veut venir et tout, prendre soin de toi. La peau. Mais oui, la peau. Et je parie que le soir même tu mets une photo de toi en train de faire du foot ou un truc comme ça, non? Non, bah attends, si. Et donc après, vu que j'habite à 10 mètres de l'arrêt du train, bah, je l'ai vu prendre le train pour partir à Île Rousse. Donc après, je me dis bon ça va, j'espère qu'elle va rester toute la journée. L'après-midi, je suis partie à la plage. Et j'avais vu plein d'autres potes que j'étais venue du collège, parce que après je les vois pas parce qu'on est loin. Et donc après je suis partie à la plage avec eux. Et après je la vois à la plage et moi j'étais dans l'eau. Donc après moi j'ai commencé à plonger sous l'eau, à sortir, à m'éloigner de la plage et c'est sorti. Et donc après c'était vers 18h, je suis partie rentrer chez moi, me doucher. Et elle est venue toquer à la porte. Et moi à ce moment-là, j'étais en train de regarder la télé et c'est ma mère qui est ouverte. Et ma mère elle me fait Youssef, il y a Juliette. Moi je fais oh putain. Ah ouais, là c'est la merde, parce que tu n'avais pas prévu ta mère, et évidemment. Et après elle lui dit comment votre fils il va mieux? Bah mieux de quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'y a rien. Et elle après elle fait alors ça va, elle fait de quoi tu parles? Elle fait bah oui, il m'avait dit que c'était cassé la jambe, tout ça. Il fait non. Et donc après moi je suis partie derrière le canapé, rentrée dans ma chambre. L'autre il va se planquer derrière le canapé. Oh le bouffon. Hein? Non vas-y continue. Et donc après je me suis planquée dans le placard, j'ai bien fermé, ma mère elle m'a payé, mais il était là il y a 5 secondes, je sais pas si où. Ah bah il était à l'hôpital certainement pour son plâtre. Hein? Non rien, c'est une vanne Youssef, à chaque fois il fait un. Bon et donc comment tu t'es sorti de ce problème alors? En fait je suis pas vraiment sorti, c'est que après une semaine plus tard j'ai dit ah ben, en fait on m'a enlevé le machin, c'était pas vraiment très très grave. Et donc elle me revoit et après elle a dit t'es sûr que tu m'avais pas raconté un mytho toi? Je suis non. Non je suis pas comme ça, je raconte pas des mythos moi. Non, bah hein? Non, il est pas comme ça. Tu racontes, non, non, tu racontes pas des mythos, toi, non? Ça, c'est un mytho. Bah oui, bien sûr, toi, t'es quelqu'un d'honnête. Bah oui, très honnête. Bah évidemment, ça transpire l'honnêteté chez Youssef, évidemment, tiens. Ah, il y a un message qui est arrivé de Mr. Steven. Moi, je dis souvent que je suis malade, ou sinon que j'ai un autre rendez-vous de prévu. Pourquoi pas, ouais. Il y a Pierre qui dit, moi, le somnifère ou le laxatif, ça, ça fait chier après. Oui, t'as remarqué aussi, toi, ça fait chier le laxatif, c'est normal. Et alors, bizarre, ça. Bah oui, mais c'est ça. Continuez à envoyer vos messages, là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme excuse bidonne pour pas aller en cours, pas aller à un rendez-vous quelconque ou même pas aller au boulot, par exemple? Bah, Youssef et Anthony, merci d'avoir appelé. Mika. Ouais. Une petite dédicace. Bah, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Oui. Bah, ma meilleure amie qui est au Portugal, là, pour un moment difficile, c'est. Et voilà. Ah, bah merde, alors, d'accord, ok, très bien. Bon, on l'embrasse. Et un petit son, si c'est possible. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je t'avais demandé la semaine dernière, tu n'avais pas mis Fédé de Grand, le remix de Coldplay sur Paradise. Ah ouais, exactement. Alors, remixé en 95, c'est ça? Fédé le Grand. Attends. Oui, je me souviens que tu m'as dit ça, c'est vrai que j'avais zappé. Le titre, c'est quoi, tu m'as dit encore? J'oublie. Paradise, c'est le remix qu'il a fait. Exactement, mais il me semblait que je l'avais pas. Ah. Attends. Je vais vérifier parce que là, comme ça, attends, je retape Paradise directement, ce sera plus simple. Je, si mes souvenirs sont bons, je ne l'avais pas et à mon avis, bah, je l'ai toujours pas. Et effectivement. Et t'as écouté ce que je t'avais envoyé? Effectivement. Lequel? Parce que j'ai eu beaucoup de retard dans les messages, dans les sons que vous m'avez envoyé. Le lien YouTube là que je t'avais dit, le DJ d'une boîte vers chez moi avec Antoine Clamaran. Non, pas encore. Okay. Je me souviens, mais je vais le faire là, je vais le faire cette semaine. Mais ouais, j'ai non, Paradise, je l'ai pas malheureusement là. Il faudrait qu'on le prenne. Je vais essayer de le demander à la prog pour qu'on le passe cette semaine. Ouais, sinon un petit Linkin Park au hasard. Alors, écoute, ça aurait été avec grand plaisir malheureusement, mais bon c'est pas très son dance floor. Mais écoute, ouais, je le mettrai dans la voiture à minuit en pensant à toi. Ouais, pas de soucis. Ça roule. Allez, salut à toi Anthony, bye à toi, merci Youssef d'être passé, on embrasse tout le monde en Corse. Allô? Oui, allô? Allô Mickaël? Ouais, ouais. Allô, Youssef. Là j'ai des numéros c'est pour toi. Mais là, vu que là, j'ai un problème d'internet, je peux pas vous les passer par internet, je peux vous les passer par téléphone. Ouais, bah attends, je vais te passer Sandro, va les noter. Ouais, donne-le à l'antenne, là, ça va être bien. Non, il est con, lui. D'accord. Non, je vais te passer Sandro et tu vas les lui donner, d'accord? Et il a encore sa radio allumée, Youssef. Bon, ça roule. Merci beaucoup, Youssef. Tu restes au standard. Georges, dans un instant, qui voulait des conseils drague. T'es là, Georges? Oui. Bon, oui. On a une meuf, là, qu'on va prendre dans quelques minutes pour toi, qui est là. Ok, merci. Bon, écoute, je t'en prie, bah reste avec nous, du coup, Georges. On va se faire les appels malveillants, tranquille aussi, hein. Ah bah oui, ça fait longtemps, oui, là. Bah tiens, bah ça fait une heure. Hein. Oui, c'est ça. On va se les refaire dans quelques minutes, bah oui. Et appel malveillant, si mes souvenirs sont bons, ce sera à base de croisière. Oui, échangiste. Ah, bien sûr, évidemment. Bon, alors on fait ça dans un instant, vous restez là. Et puis j'ai la question pour repartir avec vos maillots de foot offerts par Pro Direct Soccer. Oui, j'allais dire passagedudésir.fr, mais ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Pro Direct Soccer qui vous offre depuis 2 semaines, et on fait encore ça, bah, encore pendant 2 semaines, les maillots de foot au choix, maillot de foot, ballon ou chaussures de foot, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, comment s'appelait la mascotte de l'équipe de France en 1998? Astérix, Footix, Idéfix, Obélix. Toffix. Ça c'est pas donné. Bah vous envoyez M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et là aussi on tire au sort avant minuit, donc je répète, comment s'appelait la mascotte de l'équipe de France en 98? Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Si vous avez la bonne réponse, eh bien le maillot de foot de l'équipe de votre choix sera peut-être pour vous avant minuit. Allez, bonne chance tout le monde, M-I-K-L est la réponse au 64-900. Il y a un message de Thomas qui dit, j'ai perdu ma roue de vélo en cours de route, histoire vraie. Laisse ton numéro Thomas ou appelle-nous, tiens, pour qu'on parle avec toi à l'antenne là. Je pense qu'on peut se marrer à mon avis. On s'écoute Gilo, je l'avais promis, c'est parti, Gilo Pitbull, bully bully bully bully maintenant sur Fun Radio. Et le son de Gilo à l'instant, c'était Bully sur Fun. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct et c'est toujours 0-0. pour le match qui a lieu là. C'est Costa Rica face à la Grèce pour les huitièmes de finale. C'est le dernier match des huitièmes de finale. Non, bah non, je suis con. Il y a encore la France, il y a encore la Belgique qui doivent jouer. Donc c'est bon, non, non, c'est pas le dernier. C'est, je dis de la merde. C'est le dernier pour aujourd'hui en tout cas. Ouais, il en reste 8. Ouais, il en reste, ouais. Costa Rica-Grèce, donc ça se joue en ce moment. C'est la 28e minute de jeu là, 29 même. Et c'est toujours 0-0. Et on vous offre également vos maillots de foot, comme je le disais. On vous offre ça ce soir jusqu'à minuit. Il faut répondre à la question facile, hein. Quel était la mascotte donc de l'équipe de France en 98? C'était Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Vous envoyez M.I.K.L. plus la réponse. Vous envoyez ça au 64-900. Comme quelqu'un qui proposait un coq. Non mais c'est pas la mascotte en 98, ça c'est le sigle de l'équipe de France, ouais, tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est l'emblème, voilà, officiel. C'est l'emblème officiel, ouais. Et alors il arrive. Alors là, attendez, parce que là c'est quand même beau. Donc quelle était la mascotte de l'équipe de France en 98? Réponse: Jules. Est-ce que je peux connaître, est-ce que je peux savoir d'où vient Jules? Je n'ai pas compris. Mais je crois que c'était le nom du coq qui prenait dans les tribunes, mais je suis pas sûr. D'accord, bon, bah, c'est pas ça en l'occurrence. Donc si vous avez la bonne réponse, il y a le maillot officiel de l'équipe de votre choix à gagner. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Quel était le nom de la mascotte de l'équipe de France en 98? Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Pas très compliqué dans l'absolu, hein. Y a Ideo également. Oui. Oui. C'est bien aussi. Oui. Comme réponse, hein. Mais essayez de trouver des meilleures réponses. Je pense que ça marche un petit peu mieux. C'est là. Bien de donner des propositions. Comme ça, les gens, ils donnent autre chose, tu vois. Non, c'est bien. Mais là, pour le coup, c'est pas bon. Mauvaise réponse pour l'instant. Bon, on se fait les appels malveillants là maintenant. Avec plaisir. L'heure, là. 22h30. C'est parti. Appel malveillant à base de croisière. Bah oui, parce que t'étais tombé sur un site qui proposait des croisières échangistes. Oui, tout à fait. Pour pas cher. Toujours sur les bons plans. Oui, autour de la Méditerranée, pas bien cher, sympa, tu peux venir à plusieurs. Non, j'avais bien aimé le bah site. Ouais. J'ai proposé à Polo, mais il veut pas y aller cet été. Mais c'est bizarre. Bien sûr que non, espèce de chien. Va. Mais il a déjà prévu un truc là, cet été là. Ah bon? Bah, il est grand maintenant, donc il va pouvoir se permettre de partir faire le tour du monde. Ah, pardon. Bah oui. J'ai cru qu'il allait faire un trekking pour perdre le gras. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, on y va, on appelle grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va et on fait le premier appel maintenant. Et il est 20h32. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vouliez bien m'accompagner pour une croisière échangiste, madame. Oh, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle a raccroché avant même que tu termines ta phrase. Oui, je pense qu'elle n'en avait rien à foutre. Bah, je pense aussi. Bon, on la rappelle quand même. Hein. Faut quand même pas déconner. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme et on a été coupé. Oui, alors répétez-moi ce que vous avez dit là. Ben en fait, je voulais inviter votre femme pour une croisière échangiste. Et ma main sur la gueule, t'en veux? Pourquoi vous voulez mettre votre main sur la gueule, monsieur? Je comprends pas. Oui, bon, arrêtez les conneries, hein. Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est très sérieux. Ouais, bah sérieux, mais le sérieux, si t'as de la gueule, tu viens ici devant chez moi et puis on va s'arranger. Espèce de petit con, on va. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Oh, décidément, on va finir par avoir toute la famille. On rappelle? Bah oui, peut-être. Allez, qu'on aura le fils. Bah, va savoir. On y va. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Bon, tu arrêtes de téléphoner, hein. Parce que là, je te vire sur les flics, moi, maintenant, hein. Mais pourquoi vous voulez me virer sur les flics, monsieur? Je comprends pas. Ta gueule, les connards, et fils de pute. Oh non, monsieur, enfin. Bah si. Ah bah si, il l'a dit, hein. Si. Très méchant, le monsieur, là, c'est dommage. Si vous avez des numéros comme ceux-là, n'hésitez pas, hein. Vous les envoyez sur le mail de Tof, de gens aussi sympathiques que celui-là, qu'on pourrait éventuellement appeler. toph@funradio.fr. Rassurez-vous, ça restera anonyme, on ne donnera pas votre nom ni quoi que ce soit. On veut juste le numéro, d'ailleurs. On veut pas de nom, on veut pas de ville, rien savoir. Juste un numéro. Voilà, et que le numéro. Et on appelle direct, nous, il n'y a aucun problème, c'est comme ça que ça marche tout le temps. Je compte sur vous. D'ailleurs, on est là de 20h à minuit, je vous le rappelle, tous les dimanches soirs et aussi toute la semaine prochaine, la semaine d'après, 20h minuit, tous les soirs sur Fun Radio avec plein de cadeaux, comme vous avez pu le remarquer, pour fêter l'arrivée des vacances. C'est quand même plutôt sympathique. Ça, c'est cool ça. Bon, avant de reprendre Georges, où on a trouvé une meuf pour lui, on a Mika qui est avec nous de Pau. Salut Mika. Salut Mickaël. Ça va bien? Salut. Ouais, ça va, merci. Bon, très bien. Tu voulais réagir, toi, par rapport au doux, là, le petit qui, dans le Gard, a inventé son propre enlèvement pour ne pas aller chez le dentiste. Et bon, ouais. Après un mois d'enquête, les flics ont quand même enquêté pendant un mois parce que il s'est fait soi-disant enlever, puis il est rentré chez lui, il a réussi à faire croire qu'il s'était échappé. Donc les flics, évidemment, sont pas restés à rien foutre. Ils ont quand même cherché après le mec, tu vois, s'il existait. Bah, normal, des fois qu'il essaiera d'enlever quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça. Et après un mois, le doux a avoué qu'en fait, il avait tout inventé pour ne pas aller chez le dentiste. Moralité, il a quand même été chez le dentiste. Et après, c'est, non mais le pire c'est qu'après on dit ouais les flics ils ont rien d'autre à faire. Bah ouais mais si on les met sur des trucs. Ah ouais là si on les met dans des cul-de-sac forcément. Bon alors c'est quoi ton excuse toi Mika pour pas aller au bahut, pour pas aller au travail, pour pas aller à un rendez-vous? Ouais bah en fait moi c'est pas moi, c'est mon collègue. Mon collègue donc là il est en train de conduire. Et en fait ce qui s'est passé quand il était gamin, enfin au lycée, il s'est fait exempter de vie en société par un médecin. Il a dit à ses parents qu'il supportait pas la foule et la société. Et du coup, il s'est fait exempter de vie en société. Mais c'est pas mal ça. Avant 3 mois. Avant de passer le bac quoi. Ouais, d'accord. Oh, c'est bon ça. Donc voilà. Bon, maintenant il a eu le bac quand même. Et maintenant, bon, maintenant il n'est pas devenu plus con parce qu'il est rentré à l'armée. Je sais pas si c'est mieux, mais. Bon, si, après ça dépend. Mais oui, si, c'est bien. Et non, il a quel grade à l'armée? Bah là il est caporal, on est tous les deux à l'armée là et on est à l'école des sous-officiers à Bordeaux là. Ah et quelle branche? Donc tous les dimanches on vous écoute là jusqu'à minuit sur la route, là on est sur l'autoroute et tous les cool. Dimanches c'est le même rituel. Et bien t'arrives à pécho ou pas là avec l'uniforme? Non mais ça va, moi j'ai ma femme avec deux gamins, je suis pas trop mal. Ah bon et lui il arrive à pécho ou pas? Il a sa copine, c'est pareil. Ouais alors ça l'empêche pas de pécho. Bah oui, ouais, mais non. Si le militaire était fidèle, ça se saurait. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est parce que vous êtes caporal là, mais quand vous serez mieux gradé là, hop là, ça va y aller hein. Ça change rien. Ça. Vous êtes dans quoi là? Vous êtes des quoi? Des commandos? Vous êtes quoi? Non, bah lui c'est un parachutiste et moi je suis chasseur alpin. Chasseur alpin à Bordeaux. Non mais Bordeaux c'est l'école des sous-officiers. Ah d'accord, ok, très bien. Ah ouais, très bien, bah c'est cool. T'es où à Gap? Ouais. Non moi je suis pas à Gap, je suis à Var, à côté de Grenoble. Et lui il est à Tarbes. D'accord, ok. Ah ouais, putain, bah c'est bien. Bon, bah tant mieux. C'est, bien, c'est facile pour vous voir, du coup. Ouais, pour vous voir, c'est plus sympa, effectivement. Et bah, passez-nous voir à l'occasion, hein, si vous montez à la radio, un de ces quatre. Vous venez. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Et vous venez, vous pourrez taper Toff pour l'entraînement. Avec le FAMAS. Pas de soucis. Bien sûr. Venez avec le FAMAS. Problème. Bien sûr. Je compte sur vous. On servira de cible. Ouais, ça va. Ça roule. Merci à vous. Salut, Mika. Salut à ton pote. Ciao. Allez, garde à vous. Voilà, bon repos. Et rompez. Salut, les gars. Ciao. Ciao. Allez, à bientôt, ciao. Georges est avec nous maintenant, là. Toujours là, Georges? Oui. Bon, on a trouvé une meuf pour toi, Georges, puisque tu nous as appelé pour dire que tu voulais des conseils de drague, puisque t'osais pas draguer, t'étais un peu triste, enfin pas triste, mais timide, on va dire. Triste un peu aussi. Ouais, aussi, ouais, parce que t'arrives pas à draguer. T'as essayé une fois quand t'avais 15 ans, mais tu t'es fait recaler méchamment, là. Ouais. Mais depuis, t'aurais pu t'y remettre un peu, quoi. Bah, t'aurais pu réessayer, faut pas rester sur un échec. J'ai eu du mal. Ouais mais bon, il faut pas rester sur un échec. Ouais. Bon, ça y est, Sandro attaque le 4-4. Hein. Ça y est, c'est fait, les mecs, là. C'est officiel, on y va. Sandro est sur le 4-4. Elle nique sa mère au 4-4. Elle nique sa mère au 4-4. Ouais, tu vas pas prendre ça une tranche, attends. Mais non, mais hey, laisse la tranche et prends le reste. Attends, elle a pris une petite tranche là. Oui. Non, t'auras dû. Tu coupes la petite tranche là, tu prends le gâteau. 22h38, c'est bon, j'ai craqué. Ah oui, c'est ça. Non, mais je me sens pas bien là. Je vais pas en manger. Non, mais prends 2-3 chocobons. Mais aussi. Oui, mais attends, mais c'est comme un médicament le 4/4, là, existe, tu crois. C'est vrai. Mais oui. C'est bon pour la santé. Fait par l'auditeur qui est passé. Oui, par mail. Il y a trop de bananes dedans. Ah, c'est un. Mais moi, je peux pas en manger. Si, tiens, on va t'en envoyer par le téléphone. Si. Ouvre la bouche. Regarde. Hop, on te l'expédie. Voilà. Il est bon ou pas, Georges? Oui. Ah, ben tu vois, c'est bien. Bon, ça a 4/4 au cou, en fait, c'est banane, c'est ça? Banane. Banane, d'accord, banane. Ok. Bon, alors Georges, tu t'es lavé les mains quand tu l'as fait? Oui. Ah, oui. Ça va, alors, nous voilà rassurés. Bon, Georges, on a Cristal qui est avec nous, là. Tu connais Cristal ou pas? Tu l'as déjà entendu passer dans l'émission? Non, bah c'est une meuf, elle est chaude sur tous les mecs, salope, etc. Et du coup, bah forcément, quand elle a entendu qu'il y avait un mec à l'antenne qui était là seul, célibataire, qui ne demandait qu'à rencontrer des filles, ben du coup voilà. Bon, c'est vrai qu'elle a une voix un peu chelou, mais d'après Jean-François, elle est plutôt mignonne et elle fait bien les choses. Si bon, tu vois elle ce que je veux dire. Aussi, la pauvre. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, très bien. T'as pas de problème avec l'âge, toi, tu t'en fous. Bon, elle a pas 65 ans non plus, hein, mais elle a pas ton âge, quoi. Elle a quel âge? Je sais pas. Je crois qu'elle doit avoir une petite trentaine. Hein. En tout cas, elle a quelques cheveux blancs. Ouais, une petite trentaine d'années, mais c'est bien, c'est un peu, tu vois, l'expérience, quoi, Georges. Ouais, de 19 ans, vous en avez pas. Non, attends, fais déjà connaissance avec Cristal, parce que je peux te dire que ça se bouscule pas au portier non plus. Hein. On a une boîte à femmes, nous, voilà, c'est ça. Ce que tu veux dans la boîte. Donc, ouais. Donc je te passe déjà Cristal, Georges. Hein. Cristal? Oui, allô? Comment ça va? Mais ça va. T'es en forme? Oh oui. Bon, bah je te présente. Je suis chaud. Bah comme d'habitude avec Jean-François, mais oh, bon. Oh oui, il est j'espère, pas là. Non, bah il est pas là. Oh. J'espère que Jean-François va pas entendre, sinon il va être jaloux, il va nous appeler et taper un scandale. Jean-François, celui qui passe tous les soirs et qui se masturbe en direct. Hein. Ah oui, j'ai vu ma vidéo. Oui, ah bah elle est sur YouTube, effectivement, ah, oui. Ouais. J'étais mignonne. Bah oui, donc facebook.com, hein, tapez Mickaël officiel dessus, là, vous verrez la vidéo, je l'ai postée jeudi, de Jean-François avec Vanessa, ah, ouais, avec Cristal, la folie totale, quoi. Bon. Je l'ai vu. Ah ouais, bah, tu l'as vu, très bien. Bon, alors, je te passe Cristal, Georges. Hello, Georges. Oui, Cristal. Oui, c'est moi. Bonjour. Comment tu vas? Le mec très bien, vidéo, et toi? Ne se rend pas compte que Toff est Cristal. Bah, allô, oui, Cristal. Oui, je suis là, mais je suis un peu ému. Tu es quand même très beau. Tu me perturbes. Pourquoi? Je sais pas, je te sens beau gosse. Décris-toi, comment tu es? Grand. Écris ton nom. Mais non, pas tout de suite. Ah bon. Bon alors, tu es grand. Tu mesures combien? 1m70. Combien? 1m70. Ah oui, oui, ça va. Hein? Moi je fais 1m60. Mais je mets des talons. Oh. Ça t'excite les talons? Oui. Je le savais. Et combien tu pèses? 50 kilos. Oh là là, tu es tout maigrichon, j'adore ça. Et tu es comment? Tu es blond, tu es brun? Brun. Et tu as les yeux de quelle couleur? Bleu. Oh là là. Oh, je fonds, je suis déjà... Oh, je mouille. Oh, j'aurais pas dû dire ça, pardon. Alors, je vais te donner un conseil, Georges. Oui. Faut être un peu entreprenant parce que là, tu fous rien à pas répondre aux questions. Tu poses même pas de questions sur la meuf. Oh, tu t'intéresses pas à elle. Tu lui demandes rien. Oui. Tu fais que répondre aux questions. Faut être un peu entreprenant. Montre que c'est toi l'homme. Voilà, discute un peu là. Entreprends quelque chose. Entreprends-moi. Okay. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Voilà. Je suis secrétaire. Oh, c'est un bon projet ça. C'est un bon travail. C'est un projet, ouais. Ouais, c'est un bon projet, ouais. Oui. Non, c'est un bon travail, excusez-moi. Oh, oui, c'est un bon travail. Et sinon, tu fais quoi d'autre? Ben, moi, j'aime beaucoup faire l'amour. C'est ma plus grande passion. Tu sors en boîte de nuit ou pas? Ah oui, j'adore sortir. J'adore danser sur le dance floor toute la nuit. Moi, je fais de la salsa. Oh là là. Oh. Et tu pourras m'apprendre? Oui. Oh, ce serait bien. Comme ça, on fera du corps à corps, on pourra se frotter. Ouais, si tu veux. Je sentirai ton sexe turgescent se frotter contre mes petites fesses. Mmh. Entreprends, Georges. Ouais, oui, Pars où en vacances? Ben là, je sais pas encore. Tu veux venir avec moi? Oui. On pourra aller au Cap d'Agde. Oh, ça m'intéresse. Ah oui, ça t'intéresse? Ouais. Tu as déjà fait du nudisme? Oui. Ça te dirait qu'on se promène tout nu sur la plage, qu'on court dans l'eau et que tu me fasses l'amour comme une bête? Hein? Oui. Georges! Oui, je te réponds. Oui, mais excite-toi un peu! Là, moi, je mouille, je frétille, et toi, y'a rien! T'as envie de te faire enculer? Je te sens même pas un peu intéressé. Non, je suis vexé, là. Ça t'intéresserait de me rencontrer? Oh oui. Oh oui, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, on irait chez toi? Oui. Hein? C'est comment, chez toi? C'est grand. Oh là là là là là là là là, Georges, putain, t'es pas entreprenant, hein. Oh, t'es chiant, mec. Oh là là. Non, je reparle. Mais oui, mais il faut que t'entreprennes, là, putain, tu racontes ta life, là. La meuf, elle, franchement, la meuf, ça m'étonne. Bon, c'est bon, Cristal, c'est une grosse chaulasse, mais je veux dire, sinon, une meuf normale aurait déjà raccroché depuis 1000 ans. Non, c'est parce que j'ai vu qu'elle avait pas trop mon âge, en fait. Oui. Bah oui, alors, c'est pas grave, c'est un test. Oui, mais j'ai une grosse chatte. Oui, bah super, merci Cristal. Bon, Cristal. Bon, Georges. Oui, nickel. Bon, allez, dernière chance, hein. Fonce, mec, fonce. Ok. Oublie tant qu'une chance, fonce. Bon. Ok. Si on était chez toi, tu me ferais quoi? L'amour. Ah bah quand même. Bon. Je te déshabillerais carrément. Oh, oui. Et je me branlerai sur toi. Mais non, pourquoi tu veux te branler sur moi? Non, Tu veux pas que je te prenne ta grosse bite dans ma bouche? Que je te fasse jouir sur mon visage? Si. Ah bah quand même. Je te désabrierai carrément. Oui, c'est un mot qui est difficile à comprendre. Je te baise. Désabrier. Mickaël? Oui. T'as une idée comment j'ai bien parlé ou pas ou ça? Oui, c'était parfait. C'était parfait. Mais attends, deux secondes. Ce qu'on va faire, Georges, c'est qu'on va demander, à Anthony, notre spécialiste. Ah oui. Anthony, notre spécialiste à Charleroi, s'il a des conseils drague, parce que lui est comme un pro dans la drague. Donc on va l'appeler Anthony de Charleroi pour voir si on a des nouvelles. Une jeune fille aussi. Oui, oui, on va appeler Anthony. T'inquiète pas, on va appeler Anthony. T'es fou quoi là? Non, non, mais on va appeler Anthony. Pas de problème, Georges. Bouge pas. Non. Oui. Oui, non, mais une jeune fille aussi, vous pouvez. Oui, on va appeler Anthony, pas de problème, t'inquiète. Okay. Il n'y a aucun souci, bouge pas de là, Georges. Et on aura également Thomas dans un instant pour parler des excuses bidon, là, bougez pas de là, on va se mettre le son de. Umetoscan. Ce sera Raise Your Hand sur Fun Radio. On termine cette heure sans pub et on en remet une juste après. Dans quelques secondes, je vous rebalance une heure sans pub sur Fun Radio. Si vous débarquez sur Fun Radio pour la première fois, c'est Mickaël No Limite. On est en direct comme tous les soirs, 20h minuit, pépère. Eh ben, appelez-nous, vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et en Belgique, 02 851 4x0. D'ailleurs, il y a un message qui dit tous les soirs, on t'écoute en direct de notre resto au Cap d'Agde. Et ce soir, c'est grosse soirée au camp des natus. Oh, bah très bien. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et il est 22h50 sur Fun Radio. Attention, tout à l'heure aussi, dans une grosse demi-heure, on va se faire le match d'impro. Si vous voulez jouer avec nous, il y a des casques à gagner, hein, des casques qui déchirent tout, qui valent 100€. On vous offrira ça avec la maison du GSM.com. Donc si vous voulez repartir avec les casques qui déchirent, eh ben on va jouer ensemble. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000, appel non surtaxé. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique, pareil, appel non surtaxé également. Vous appelez Sandro maintenant et on joue ensemble. On cherche un garçon et une fille pour faire le match d'impro. On va vous donner un thème, vous allez devoir improviser autour de ce thème. Et puis voilà, si vous êtes le meilleur, les auditeurs votent pour vous. Et si vous êtes gagnant, bah vous repartez avec le casque. Voilà, ce qui vaut 100€, donc je vous souhaite bonne chance. Pour Georges, viens au Cap, mon associé et moi, on va te montrer comment niquer tous les soirs. Très bien, on garde l'idée. Ça va le mettre bien. Et cela dit, si vous êtes une fille et que vous avez des conseils drague à donner à Georges, qui en a bien besoin, eh bien n'hésitez pas à nous appeler également 01 42 48 5000 les filles ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Léandro qui dit salut, excuse pour ne pas aller en cours, que j'étais malade et que j'avais mal dormi. Ma mère était complice, par contre le jour même je me suis coupé un bout de doigt. Ah merde. Ouais, ça c'est quand on ment, tu vois. Marie aussi, je peux avoir un message de bienvenue, ça fait un mois que je vous écoute. C'est quand qu'on peut redevenir doux officiel, j'ai 12 ans. Bah quand tu veux Marie, quand il n'y a pas de problème, si t'as moins de 15 ans, il n'y a aucun problème, tu nous appelles. Et Vanessa qui dit, je suis trop content, je vais voir Avicii en concert au Royaume-Uni. Ah c'est cool ça Vanessa. Il y en a qui ont de la chance. Ah ouais. Si tu cherchais bien pour t'accompagner, je suis disponible. Non mais je pense qu'elle a déjà quelqu'un, t'inquiète pas. Bah. Merde. Et Thomas qui dit, 8 mois que je vous écoute et toujours pas de message de bienvenue. Bah c'est pas normal ça Thomas, dis donc. T'as envie de te faire enculer ? Hein ? Hein ? Mais putain, laisse-moi enculer, allez, merde ! Bah voilà, suffisait de demander, tu vois, c'était pas très compliqué. Thomas avec nous maintenant, salut Thomas ! Salut Mickaël ! T'es en forme ? Oui, bien. Est-ce que t'es fan de foot, toi, Thomas ? Ouais, un peu, je regarde le match de France, là. Le match de quoi ? Je regarde que la France qui joue. Ah d'accord, ok, je croyais que tu regardais l'équipe de France jouer maintenant. Je me dis, tiens, c'est pas ça, monsieur. Bon. Non, pour l'instant, c'est Costa Rica-Grèce et il y a 0-0, c'est la mi-temps. Et j'en profite pour vous reposer la question pour repartir avec votre maillot de football ce soir de l'équipe de votre choix. Quel était le nom de la mascotte de l'équipe de France en 98, l'année où la France a été championne du monde ? Est-ce qu'il s'agissait d'Astérix, de Footix, d'Idéfix ou d'Obélix ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 et il y a quand même quelqu'un qui proposait la mascotte, c'était Jacouille. Mais oui, mais évidemment. Écoute, c'est bien essayé, hein, mais c'est pas la bonne réponse. Voilà, donc si jamais tu veux réessayer, tu n'hésites pas surtout, hein, y a pas de problème. Mais c'était pas Jacouille la bonne réponse, malheureusement. Donc voilà, donc quel était le nom de la mascotte ? Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix ? Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et évidemment, je te souhaite bonne chance. Bon, alors Thomas, toi, c'est quoi l'excuse, la meilleure excuse qui déchire tout pour pas aller bosser, pour pas aller en cours, etc., etc. Bah j'étais en retard au collège d'une heure et demie. Ah oui c'est pas mal quand même une heure ouais, et demie. Ouais, une heure et demie c'est un beau score hein. Oui, et j'étais en vélo, mais c'est une histoire vraie et j'avais perdu ma roue sur en chemin. pour aller au collège, j'ai perdu ma route. Ah, c'est toi, génial, tu nous avais laissé un message. Ouais, au top, oui. au top. Alors, mais comment ça se passe? Alors, comment on peut perdre la route de son vélo? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de changer une roue parce qu'elle était crevée et j'avais mal vissé ma roue. Et en route, elle s'est barrée comme ça. Ah oh, putain, c'est bon ça. C'est énorme ça. Mais t'as dû te faire hyper mal, tu t'es cassé la gueule et tout, non? Bah ouais, mon vélo il est parti en arrière et moi je suis tombé sur le côté du chemin. Et quoi, tu t'es arraché tout le bras, toute la jambe? Non, je roulais pas vite, c'était une montée et du coup voilà. Ah ça va, encore heureux. Oui. T'imagines, mais en vélo, moi je me suis déjà vautré, mais combien de fois? J'ai encore une belle cicatrice au genou d'ailleurs, au moment où je me suis vautré en vélo. J'ai volé par-dessus le guidon comme un con, j'avais freiné par l'avant. Bah oui, normal. J'ai fait un vol plané, mais d'une violence, c'était assez exceptionnel. Ah, mais ça m'est arrivé aussi, moi je suis. En fait, tu sais, c'est le télévélo, il fallait pédaler avec les. Enfin, il fallait pédaler en arrière pour freiner. Ah oui, avec le frein qui était sur l'arrière, ouais. Et en fait, bah, je le savais pas, donc du coup, moi j'ai freiné sur l'avant et je me suis éclaté, mais comme une merde. Ça, c'est quand on fait le con, ça. Moi, je me suis éclaté aussi parce que j'avais une pince à linge qui restait coincée dans ma roue. Tu sais, on mettait des pinces à linge avec des cartes pour que ça fasse l'opposé d'une moto, là. Non, oui, pour que ça fasse... Tu sais, quand t'avances, le truc insupportable, mais tu sais pas pourquoi tu fais ça, parce qu'au final, c'est chiant, ça fait chier tout le monde. Et j'ai une pince à linge, mais tu sais, c'était des pinces à linge en bois de ma mère, que j'avais piqué. Et il y en a une qui était restée coincée dans une... comment on appelle ça Dans le rayon. Un rayon. Dans un rayon, ouais, de la roue, et je me suis vautré. Enfin, bon, voilà, quoi. Oh, c'est bon, ça. Pathétique, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme et ça. Pas digne de pitié. Exactement, ouais. Et donc du coup, toi Thomas, seule chute? Bah en vélo, non, il m'en est arrivé pas quand j'étais petit, mais celle-là c'était la plus belle. Voilà. Bon bah écoute, c'est déjà ça. Bah merci d'avoir appelé en tout cas. D'accord, merci à vous. Dis-moi, t'es bon en drague ou pas toi pour donner des conseils à Georges? Non, pas trop. Pas trop, non, bah alors on va pas te demander alors, y'a pas de soucis. Bon bah c'est pas grave, bah merci d'avoir appelé quand même Thomas. D'accord. Faire une dédicace? Bien sûr, vas-y, à une personne, choisis la bonne. D'accord, à tous les troisièmes matchs du collège Val-de-Val. Ok, et eh ben le message est passé, sans problème. Voilà. Salut, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Et on est toujours au cœur d'une heure sans pub, hein, ça c'est la bonne nouvelle. On aura Essia dans quelques minutes avec nous en direct sur Fun Radio. Et puis on aura Pascal qui est avec nous de Montélimar. Salut Pascal. Ouais, bonsoir Mickaël. Ouais, comment ça va Pascal? Ouais, ça va, impeccable. T'es en forme? Pardon? Je dis t'es en forme? Ouais, je suis en forme, je suis comme toi. Hein. Bah écoute, tant mieux, alors on est tous en forme, donc tant mieux. Alors, dis-moi Pascal, tu nous appelles pourquoi toi? Ah bah moi j'appelle parce que je vais faire en fait une demande de mariage devant plein de téléspectateurs sur Fun Radio. Ouais. De téléspectateurs? Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup de téléspectateurs. Ouais. On a beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs, tu veux dire? Ouais, d'auditeurs, oui. Bah attends, mais tu veux faire une demande en mariage, ok, mais ça fait longtemps que tu connais madame? Ah oui, ça fait 20 ans. Ah oui, ah, bah, il est jamais trop tard. Quoi. Bah mieux vaut tard que jamais, hein, mec. Hein. Bah, absolument, oui. Bah il fallait y aller à un moment, non? Bah ouais, mais j'ai attendu le moment, voilà quoi. Oui, bah il y a un moment, oui, c'est sûr, hein, faut démarrer. Hein. Ok, d'accord, très bien. Bah alors, comme toi, t'as l'air d'être quelqu'un de qui s'y connaît quand même là. Est-ce que t'as pas des conseils à donner à Georges là pour la drague? Je sais pas si tu l'as écouté draguer. Voilà, tu te dragues, ne se ressemble pas, mais enfin bon, voilà quoi. J'ai rien compris. Toutes les dragues ne se ressemblent pas. Bah, oui, c'est-à-dire bien que, sûr. Voilà, quoi, je veux dire, qui va cool, et puis voilà, quoi. Qui a dit oui. Georges, est-ce que ce conseil t'aide? Est-ce que Georges comprend ce qu'on lui dit, déjà? Oui. Georges? Oui, c'est moi. Et là? Oui. Bon, attends, on va faire la demande en mariage avec Pascal juste après. On a d'abord Anthony qui est avec nous, de Charleroi. Coupe la radio, Anthony! Oui. Là, tu passes quasiment tous les soirs, et tous les soirs, tu laisses ta radio allumée. C'est dingue. Oui. Hein? Non, il y a le mini-haut-parleur pour écouter. Ah, pourquoi? T'entends mal dans le téléphone? Non. D'accord, bah c'est bien. Oui. Bon, Anthony, t'étais à l'écoute de la radio là ou pas? Oui. Bon, t'as pensé quoi du match des Pays-Bas tout à l'heure? Parce que c'est aussi notre, pas consultant. Notre commentateur, mais notre consultant qui nous donne son avis sur tous les matchs. C'était Pays-Bas face au Mexique tout à l'heure. Le Mexique qui a mené à la 47e minute, jusqu'aux dernières minutes il a mené, puis il s'est pris 2-1 dans la gueule. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Anthony? Bah c'était un beau match et c'était avec les Pays-Bas, c'est vraiment incroyable quoi, tout le risque que les Pays-Bas avaient gagné, franchement on n'a pas cru. Qui aurait cru? Ah bah si, on le savait. Pas eux si, en si, tout cas. Bah ouais c'est ça, et toi tu croyais toi? Bah quand c'était 1-0, je fais, qui vous dit que les Pays-Bas va pas égaliser? Comme par hasard, après quand j'ai dit ça, ils ont égalisé puis ils ont gagné, donc... Bah c'est ça, comme par hasard. Bah ouais, c'est ce qu'on j'avais parié dessus en plus. Non. aussi. Non. Mais j'ai perdu en plus. Ah, t'as perdu? Ah, pas de chance. Bah, comment ça se fait? Mais j'avais parié sur, sur les Pays-Bas. Ouais. Sur la Belgique. Un match en Angle aux USA. Et j'ai le tout premier match qu'il y avait eu, Brésil contre... Croatie. Croatie, j'avais mis une victoire de Brésil, mais ils prennent que... Ils ont fait un nul. Parfait, ouais, ouais, bah t'as bien raison. Mais par rapport à Georges, est-ce que t'as des conseils de drague? Non, pas du tout, parce que je suis nul en drague aussi. Ah mais non, mais on m'a dit que t'étais super bon en drague, ouais, attends, c'est pour ça qu'on t'appelle. Mais pour draguer les mecs, c'est facile, mais des filles, je n'ai pas habitué de moi. Bon, imagine que... Bon, comment tu fais pour draguer un mec? Bah moi, je parle sur un site de rencontre. Ah bah oui, c'est plus facile, ouais. Non, non, pas moi. Pourquoi tu vas pas sur les sites de rencontre, toi? C'est vrai, c'est bien? Non, non, c'est mieux de l'extérieur. Ouais, mais attends, mec, ouais, mais quand on fait pas dans ton cas, ouais. Tu pars de loin, toi. Hein. Tu sais, ouais, c'est mieux de rouler en Ferrari, mais parfois, on prend une deux chevaux, ça roule aussi. Hein. Voilà, et puis la Ferrari, parfois, tu peux la louer. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, non, mais attends, bon, écoute, il est où, Georges, là? Georges? Oui, il est là. Tu vas arrêter ton cinéma, tu vas t'inscrire sur un site. Si tu sais pas faire en live... Ouais. Bah va sur Tinder. Voilà, tu es sur Tinder. Bah oui, mec. Ça peut être bien, non? Tout le monde peut pas être un séducteur comme moi. Bon, tu parles. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, faut te donner toutes tes chances là. Si tu restes bloqué, comment tu veux faire? Ouais, ça c'est vrai. Ah, bah voilà. Tout ça grâce à toi, Anthony. T'as vu, on a réussi à faire toi avancer grâce à ton aide. Ouais, et je peux lui conseiller aussi un site. Ah, quel site? Skyrock.com. Oui, ça c'est la radio, c'est espèce de mongole. Tu veux parler des blogs? On fait parler aussi dessus. Surtout que chez toi tu la reçois pas. Oui, en plus, oui, c'est ça qui est le pire. Ouais. Non, mais c'est très bien, Anthony. Tu vois, à chaque fois que tu parles, c'est pour dire des bêtises. Bah non, bah c'est vrai. Si, non, ton. À chaque fois que tu parles, c'est pour dire des conneries. Ah, c'est quand même. Non, bon, non, mais on a Anthony, compris, Anthony, là. Anthony, tu t'es rendu compte de la bêtise que t'as dite? Ou pas? Non, je crois qu'il se rend compte. C'est pas grave, alors. Non, la vie des tombes. Bah écoute, t'as raison, non mais c'est bien. Donc bon site, on va retenir, hein. D'accord? Ça va, pas problème. Bon bah ouais, très bien. Ouais. Bon bah merci pour ton aide en tout cas, hein. Franchement, là sans toi, on aurait été comme des cons. Ah hein. Bah là, on était perdus. Hein. Vraiment comme des merdes. Bah de rien. Bah écoute, on te rappelle dès qu'on a besoin de toi, on te rappelle, hein, d'accord? Anthony, t'es d'accord? Oui. On te donne ton numéro, on t'appelle s'il y a un auditeur qui veut foirer sa vie, foirer son mariage ou un truc comme ça? Ouais. Okay, d'accord, bah merci. Bon bah c'est super, parfait. Merci Anthony, hein. Michel. Ouais. Je veux voir un message de bienvenue pour ma maman qui vous écoute. De quoi? Je veux voir un message de bienvenue pour ma mère qui vous écoute. Tu veux un message de bienvenue? Oui, pour ma maman. Et ta mère, mais tu sais ce que c'est les messages de bienvenue? Oui, elle le sait. Elle le sait aussi? Bon, bah écoute, alors j'ai envie de dire si elle le sait. Alors attends, je vais t'en prendre un bon, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, Anthony, là? Tu sais, je crois qu'ils sont plusieurs, hein. Alors attends. Ah bah voilà, un qui tira comme un gant. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé, de gay, comme ça t'as pas de ride au pédé que tu es, t'as compris? Voilà Anthony, ça te va ça ou pas? Ouais ça va, merci. Bon bah écoute, tant mieux alors, c'est parfait. T'en veux un autre? Bah tant qu'à faire, oui. Bah oui. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Et quand tu sors maintenant qui me fait plaisir? Un qui te fait plaisir, oui, lequel, dis-moi? Quand Toff crie, on a buté les deux. Ah oui, mais c'est pas un message de bienvenue, ça. Mais oui, je peux te le mettre. Mais ça date, hein. Attends, c'était quand on avait fait un canular, ça. Où est-ce qu'il est, celui-là? Ah, il est là. Ah, allô? Ils ont buté les deux! Ah, ils ont buté les deux! Voilà, Anthony. Merci. Avec plaisir. Quel talent, ce Toff. Salut, Anthony. Hein. Je suis trop bon. Salut, Michel. Allez, ciao à toi, à bientôt. Bon, Georges. Oui, il est toujours là. Oui, bah je me doute. Bon, fonce, oublie que t'as aucune chance et n'hésite pas, mets toutes tes chances de ton côté. Sachant qu'elles sont relativement maigres, mieux vaut partir comme ça. Il parle pas avec cet air de pervers. D'accord, donc inscris-toi sur un petit site, mets pas la photo. Attends, on peut faire juste un truc? Dis-moi. Essaie de changer ta voix. Allô? Ouais, oh, c'est bien là. Ouais, un peu plus mal. Ouais, mais un peu plus grave pour voir. Mets-nous des couilles dans tout ça. Allô? En fait, ce qu'il faudrait... C'est une voix de séducteur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, reparle normalement. On dit salut, je m'appelle Georges. Salut, je m'appelle Georges. Ok, non. Donc ça, c'est mort. Donc essaie de le faire en voix un peu plus George Clooney, tu vois. Voilà. Oublie Daffy Duck. Voilà. Et donc, mets-toi en George Clooney. Pense Waddles. Ouais. Ouais, d'accord. Je m'appelle Georges. Non, fais-le à l'américaine. Pas les Simpsons. Fais-le à l'américaine. George. Ça donne mieux que George, parce que George, ça fait un peu naze. Alors que George, tu vois, George ça fait... Clooney. Non, pas Clooney, t'en parles pas. Il y a un moment, on va voir qu'il y a de l'enfume dans l'histoire. Non, Didi dit... Salut, je m'appelle George. Salut, je m'appelle George. Eh, pas mal, pas mal, pas mal. Tu tiens bien l'accent en plus, c'est pas mal. Répète pour voir. Salut, je m'appelle George. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien, oh là là. Franchement, c'est pas mal. Ah, déjà, ce que tu devrais faire, c'est changer sur ton répondeur. Et mettre salut. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de George. Je suis pas là pour l'instant. Laisse ton message et je te call back juste après. Tu vois, qu'on sente le mec qui pèse, quoi. Ouais. Ouais. Ok, t'essayes? Ok, oui. Bon, essaye de faire le message pour voir, là, pour voir comment ça peut donner. Bonjour, vous êtes sur le messagerie de George. Ouais. Merci, laissez-moi un message et rappelez-moi. C'est pas mal. Ouais, on y est presque. Non, c'est bien, non? C'est pas mal. Bon, les filles, dites-moi, est-ce que vous préférez les versions originales ou les versions qu'on a un peu remodelées, qu'on a un peu retravaillées, là? Dites-nous, vous envoyez M.I.K.L. et votre message au 64-900 ou alors vous nous appelez au standard 01-42-48-5000 pour la France et 02-851-4x0 depuis la Belgique. Bon, bah très bien, message qui vous est énormément de fou, message de bienvenue à Dudu, s'il vous plaît, avec plaisir. Je nique ta mère, mon bâtard que tu es. Hein. Voilà, exactement. Bon, Georges. Oui. Allez, ça va, allez. Si on a une meuf qui se manifeste, on te tient au courant, ok? Je raccroche alors? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est reste bien, toute la nuit décroché. Ah, là, c'est bien, raccroche en direct? Non, non, non. Si, bon. Si, vas-y. Non, bah, si, non. Si, mais on te rappelle s'il y a une fille, on va pas te regarder là pendant son temps au téléphone. Si. Bah, non, après, attends, tu sais bien, Fun, ils sont au bord de la faillite là, donc une minute au téléphone, c'est peut-être dangereux, hein. Oui, nickel. George? Je voulais savoir un truc, est-ce que vous pourrez vous renseigner pour travailler avec votre équipe, ça serait bien. Bien sûr. Malheureusement là on est complet jusqu'en 2028 a priori. Ouais. Non mais pour un job d'été en fait. Bah oui mais l'été on est en vacances. C'est pas grave. Bah tu peux. Oui, à la limite Bah viens travailler tout seul alors. Non, mais, à la limite, si tu veux, Toff me fait signe de la tête, il est d'accord que tu sois son assistant. Mais oui, avec plaisir. Oui, ok. Eh ben écoute, je vais te prendre comme assistant. Bah voilà, très bien. Je suis très curieux de voir la tête que t'as. Et voilà, tu vas assister, d'accord? Ok. Bon bah c'est parfait, écoute, alors je te repasse Toff hors antenne. Ok, bon, merci. Bah, merci pour ton service en tout je cas, salut. Je peux faire une dédicace? Vas-y. À toute la radio, merci, vous êtes génial. Yo, ouais. Très bien, eh ben écoute, y'a pas de problème, y'a pas de soucis, merci beaucoup en tout cas. Salut à toi George. Salut. Salut, ciao à toi George. Bon, on va récupérer notre ami Pascal qui voulait faire sa demande en mariage. On va se faire le match d'impro également dans une petite vingtaine de minutes. Si vous voulez jouer avec nous au match d'impro, bah appelez-nous hein, 01-42-48-5000 et 02-851-4x0 depuis la Belgique. On est au cœur d'une heure sans pub, dans un instant je vous rappelle la question également pour repartir avec vos maillots de foot juste après le son de Oumet Oskan. Maintenant sur Fun Radio, raise your hand sur Fun. Le son d'Oumet Oskan sur Fun Radio, c'était Raise Your Hands. Pourquoi ça ne marche pas? Ah voilà. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Parce que des imbéciles comme ça sur Terre, mais croyez-moi, on devrait tous les éliminer. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est un message qui était adressé à Toff. Mais oui, c'est j'ai l'habitude. Mais oui, complètement. Voilà. Je suis toujours là. On en fera dans 20 minutes là des appels malveillants là. Et appelez-nous également si vous voulez repartir avec vos casques qu'on vous offre ce soir. Ça vaut 100€. On va vous les offrir tout à l'heure dans le magnifique et grand jeu du dimanche soir, le match d'impro. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a un message de Quentin qui dit j'ai mon oral de français demain à 16h. Message de bienvenue pour porter chance. Sandro, t'es excellente. Toff va te faire gros sac. Bise à toute l'équipe, vous gérez. Merci. Voilà. Écoute, oui, avec plaisir. Ouais. Va te faire enculer, mais t'es mort. Allez, bonne chance à toi, Quentin. Jeanne-Françoise aussi. Mickaël, ah, je craque pour Georges. Cette voix tellement sexy. Mais je savais qu'il y en a plein qui craqueraient, là. Lucas aussi. Moi, j'ai crevé les pneus du bus en laissant des clous sur la route. Du coup, on a eu 2 heures de retard. Mais par contre, j'ai dû repayer les pneus. Mais oui, mais quand tu fais ça, sois discret, là. Te fais pas avoir. Oh là là, je te jure. Oh putain. Bon, alors. Il y a la question également là pour repartir avec les maillots de foot offerts par Fun et par merde, j'ai oublié. Prodirect Soccer. Il y a tellement de trucs là, j'ai oublié. Prodirect Soccer et Fun qui vous offrent les maillots de foot de l'équipe de votre choix. Il faut simplement nous dire quel était le nom de la mascotte en 1998 de l'équipe de France. Est-ce que c'était Astérix, Footix, Idéfix, Obélix? Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et il y a quand même quelqu'un qui dit la mascotte était l'oncle Ben. Et message de bienvenue s'il te plaît. Non mais t'es sérieux toi. Bah main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir non? Eh bah complètement là, l'oncle Ben. On proposait Astérix. Oh bah je te le mets le même hein. Alors là écoute Ma main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir non? Ah bah ouais là, Ribéry également. Bah oui c'est une belle mascotte hein. En 98 Ribéry va avoir 2 ans donc c'est très bien. Bon allez, si vous voulez jouer avec nous, y a, bah vous vous inscrivez, il reste 50 minutes au tir au sort à la fin de l'émission pour repartir avec le maillot de foot offert de votre choix. Ballon également officiel bien sûr, ou alors les chaussures, c'est vous qui choisirez. Et pour info, rien que les chaussures valent 250 euros. Ah oui quand même. Ah oui, c'est les chaussures officielles avec lesquelles les joueurs de la Coupe du Monde jouent. Hein. Donc c'est les Puma, les Adidas ou les Nike. Non, donc bonne chance à vous, voilà, comme ça vous savez tout. M-I-K-L est la réponse au 64-900 par SMS. Et je vous souhaite donc bonne chance. On prend Pascal avec nous maintenant. T'es là Pascal? Oui, bon. Bon Pascal, tu voulais faire ta demande en mariage à ta femme enfin à ta femme, à ta copine, puisque c'est pas ta femme, qui avec qui t'es déjà depuis 20 ans, c'est ça? Oui c'est ça ouais. Ah et 1-0 pour le Costa Rica donc face à la Grèce là, 52e minute de jeu, ça vient juste de se passer à l'instant. Une vue sur cette action. Et oui, tout à fait, alors que on peut voir en mode commentateur comme l'adore Polo, la Grèce n'a plus envie, la Grèce ne veut plus jouer ce soir. Ils ne sont pas dans l'air du temps. Ils ne sont pas dedans du tout, c'est catastrophique. Bon là j'avoue que le gardien grec il est... Il voit le ballon passer et il regarde, il dit « Oh, salut ma gueule, ça va ou quoi ?» Et paf, dans les filets. Donc assez bizarre pour ceux qui n'ont pas la télé, c'est vraiment un but particulier. Le gardien est resté là, fixe. Alors que la balle n'allait pas hyper vite, donc je pense qu'il aurait pu la rattraper, mais il était vraiment surpris. Voilà, Costa Rica 1-0 face à la Grèce. On vous tient au jus, bien sûr, le match terminera normalement avant la fin de l'émission. Bon, Pascal, donc tu veux appeler ta meuf, toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as prévu un truc ou pas? Ben ouais, je vais lui dire que, comme quoi que je l'aime et que je vais demander en mariage devant les auditeurs de Fun Radio. Ouais. 2 millions d'auditeurs. Ouais. Ouais, ouais. Si c'est pas 4. Bien sûr, même plus encore. Hein. Ouais. Évidemment. Bon, écoute, on va faire ça alors. Hein. Donc tu vas simplement lui faire... T'as pas préparé un petit poème, petit truc pas Non, c'est... Bon, ça va l'air comme ça, quoi. Voilà, c'est l'improvisation, quoi. Absolument. Bon, et eh ben écoute, on y va. Tu veux que je te mette une petite musique? Ouais, si tu veux, ouais, vas-y. Le grand Pascal arrive. Le grand Pascal va faire sa déclaration d'amour. Le grand Pascal va-t-il réussir ou échouer? Bon, je te souhaite bonne chance, hein. Bah, merci, Michael. Bon, écoute, je t'en prie, avec plaisir. Allez, vas-y, c'est cool. Parti. On y va. Sois bon. On appelle. Ah merde, putain, j'ai oublié de composer le numéro, j'ai simplement mis le doux à l'antenne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça ne sonne pas. Bon, attends, bouge pas. C'est bon, on y va, Pascal, on l'appelle maintenant, là. Quel mongol, alors. Attends, je vais en mettre une, tiens. Ah, voilà, ça, c'est tout ce que je méritais, tiens. Voilà, c'est bon. Bien sûr, vous imaginez bien que... Allô, chérie? On va le laisser. Oui. Oui, tu vas bien, mon cœur? Oui, toi? Oui, ça va. Je t'appelle car je voudrais te faire une demande de mariage devant plein d'auditeurs de Fun Radio, parce qu'on est en direct sur Fun Radio. Ouais. Donc, voilà, donc... Vous nous connaissez, on ne va rien dire, on va le laisser dans la merde. Ma chérie d'amour. Normal. Oui. Il va comme ça, franco de port, lui. Ah, ma chérie. Oui. Quoi? Bah, je t'aime, moi, l'amour. Oh. C'est mignon. Idem. Voilà, c'est le courage, hein, mais faut courage, il faut courage, faire, hein, bien sûr qu'il faut courage, voilà. Surtout de l'argent. Et que la vie ben dure nous dure pour toujours. Non, c'est pas et possible. Pour la vie et pour l'éternité. La vie va durer un temps. Que voilà. La vie dure pour toujours. Attends, on va laisser galérer là. Parce que là ils nous entendent pas évidemment. C'est comment c'est important. On a deux beaux enfants, donc il faut que. La vie se construit. Se construit. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Donc j'ai pris le courage d'appeler Fun Radio et de demander au mariage. Voilà. Que la vie dure toujours. C'est mignon, c'est beau. Mais oui. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Voilà. C'est... Voilà. Voilà, voilà. T'es ma vie, t'es... Voilà, voilà. T'es tout pour moi. T'es tout. C'est une demande de mariage? Ah bah il est bien, tu t'en rends compte? L'autre elle dit oui, elle mais... entend toujours pas, hein, mais... Eh bah c'est oui. De quoi? Ah merde, il y a la radio derrière. C'est oui. Bah ben voilà. Bah je suis content, je suis heureux. Voilà. Ils font un début à tout, ma chérie. Tout à fait. Voilà. Ne sont pas émus, ne sont pas émus, ma chérie. Non mais en fait elle s'en branle là, a priori là quand même. Hein. Et... Ouais, pas du tout. Monsieur un peu là. Comment tu t'as... Stéphanie, c'est ça? Ouais, c'est Steph, ouais. T'as quel âge Stéphanie? Oui, Mika. T'as quel âge Stéphanie? J'ai bientôt 38 ans. Bientôt 38 ans? Ah ouais, donc toi tu vas avec les vieux croutons toi? Ouais. Non, mais... bah, c'est surtout pour le viager. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on vit que du bonheur quoi. Oh, so sweet. Ça fait 20 piges que t'attends qu'il clame. Bah oui, je sais bien, mais bon, écoute, bon. Qu'est-ce que tu veux? Stéphanie, combien mesures Non, mais elle va se marier, Toff. Bah justement, c'est pour ça. Alors, combien mesures-tu, Stéphanie? Comment? Combien mesures-tu? Oui. 1m63. Combien pèses-tu? 41 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85. 85 quoi? Ah. Puis le temps que vous êtes ensemble, il aura pu te faire un cadeau. Ouais. Et la taille des pantalons que t'as acheté? Le dernier pantalon que j'ai acheté? Ouais. Un leggings... Non, oh, la taille. Non, la taille. La marque et le tarif. Ah, 34. J'ai acheté un diesel, très beau. Non. Ah non, elle a un bon petit cul, hein. Ouais, ça doit bien donner. Elle est mariée, espèce de chien. Non, elle est pas encore mariée. Elle est pas encore mariée. Bon, vous nous invitez au mariage, j'espère. Ouais, y'a pas de problème, Miguel. Bon, bah, nous, enfin, on vient surtout pour bouffer, hein. Donc vous emmerdez pas la cérémonie avant, on s'en branle. Mais si on peut venir, bah, un peu, Toff, il fait presque DJ. Et il est curé aussi, Toff. Et Toff est curé également. Donc ils peuvent pouvoir vous marier. Ouais, bah, quand il fait ça les week-ends pour les fins de mois. Ouais, c'est surtout que je vais voler les troncs, hein, c'est pour ça. Mais bien sûr, évidemment, ça c'est normal. Bon, bah, bravo en tout cas, merci à vous d'avoir appelé Fun, de l'avoir fait sur Fun, et puis bah, je vous fais des gros bisous. Merci. Et appelez-nous pour le divorce. Hein. Ouais, et profitez-en bien, Stéphanie, ça durera pas. Hein. Ah bon? Bah, il est plutôt jeune, pépère, quoi. Si, là, ça va durer, la vie dure tout le temps. Il dure tout le temps, oui, c'est vrai. Non, mais on plaisante, je vous fais des gros bisous à tous les deux, merci d'avoir appelé. Merci de merci, même. Merci, Mickaël. Ciao, à bientôt, et merci ciao, à vous. Ciao. Bye. On aura Essia dans quelques instants, le gagnant pour le football avant minuit, et un message qui dit « Je convulse de plaisir en vous écoutant ». Oh bah dis donc. Ah bah ça convulse. Ah bah ça convulse, ouais. Bon, alors attention, en parlant de plaisir, je vous mets le nouveau son de David Guetta maintenant sur Fun Radio, que vous n'avez pas encore entendu, c'est la première fois qu'on vous le met maintenant à 23h19, Lovers on the Sun. D'ailleurs, donnez votre avis, tiens, si vous aimez ou pas le nouveau son de David Guetta, vous envoyez « Hey Mickaël » espace votre message au 64900 par SMS, ou alors sur le Twitter avec le hashtag « Hey Mickaël » sur Fun, ou même sur Facebook. C'est parti, David Guetta maintenant, Lovers on the Sun. C'est Mickaël No Limit, on est au cœur d'une heure sans pub. Bonne soirée tout le monde. Let's light it up, let's light it up until our hearts collide. Voilà le nouveau David Guetta, Lovers on the Sun, que vous découvrez sur Fun, et j'ai envie de dire c'est normal. Morceau pas mal du tout, je peux avoir une dédiée au collège Saint-Dominique à Rouen et à Penelope, c'est Matisse. Voilà, très bien, bah voilà, le message est passé. Stylé le son de David Guetta pour Matisse, un autre. Bah continuez avec vos messages là, vous avez kiffé ou pas le nouveau son de David Guetta, bah dites-le nous tout simplement. Alexandre qui dit petite dédiée à toute l'équipe de Fun et à mon homme, je t'aime fort, c'est Yann. Et puis oh, Pierre c'est mignon. Il m'a tué ce con. Ah oui, c'était tout à l'heure. Ça. J'aime bien le Guetta aussi pour la friterie Alba, et Benjamin qui dit j'adore, il est vraiment terrible le son. Et enfin pour la mascotte, c'est Mickey Mouse sur à 100%. Attends Théo, t'es pas sérieux là quand même, j'espère que tu te fous quand même de bien de notre gueule, j'espère. Bon, je rappelle que pour gagner le maillot de foot, là c'est dans 30 minutes qu'on tire au sort. Si vous voulez gagner votre maillot, c'est le moment ou jamais, hein. C'est dimanche soir, etc. Pépère, reste 30 minutes d'émission, donc n'hésitez pas. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse à la question suivante. Donc quel était le nom de la mascotte de l'équipe de France en 98? Est-ce que c'était Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Voilà, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900. Quand je dis et la réponse, c'est M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. On joue évidemment tout à l'heure, dans moins de 30 minutes. En fait, il y aura les appels malveillants également qui arrivent dans quelques instants. Et puis on va prendre Essia avec nous. Salut Essia. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah bien, toi. Bah oui, ça va. Reste une place aussi hein, pour le match d'impro. Hein. Si vous voulez jouer avec nous, 01 42 48 5000, appelez-nous maintenant. On fera ça dans 5 petites minutes également. Bon, bah super bien, Essia. T'as quel âge, toi? Bah j'ai 11 ans. Oh. Non, putain, tu parais plus. Non, vas-y. Non, sérieux, hein. Essia? Bah oui. Ah ouais, putain, tu parais plus âgé. T'as une voix de plus âgé. Voilà, mais bon. Et donc, tu nous appelles pourquoi, Essia? Pour devenir douce officielle. Ah, tu veux devenir douce officielle? Ah ouais, bah écoute, oui, bien sûr. Bah, pour devenir douce officielle, évidemment, je te repasse Polo, bien entendu. Hein. Allez, hop, c'est parti. Eh, bon courage, Essia. Hein. Ok. Allez. Essia, tu as décidé de devenir douce officielle? Y'a pas. De quoi? Oui. Bon, moi, Polo, grand maître des doux, maître incontesté de l'armée des doux, je peux accéder à ta demande, Essia, mets-toi à genoux. Ok. Ok. Insulte-toi, Essia. Je suis une teuf, je suis ma sœur, je suis une conne, je suis une pute, je retourne au boulot. Ça, ça suffit. Pourquoi ta sœur? C'est une insulte, ta sœur? Oui. Ah, d'accord, bon. Essia, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Oui. Bah, tape-toi sur la tête avec. Non, non, c'est pas ta tête, ça. Si. Putain, t'as la tête dure. Essia, oui. La bonne nouvelle vient d'arriver. Le bouffon Toff va l'annoncer. Allez-y, bouffon. Essia, tu es douce. Bravo, ouais. Essia, tu es la douce âgée. La douce âgée? Bah oui, puisque tu dis qu'elle a l'air plus vieille. Ah oui, mais non, faut trouver un autre nom, la pauvre. Elle a une belle voix. J'en sais rien, je ne sais pas les noms. La doux rose. Non, c'est nul, là, par contre, t'as téléphone rose. La douce chanteuse. Chanteuse? Bah non, pourquoi chanteuse? Ouais, parce que j'ai envie d'être chanteuse plus tard. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas toi qui décide, c'est moi le grand maître. Et t'imagines, t'as envie de devenir, j'en sais rien, moi... Plombier. Plombier, on va pas t'appeler le doux plombier. Bah oui. Bon, carton rouge pour le Costa Rica. Hein, la douce... attends, la douce printanière. Ça y est, ça lui vient. La douce printanière. Ouais. Ouais, voilà, ça. Bon, parce que t'as une belle voix. Non, mais on est en été depuis 8 jours. Ouais, mais c'est pas grave. J'aime bien. La douce printanière, ça va, ça? Ouais. T'es sûr, hein? Mm-hmm. Bon, bah voilà, la douce printanière, bah bravo à toi. Tu n'oublies pas que tu as une lourde charge sur tes épaules. Tu dois prévenir tes potes d'écouter l'émission tous les soirs, 20h minuit, tous les soirs de la semaine également, Michael. Même le dimanche. D'accord? Michael? Oui. J'ai une bonne nouvelle. Dis-moi, Essia. C'est déjà fait. Eh ben, continue, fais-en avec d'autres et les gens que tu croises dans la rue. Tu dis, écoute-moi bien, toi, espèce de gros con, là. Allez, viens ici, tu vas écouter Fun dorénavant le soir. Et s'il veut pas, tu le forces. Et s'il veut pas, tu lui mets une droite. D'accord? Ok. Ou deux. Bon, je compte, oui, tu peux en mettre deux également, ouais. Bon, la douce printanière. Oui. Je te souhaite une bonne soirée, je te fais des gros bisous. Merci. Salut la douce printanière, ciao. Bon, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont dit: oh putain, le Anthony, c'est le même que vous avez eu cette semaine. Ouais, bon, en même temps on l'a plusieurs fois. Mais c'est celui où il y a eu je sais pas si vous voyez dans les films en général, c'est quand on essaie de, dans les vieux films, quand on essaie de se débarrasser de quelqu'un, on dit faire une photo, bah, recule encore un peu. Recule. Recule, puis il tombe et on en est débarrassé. Et ben, il s'était passé la même chose avec Anthony. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, et puis il y en a qui te demandent, alors du coup je vais le remettre avec plaisir hein, parce que, bah oui, mais attends, ça fait plaisir. Et puis nous on s'était tellement marré avec cette connerie que c'était voilà, que c'était énorme. Donc Anthony? Oui, bon, qu'est-ce qui t'amène? Parle encore plus loin. Ouais, est-ce que tu peux parler un peu plus loin de ton téléphone? On t'entend trop bien là. C'est parce qu'il est en train de nettoyer une tombe, il a laissé le téléphone à l'autre bout. Anthony? Oui. Parle un peu plus loin. Ben ça va mieux là. Non, non, mais non, plus loin de ton téléphone. Comme ça? Non, plus loin. Est-ce que... pas plus loin. Non, est-ce mais que... mets ton téléphone plus loin de ta bouche. Voilà, est-ce que tu peux mettre ton téléphone à un bout de la pièce et toi à l'autre? Voilà. Bah, c'est fait, là. Bah non, c'est pas possible. Il est où ton téléphone, là? Bah, à mon oreille. Voilà, oui, bah, voilà. Donc, dépose-le sur la table devant toi. Voilà. Et dis-moi, ça va? Tu m'entends, là, ou pas? Ça va, tu m'entends, là? Mets-le encore un peu plus loin. Tu m'entends là? Plus loin! Et maintenant? Encore un peu plus loin! Là, je suis au maximum! Mais il est où là, le téléphone? Sur la table. Et toi, t'es où? Devant la porte. Attends, refais un essai pour voir! Maintenant? Recule! Je suis Encore un peu.

Merci à vous, Mickaël. Eh ben, écoute, avec plaisir. Tu repasses quand tu veux, t'es chez toi ici. Hein. D'accord. Ben voilà, donc c'était notre ami Anthony qu'on avait eu la semaine dernière. On t'embrasse, Anthony, tu nous as bien fait rire, en tout cas, la semaine dernière. Mais toujours bien rire. Mais toujours, évidemment, Anthony est un fidèle qu'on aime beaucoup. Bon, il y a le match d'impro qui arrive, il y a les derniers appels malveillants de Toff et on se met le son de Saya maintenant, le son de Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. Saya sur Fun Radio, c'était Chandelier. Bienvenue si vous arrivez, 23h38, toujours au cœur d'une heure sans pub. Et avant de se faire le match d'impro, on va bien sûr se faire l'appel malveillant à base d'éjaculation. Mais oui, parce que donc on est tombé sur une étude qui disait qu'il fallait au moins 12 éjaculations par mois pour éviter d'avoir des problèmes de cœur, enfin des problèmes cardiovasculaires. Exactement. Donc voilà. Du coup, on a appelé des gens pour voir si ils étaient bien dans les normes. Bah si j'éjouissais assez, bah, j'éjaculais assez. Et bah donc on appelle, c'est parti. Hop là, comme tous les soirs sur Fun Radio, 23h38. Allô. Oui, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien vous avez d'éjaculation par mois, monsieur. Ah, ça, c'est une très bonne question. Et si je vous retourne la question, vous allez faire quoi? Ben, je vais rien faire, monsieur. Pourquoi vous voulez me retourner la question? Ben, vous me posez une question, moi, je vous retourne la question. Et alors, et vous? Ben, moi, je sais pas, monsieur, beaucoup. Ah, parce... si vous avez pas, pourquoi vous me posez la question, alors? Ben, pour... parce que, en fait, c'est bon pour votre santé, monsieur. Ben, c'est très bon pour la vôtre aussi, parce que la vôtre et la mienne, c'est pareil. Ben, oui, monsieur. Ben, oui, alors. Ben, voilà, c'est tout. Ben voilà, alors ferme ta gueule alors. Ben pourquoi vous dites ça, monsieur? Ben attendez, vous me posez une question qui est complètement indiscrète, monsieur. Mais pas du tout. Vous fermez pas votre gueule, vous fermez votre gueule, vous savez où est-ce que vous avez téléphoné. Maintenant, non. Si vous avez des couilles, vous venez. Mais pourquoi si vous voulez des couilles comme vous, j'en baisse tous les jours. Ok. Je comprends pas, monsieur. Fermez votre gueule. Mais non, monsieur. Fermez votre gueule. Comment ça? Tu sais où t'as téléphoné? Non, pas du tout, monsieur. Eh ben alors ferme ta gueule alors. Point à la ligne. Bah enfin non, monsieur. Mais ferme ta gueule, je te dis. S'il y a deux solutions, soit tu viens, si t'as des couilles, tu viens. Si t'as pas de couilles, tu restes où t'es. Point. Oh non, monsieur. Moi des couilles, j'en ai. Donc viens. J'attends des mecs comme toi, moi. Moi des mecs comme toi, j'en bouffe tous les jours. Viens. Si t'as une grande gueule, viens. Mais pourquoi? Viens. Vous voulez pas juste. Mais viens. J'attends. Viens. Vous voulez pas juste répondre à ma question? Ferme ta gueule et viens. Si t'as des couilles, viens. Mais t'as pas de couilles, c'est normal que t'es au bout d'un fil, tu téléphones aux gens au bout d'un fil. Qu'est-ce que tu veux avoir des couilles? T'as pas de couilles, mon gars, je te dis, ferme ta gueule, viens voir un homme. Viens voir un homme et là tu parleras. Allez, ferme ta gueule. Il est parti. Voilà. Allez, viens. Viens, tu parles au bout d'un fil. C'est facile, hein. Ah oui, c'est facile de parler au bout d'un film, là, bouffon, va. Il a raison. On appellera d'autres, hein. Demain, dès 20h, on sera de retour. Jordan qui dit, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Vous êtes comme ma deuxième famille, puis vous allez me manquer pendant les vacances. Oh, mais on sera pas bien loin, Jordan. Et pour nous suivre sur Facebook, Twitter, tout ça. Et puis on est encore là pendant 15 jours. Le pauvre, ses voisins doivent prendre pour un ouf, là, le Anthony. Change rien, l'équipe, je vous écoute depuis maintenant 6 mois. Je peux avoir un message de bienvenue, s'il te plaît, Mika, c'est Chloé, bien sûr. J'ai niqué ta mère, mon gros bâtard que tu es. Voilà. Et la douce Fada qui dit pété de rire, vous m'aviez tué, vous me faites trop rigoler, j'en peux plus de vous. À cause de vous, je vais mourir tellement je rigole. Mais non. Allez, continuez à balancer vos messages également. On va accueillir maintenant Jérémy et Olivier. Vous êtes là, Jérémy, Olivier, tous les deux là? Vous êtes là? Oui, ah, on est là. Ah, bah voilà, c'est bon, maintenant ils sont là. Bon, Jérémy qui appelle de Lille. Oui. Très bien. Eh ben, ça va bien et toi, Jérémy? Ça va, nickel. Tranquille. Et Olivier qui appelle de Brest. C'est ça. Ça va bien? Impeccable, ça va. Bon, parfait. On va se faire le match d'impro ce soir en mode double mec. En mode homosexuel. Bien gay, bien sale. D'accord? Ok. Bon, le principe est simple. On va vous donner un thème. Il va falloir improviser sur ce thème. D'accord? D'accord. Ok. Et le meilleur des deux repartira avec les casques qu'on file. Ce soir, c'est des casques Jabrarox Wireless offerts par Fun Radio et par la maison du gsm.com. On vous offre ça ce soir. Ça vaut 130€. Je dis ça en fait tout à l'heure, mais c'est plus, donc c'est tant mieux. Hein. 130€, son qui déchire, les sons les Jabra qu'on vous offre donc ce soir. Mais pour ça, il va falloir être bon, les amis. Et vous connaissez le principe du match d'impro, hein? Ah ouais, tiens, on nous a expliqué. Très bien. Ah ouais. Donc il y a Jérémy, Olivier. Vous êtes prêts tous les deux? Le thème, c'est... Bah, on avait prévu l'autostoppeuse cochonne, mais on fera l'autostoppeur cochon. On n'est pas dans le détail. Non, bah non. Voilà. Donc, je veux pas savoir qui joue l'autostoppeur, qui joue le conducteur. Vous vous débrouillez. On y va maintenant. Vous êtes prêts? Vous avez deux petites minutes, hein, donc on Soyez y va. Bon. Une voiture arrive et... Oui, bonjour, vous allez où? À Paris. À Paris, bah, ça tombe bien, j'y vais aussi. Donc le conducteur est Olivier. Et l'autre c'est Jérémy. Il n'y a pas de souci. Voilà. T'aimes quelque chose comme musique ou non? Comment? Est-ce que tu aimes la musique? Je sais pas, j'ai plein de t'aider. Allez, avance, enculé, ouais, avance là. Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes? Avance. La fouine. La fouine? Ah bah ça, c'est un mec, moi j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça te dirait pas que tu sais là? Vas-y. Si ça te dit, bah, bah c'est je prends une grosse et puis j'en mets une astuce quoi. Parce que tout est payant dans la vie, mon garçon. Ouais, je sais, moi aussi j'aime bien sucer. Bon, bah alors, bon, on y va, vas-y, je laisse mon frotte. Attends. Je me dis qu'elle peut me la branler, genre, parce qu'elle est pas gagnée de 6 un peu. Ah, juste 6. Vas-y, c'est bon, vas-y, continue. Ah, t'as bien parlé, là. Bien. Vas-y, continue avec ta bouche. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ta langue un peu aussi. Ah, je fais de ça. J'adore. Ah, c'est bon, c'est... Ah, bon, des gueules, c'est bien bon. C'est ça. Ah, on a dû. Ah ouais, j'adore. Attends, je vais m'arrêter sur le bas de la route, parce que tout à l'heure, on aura un carton. Attends, attends, je m'arrête. T'as dit que je t'encule? Vas-y, encule-moi. Ouais, allez, passe ton froc. Ah, j'adore. Ah, là, c'est bon, tu l'attends, là? Le mec, il est... Ah ouais, j'attends. Tu l'attends? Ah ouais, j'attends. Alors, elle est dure. Elle est dure, hein? Ah ouais, une grosse chute. Oh, bah, Dieu, je pense comme un fer. Allez, vas-y, prends pas ton cul, là, vas-y. Allez, c'est bon, allez, faudrait qu'un seul, il y en a des deux qui est vraiment homosexuel ou pas? Ah, j'adore. On va dire, un cul comme ça, j'en ai jamais vu, moi, je te le dis, moi. J'en ai jamais eu une grosse dans mon cul. Bon, allez, vas-y, allez, stop. Vous avez été bon. Oh, on a eu deux bons gros cochons. Est-ce que il y en a un des deux qui est homosexuel ou les deux ou aucun? Oh, moi, je suis aucun. Olivier, tu dis quoi, toi? Non, moi je suis pas, Et toi non plus, Jérém? Non, moi je suis pas homo. Ah bah c'est encore plus. Ben vous devriez essayer, hein, parce que vous êtes vraiment bonne, les visiblement. Deux. Bon, à vous de jouer maintenant, là. Votez maintenant. Soit vous votez pour Olivier, qui était le conducteur. Vous envoyez M-I-K-L espace Olivier au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Soit vous votez pour Jérémy. Vous envoyez M-I-K-L espace Jérémy. Jérémy, donc, qui était l'autostoppeur. On va donner les résultats juste après la pause. Hein. Donc, vous bougez pas. On se met la pub en speed. On revient dans quelques secondes. Appelez-nous également si vous voulez délire avec nous. On est tranquille. Et puis, il y a également la question pour le football. Je vous repose la question dans quelques secondes. C'est la dernière fois que je vais vous la poser pour repartir avec le maillot de foot de l'équipe de votre choix. Quant au foot, c'est toujours 1-0 pour le Costa Rica face à la Grèce. C'est la 85e minute de jeu. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48 Samy. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et il est 23h49. Il y a Polo contre le reste du monde qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis dans même pas 5 minutes maintenant, j'appelle l'un d'entre vous pour vous offrir le maillot de foot de son choix. Maillot de foot d'une des équipes qui participent à la Coupe du Monde. Bien entendu, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Quel était le nom de la mascotte de l'équipe de France en 1998? Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Bon, pas très compliqué dans l'idée, hein. Donc c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Si jamais ça vous intéresse, le maillot de foot de l'équipe de votre choix, eh ben vous nous appelez maintenant, tout simplement. Donc, enfin, vous nous appelez. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 quand les Grecs viennent tout juste dans les à 91e minute de mettre un but. 1-0. Un partout maintenant entre le Costa Rica et la Grèce. Donc ça va à mon avis aller aux prolongations. On vous tient au courant évidemment. Bon alors du coup pour gagner votre maillot, donc comme je le disais, vous répondez à la question: quel est le nom de la mascotte de l'équipe de France en 98? Quel était le nom de la mascotte? Astérix, Footix, Idéfix ou Obélix? Envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900. Tirage au sort dans 5 minutes. Jérémy et Olivier, vous êtes là? Oui. Bon, alors, comment ça se passe, Toff, au niveau des votes, là, pour terminer alors, par SMS et sur le Facebook, le Twitter, pardon? Malheureusement pour Jérémy, c'est une victoire écrasante d'Olivier. Écrasant. Ah ouais, mais il a été bon, Olivier. Il menait le truc. Bah oui, bravo, Olivier. Bon, bah merci. Hein. Eh bah, merci, je t'en prie. Ah bah, avec plaisir. Bravo à toi, Olivier. Tu repars avec le casque, comme promis, le Jabra qu'on va t'offrir avec Fun Radio et la maison du GSM.com. Bravo, Olivier. Jérém, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. Merci, bien, la famille. Ça marche. Bon, eh ben, salut à vous deux. Ouais, salut, bonne soirée, les gars. À bientôt, salut, salut. Et puis, bah, juste après, Polo contre le reste du monde, eh bien, je vous offrirai votre maillot de football comme promis. Allez, c'est parti, on y va pour... Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Eh oui, bienvenue sur Fun Radio. Grande émission. Vous êtes toujours sur Fun Radio, vous êtes avec Polo et vous êtes dans le reste du... Vous êtes le reste du monde, pardon. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on fait un tour du côté du standard. Le fou. Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu veux, tête de con? C'est les planchettes enculées de ta mère. Eh, baisse d'un son, sale chien, va. Parle-moi correctement. Quoi, t'as un problème? Je suis Polo des planchettes, moi. Eh, moi aussi, je suis mis. Allez, casse-toi, Georges. Ouais, Polo. Je t'écoute. Ouais, je t'appelle parce que je sais pas comment draguer les meufs. Pourquoi tu m'appelles? Ben, je sais pas, tu peux me mettre en relation. Ok, ouais. Je suis de Paris. Oui, bonsoir, le CHU de Paris à l'appareil. Ça oui. Catherine. Ouais, donc on a un petit patient qui s'est enfui il y a 2-3 jours. Mm-hmm. Apparemment, il serait dans son service, là, sur son radio. Mais vous parlez de qui, exactement? Christophe. Ah, bah attendez, je vous le passe. Général Dou. Oui, alors? Oui. Oui, est-ce que tu peux nous fournir de lance-pierre? On va attaquer l'Irak, là. On va tous les buter là, on est l'armée là. D'accord. On va tous les buter, fournis-nous veux... des lance-pierres, vas-y. Tu veux combien de lance-pierres? Au moins 5 millions, vas-y. Combien de pierres? Attendez, le général. Allô? Oui. Attendez 2 secondes, le doux frité. Ouais, faut dire au général qu'il faut des catapultes aussi, comme ça on va se mettre devant et on va se catapulter sur les autres. Ça, très bonne idée, bravo, gérez tout ça les doux. Jean-Jacques Dulac. Ouais, Polo, t'as dit comment? T'habilles comment? Ça te regarde pas. Je suis en slip. Je porte un slip rouge et je suis nu. Le corps huilé. Ça t'excite, cochon, hein? Inculé de ta mère, va! Le plombier! Oui, allô, Polo? Ouais! Écoute, c'est complètement bouché, là. J'ai besoin d'un bout de 3 quarts pour débiter tout ça, là. Mais vous êtes où, là, le plombier? Bah, dans les chiottes. C'est complètement bouché. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, il s'est bouché. J'ai besoin d'un bout de 3 quarts. Mais vous êtes dans les chiottes? Oui, je suis dans le tuyau. Bah ouais, mais moi je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un dos de 3 quarts? Un dos de 3 quarts? Qu'est-ce que c'est? Bah c'est une clé anglaise. Ah mais j'ai pas ça sur moi. Bah démerdez-vous. Bah j'arrive. Georges, le retour. Ouais, alors, mais c'est quoi, va te déboucher le nez, mouche-toi un bon coup. Bah ouais, mais... Non mais je pense que c'est un problème avec ton nez, c'est pour ça que t'arrives pas à serrer des meufs. Ah bon, tu crois que... Ah si, j'en suis sûr. Ah ouais, mais comment je dois faire, Polo? Je viens de te le dire, débouche-toi le nez, tête de con, va. Aurélien! Ouais, Polo, tu veux une blague? Vas-y, vite. Quel est le département qui adhère le plus? Je sais pas. La Drôme, car la Drôme adhère. C'est nul. Le fou! Ouais. Ouais, je t'écoute. Le bas de planchette, il t'encule. D'accord, ok, c'est génial. Le CHU de Paris. Oui, donc pour vous le décrire, c'est un mec qui est en surpoids et il s'est passé pour un certain tof. Donc faire très très attention quand même, hein. Ah, vous, oui, il, mais... Il a des soucis psychologiques. Mais hein, c'est quoi les problèmes psychologiques qu'il a? Je sais pas, il a des problèmes. Hein, il parle de sa mère tout le temps, comme quoi lui et sa mère, c'est une histoire pour la vie. Non, il fait attention, c'est un mec attardé dans sa tête. Hein. C'est un mec fini. Hein. Merci, le CHU. Général. Ouais, alors. Ouais. Oui, est-ce que je peux participer au générique? On va les buter avec ta musique, là. Vas-y. D'accord, ok. Le doux frité. Ouais, non, en fait, moi j'abandonne, là. Je me suis pris une balle, je rentre au bercail, là. Ok, rentre au bercail. Jean-Jacques Dulac. Tu m'excites. Hey, tu peux éviter de faire ça, s'il te plaît. Jean-Jacques. Ça suffit. Oui. Le plombier, le retour. Ouais, allô, bon, c'est toujours bouché, écoute, j'ai trouvé une solution. Ouais. Je vais passer par le pit-top. C'est le mieux. Est-ce que vous pensez que ça va déboucher, là, ou pas? C'est sûr et certain que ça va déboucher, c'est le meilleur endroit. Bon ben ça, je l'attends, envoyez-moi là. Ok, je l'envoie. Aurélien. Polo. Ouais. Ça, tête de cul. Le fou. Ouais, Polo. Je t'écoute. Je peux te baiser, bâtard. Avec plaisir, CHU. On lui avait mis une sale dose de morphine, apparemment, il voulait niquer sa mère et ça n'a pas marché. Hein. D'accord, Georges. Ouais, Polo, comment je dois faire pour mon nez, si c'est ça la solution? Mais débouche-toi le nez, c'est ton nez en fait, t'as pas compris, c'est ta voix, c'est ton nez, c'est une horreur quand tu parles. Comment je dois faire, Polo? Tu te mouches! Mais je fais que ça, Polo. Eh ben, fais-toi opérer des narines. Le général! Oui, alors pour, pour buter l'Irak, il nous faut des lance-pierres et le générique du fin. Alors, il faut absolument que je saute avec toi. D'accord, ok. Le doux fruité. Ouais, vu que j'ai plus rien à faire, je peux t'enculer. Avec plaisir. C'est, tu vas okay. maintenant ou après? Je respecte. Allez, ok. Jean-Jacques Dulac, conclusion, s'il te plaît. Elle fait combien, ta bite? Allez, casse-toi, ça te regarde pas. Le plombier, conclusion, s'il vous plaît. Bon, visiblement, ça a fonctionné. Attendez, j'essaye. Ça va? Bon, parfait. Là, ça, c'est parti, tout part. Royal. Merci beaucoup. Au revoir, le plombier. Le doux fruité, conclusion, s'il te plaît. J'ai joué. Merci à toi. Le CHU de Paris. Oui, la dernière fois, il m'a stické la bite, il a fermé et il est parti après. Eh ben, c'est bien. Mais non, c'est pas bien, parce qu'après, il a été dire à tout le monde que j'étais une pute. Bon, écoute, le CHU, je pense que tu te trompes de personne. Il a niqué sa mère. Avec plaisir, je vais lui dire. Le fou, conclusion. Moi, je t'aurais pris une parabole dans le cul, bâtard. Ok, d'accord, merci Aurélien, conclusion. Une question, d'accord? Non, une conclusion, ouais. Oh, merde. Ok, casse-toi. Et pour terminer, Georges. Ouais, c'est normal, c'est raccroché avec le CHU, peut-être qu'il aurait pu m'aider pour mon nez. D'accord, Georges, fais-toi nettoyer ouais. le nez, d'accord? Bah ouais, mais... Pisse, de la pisse, tu prends de la pisse, un petit bol de pisse, et hop, tu respires comme ça. Ah ouais? Et tu vas passer de ça à ça. Ah bon, tu ouais, crois que si tu fais l'inhalation de bol de pisse, ça va marcher? C'est sûr et certain, Georges. Ah bon, bah je te rappelle pour te dire alors. Avec plaisir, allez casse-toi. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas, car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça n'a pas de prix. Effectivement. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça n'a aucun prix. Aucun. Eh ben, aucun prix. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Allez, 23h58 sur Fun Radio. C'est l'heure de prendre notre gagnant maintenant pour le football. Allez, c'est parti, on appelle le ou la gagnante. Si elle ou il décroche, c'est gagné. Si la réponse est bonne, évidemment. Allez, ça sonne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alexandra. Salut Alexandra, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Salut. Ça va? Ouais. Ouais, t'as vu, en général, c'est bien. Ouais, oui, c'est Mickaël de Fun Radio. Ah ouais, salut, ça va? Et là, tu peux commencer à discuter, et ça, c'est bien. Bon, t'as quel âge, Alexandra? T'es dans quelle ville? 34 ans, j'habite à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours. D'accord, très bien. Et toi, tu t'étais inscrite pour peut-être repartir avec le maillot de l'équipe voilà. de ton choix, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Donc, on y va. Quelle était la mascotte de l'équipe de France en 98? Astérix, ben, Footix, Idifix ou Obélix? C'est Footix. Eh oui. Eh ben, bravo. Super. Bravo à toi Alexandra, tu veux quelle équipe? Du coup je voulais te demander un petit truc, en fait j'ai un petit garçon qui a 8 ans, qui est ouais. fan de foot. Ouais. Et est-ce que du coup vous pouvez lui faire un petit lot ou pas du tout? C'est-à-dire un petit lot? Parce que la semaine dernière je m'étais inscrite en fait, mais j'avais pas été tirée au sort. Vous faisiez un pack ballon. C'est le jeudi qu'on fait ça. Ah, ah merde. Bah tu peux choisir soit le. Tu peux. Bah oui, mais tu veux. Bah s'il sera très content déjà avec le maillot. Oui, bien sûr. Bah voilà. Mais du coup, vous faites maillot pour les petits ou? Oui, je pense. Bon, je vais demander, je te garantis pas, mais je vais demander. Ouais. Bon, mais sinon, voilà. Je t'embête pas, je vais prendre le ballon sinon, le ballon. Bon bah écoute, alors ouais. très bien, on fait ça, alors il n'y a pas de okay. souci. Ouais. On fait comme ça sans problème. Bah, le ballon okay. est pour toi, il n'y a pas de problème. Tu retournes chez Sandro au standard, on va prendre toutes d'accord. tes coordonnées et puis on va t'envoyer ça. D'accord? Eh ben c'est super, merci avec beaucoup. Plaisir. Je te fais des salut. Bisous. Salut. Allez, ciao. Et puis on va se faire également maintenant le gagnant du Top Twitos pendant qu'ils sont en train de préparer les prolongations en Costa Rica-Grèce. Bon, on vous donnera pas le résultat final hein, puisque ça arrivera vers peut-être minuit et demi, minuit 45, mais on vous tiendra au courant quand même. Alors, quel est le numéro 5? Ness. Numéro 4, Nadia Le Prince. Évidemment. Numéro 3, Benjamin. Numéro 2, Virginie 66. Et numéro 1, Mr. Steven. Et ben voilà, Mr. Steven qui repart donc avec son magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Bon, on se fait le générique de fin. Pour faire ouais le générique de fin, il y a également le général Doux. T'es là, le général Doux? Ouais. Bon, très bien. T'es prêt, le général Doux? On va niquer l'Irak, hein. Ouais, tu vas niquer calme l'Irak. Calme-toi, ouais. Calme-toi. Calme. Nique déjà le générique et après on en reparlera. Allez, vas-y, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites. Je sais pas l'enculé. Enculé, parce que ton nom qui est pas comme ça, qui parle toi. T'as l'enculé, en rythme. T'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger, car t'as plus ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Doubs est un enculé. Ta mère, mon gros bâtard que tu es, hein. Va te faire enculer, gros con. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire enculer, bête, c'est mort. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Mais c'était mort, distribue du gâteau. Hein? Mais que... putain, laisse-moi enculer, allez. Toi, l'enculé. Dans ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as sucé, toi, l'enculé. T'es un enculé. Enculé. Tu niques tout le roux, là. On est les enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà le doux là. Bon, ouais. T'as pas été très bon, faudra être meilleur la prochaine fois. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai. Je te l'annonce. Bon, ouais. Allez, bonne nuit le doux. Bonne nuit. Allez, à demain le doux. À demain. Le général doux, pardon. Général. Mais il s'est improvisé général doux parce qu'il est pas général, me non, semble-t-il. Non, c'est moi le général. Oui, non, je ne suis pas général. Ah ouais, ouais, ouais, il me semblait bien que tu t'étais improvisé là. J'aimerais un petit commentaire. T'as bien fait, tu as mis une claque, t'as bien raison. Bon, le général doux, à demain. Il a 8 ans, il dit. Ouais, ah, il a 8 ans. Bon, on te reprendra demain. On te reprendra demain à 20h pour te nommer officiellement de doux officiel, d'accord? Bah, je suis déjà. C'est quoi ton nom? C'est le doux qui bande sur l'arête. Le doux qui bande sur l'arête? Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Bon, qui bah, t'as baptisé? Bah, toi. Ah bon? Bah oui. Ouais. Bon, et bah le bout qui bande sur l'arête, bah écoute, alors bonne nuit et à demain alors. Hein. Le bout qui... Ok, à demain. Salut, ciao à toi le doux. Voilà, bah, parfois on donne des noms tellement bizarres qu'on oublie, on oublie les choses. Bon, merci aux auditeurs qui sont passés également là. Vous avez passé une bonne soirée les mecs? Dans le micro. Ouais, c'était super, nickel. C'était cool, très bien, parfait, cool aussi. Et puis bah ouais, tout simplement génial. Ah bah voilà, bah écoute, bah merci en tout cas pour la bouffe, pour la boisson. Toff, il s'est régalé comme un gros porc là ce oh soir. Oh là, on était bien ce soir, on était bien. Il s'est mis du vin, il s'est mis des bonbons, il s'est mis du 4 quarts dans le bide. Je vais aller me finir l'agneau, le 4 quarts, il n'y en a plus. Oh là là, bah et c'est il va parfait. Prendre un god de passage du désert pour se défoncer. Évidemment, le cul, évidemment, évidemment. Et là, je vais passer une bonne nuit. C'est ça. Bon, bah passez une bonne nuit en tout cas, merci d'être venu. Mais merci à vous, hein. Et puis bah quand vous voulez, vous êtes les bienvenus, il y a pas de problème. Nous on se retrouve demain, à partir de 20h. Et puis c'est Adrien Thomas qui va prendre le relais là, pépère. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ce soir là? Et ben on va suivre le match. Et ben voilà, mais t'as bien raison. Ça recommence. La Grèce, Costa Rica Grèce, ouais. Un partout. Donc c'est les prolongations qui démarrent. Et ben très bien. Bon, on tiendra les auditeurs. On prend le relais. Voilà. Pour émission le match. Émission footballistique jusqu'à 1h du matin. Hein. Pas de musique. Que les commentaires d'Adrien Thomas. Et attention, effectivement, attention, il se t'imagines. Ah non, je sais vraiment pas assez bon là-dedans. Party fun spécial foot. Party fun remix. Jusqu'à 2h du mat. Et les New World Sound qui sont avec nous là sur Fun Radio jusqu'à 1h. Voilà. Ah, mais je pensais que c'était Ribéry qui venait mixer. Ah non, mais peut-être un jour, c'est pas mal. On va y penser. Écoute, pas trop vite, hein, mais pense-y à l'occasion. Ouais. C'est noté. Allez, bah, bonne nuit à toi en tout cas. Salut les gars, à demain. Salut. Bah, à demain exactement, dès 20h sur Fun Radio. Ciao. Bye bye.